Il s'en voulut me faire taire. Il s'en voulut m'éliminer. Ils ont cru s'être débarrassés de moi, mais je reviens toujours plus fort. Aïe, le pont la saison 2. Bienvenue pour cette saison 2 de Cases sur Table. Avec moi aujourd'hui pour parler manga comics, je suis avec Alex. Ouais. Issam. Ouais. Hans. Yo. Nécro. Ouais. Et on accueille quelqu'un de nouveau autour de cette table, l'invité autour de cette mystère, équipe, l'invité mystère, enfin l'invité mystère qui sera là à toutes les émissions, donc est-ce qu'on peut qualifier ça d'invité? Sally. Hello. Ah d'accord. C'est tout doux comparé à nous. Mm-hmm. Ah mais c'est le modulateur de voix, j'arrive pas bien à le maîtriser. C'est ça. Comment allez-vous? Ça va. Ça on va, mange ça des gâteaux, va. Ça ne peut qu'aller bien. Je suis d'accord. Pardon. Je crois que tu as la bouche pleine. L'articulation, c'est important pour un podcast. C'est ça. Déjà qu'on n'a pas un son extraordinaire, alors en plus tu fais de la merde. Alors soit qu'on fait pas un podcast sur la bouffe, sinon ce serait terrible. Alors t'en penses quoi ce gâteau? Est-ce que c'est bon? Non. Ce serait terriblement bien de faire un podcast sur la bouffe. Eh bah, le bouffe au cast. Allez, c'est bon, c'est lancé. On va lancer ça la semaine prochaine. Le bouffe au cast. C'est juste des gens qui... inintéressants au possible. C'est de la ASMR, quoi. C'est ça. En train de goûter des marshmallows. Sponsorisé par les petits restos du coin, c'est bien. Les petits restos du coin, les petits restos du cœur. J'ai compris les restos du cœur. J'y avais même pas pensé. Alors, j'ai testé donc les paquets de pâtes et les boîtes de thon. Chers camarades, comme d'habitude, un petit tour de table pour savoir les actualités de chacun. Qu'est-ce que vous avez branlé pendant ce mois de vacances qu'on s'est pris? Nous allons commencer par Nécro. Ah bah moi, je dirais que ce que j'ai branlé, c'est personnel, déjà. Bien, c'est le principe. Non, j'ai pas vraiment eu de vacances. Moi, j'ai bossé pendant ce temps-là parce que mes vacances, je ne les aurai que dans 7 mois. C'est malheureux. Eh ouais. On va pas demander à Hans ce qu'il a fait, ça nous intéresse pas trop. Et pourtant, historiquement, on va plutôt demander à Issam. Bien antique, dans 20 ans, on en reparlera. Issam, qu'est-ce que t'as fait? Oui, bah, mon boulot à l'hôtel, c'est de la merde, ma petite. Je suis en train de monter la prochaine vidéo de des cochonneries dans la porte, bon, ça, d'accord, voilà. C'est ah non, mais ça, il faut que tu racontes cette anecdote extraordinaire. Ouais, bah, c'est, En parlant de cochonneries, j'en ai une super bonne. Épique, vas-y, je t'en prie, Sam. C'est vaguement caché de la rue par une plante en pot. Voilà, j'avais l'autre jour deux clients, enfin un homme et une femme, qui n'étaient pas clients de l'hôtel en plus, en vrai. Et elle était en train de lui mastiquer copieusement. Mais du coup, si elle était, ils étaient cachés de la rue, mais ils étaient pas cachés de moi, ils étaient un peu plus près de moi. Extraordinaire. Et donc, je suis allé demander si je pouvais les aider, fort heureusement. Oh la vache. T'as eu une réponse? Non, ils se sont rhabillés, enfin, il s'est rhabillé rapidement. T'aurais pu leur amener un café quand même. Bah, c'est ça. Bah, d'habitude, ils font l'effort de demander une chambre avant de passer dans la rue. Ah, il était tellement pressé qu'il a pas. Oh non, je crois pressé ce soir. Ou alors, il savait que je dirais non. Peut-être, il a vu ta tête, il dit non. Bref, en dehors de ça, l'archiviste, j'essaie de trouver un lieu de tournage pour mon prochain épisode. Voilà. Et pourtant, à chaque fois que je passe devant l'hôtel, je vois jamais des trucs se passer comme ça. Tu passes pas aux bonnes heures. Ouais, ça doit être ça. Faut passer aux heures où tu regardes pas derrière les plantes en pot. C'est peut-être ça aussi. Faut passer aux heures où ils travaillent, c'est bah, quoi le jour qui les attire. Ouais, le jour où j'ai une insomnie, je viens devant l'hôtel, hein, je vais rigoler. Ah oui, bah. On mettra une petite webcam. Passe, mon ami, passe. GoPro, tu sais. On ira derrière une plante en pot. Je te montrerai la suite. Salut. Qu'est-ce que t'as à nous raconter? Bah, pas grand-chose, le boulot, je travaille dans le jeu vidéo. Mmh. Donc, du coup, c'est vrai, tu ne t'es pas présenté. C'est vrai. Donc voilà, je travaille dans le jeu vidéo, je suis infographiste. Donc je m'occupe surtout des décors 3D, etc. Et dans les petites actus sympas de cette semaine, et donc pour en revenir dans le même thème que les histoires d'Issam, le matin je me lève à 6h, donc il fait nuit, et il y a des gens qui promènent leur chien à 6h et qui se disent « Est-ce que ce serait pas le bon moment pour se taper une queue en pleine rue ?» Donc du coup à 6h du matin, un mec qui se défroque devant ma fenêtre et qui commence à faire des avances sur lui-même, donc c'était très intéressant jusqu'à ce qu'il lève la tête et qu'il me voit au 3ème étage et qu'il se rhabille tout doucement et qu'il part en marche arrière comme ça. Et il était avec son chien. Et il était avec son chien. Ah, donc, avec son chien. C'est déjà ça. Mais c'est dégueulasse. Et ça, le lendemain matin, il revient et il s'aperçoit que la fenêtre est allumée, donc il repart. Mais voilà, c'était assez rigolo en fait, comme histoire. En fait, c'était ton spot. Maintenant qu'il a vu que quelqu'un était là, son spot. Ça. Et merde, ah, c'était son bateau en plus. C'était son spot de branlette. C'est ça. Pour échapper à sa femme, je ne sais pas. Mais c'était plutôt marrant. C'est bien, il s'est coupé, on va se promener. Voilà. Alors que ça veut dire qu'il n'a pas j'ai de porte de poilette chez lui. J'ai une amie qui avait violé ses poubelles. Quoi? J'ai une amie, c'était quand j'étais à Lyon, elle était dans un immeuble, il y avait des poubelles communes, et il y a un mec complètement torché qui avait commencé à vouloir se taper une poubelle, et qui avait apparemment lâché à un moment, parce qu'il était tellement bourré qu'il n'arrivait même pas à... Enfin, je sais pas ce qu'il essayait de faire exactement, mais il n'y arrivait pas. Et il avait fini par lâcher « Ouais, je peux pas de moi, c'est parce que je suis juif !» Ok. C'est trop bon. Ah putain, mais c'est la meilleure intro qu'on a faite. C'est pas mal, ça. Bon, j'ai le niveau maintenant, hein. Cette saison 2 commence bien. Alex, bah, moi, j'ai eu la chance de trouver un nouveau logement, bien plus grand que l'ancien. Putain, c'est vraiment pourri comme histoire. On parle pas ça par les aigles. Ouais, moi, c'est... Non, moi, c'est beaucoup plus calme, c'est très soft. Donc ça y est, j'ai enfin de la place pour ranger tous mes bouquins, je suis très content. C'est pas une histoire sordide qui s'est passée dans ton appart. Non, pourtant, depuis mon balcon, j'essaie de voir un peu s'il se passe des choses, mais non. Depuis qu'il y est, il y a des trucs sordides qui se passent dans son appart. C'est ça. Non, non, moi, c'est très calme. Voilà. Une bien triste histoire. Si je peux vous parler de l'immeuble où j'ai grandi, où il y a eu l'assassin de Chafourbacar. Ah oui, vas-y. L'assassin quoi? Un mec qui s'était fait tuer au niveau politique. Mais bon, voilà, l'assassin vivait chez nous, dans le même immeuble. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un incendie dans le sous-sol, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Il y a eu prise d'otage de la caisse, de l'hôtesse de caisse du magasin de rez-de-chaussée. Là je me suis dit, bah, ça va, on est déjà bien là. Et puis après le quartier, bah, je raconte même pas. Le quartier ça va bien, il se passe des trucs. Mais par contre, des trucs sexuels, on a pas eu tellement eu. Non. Truc sexuel, non, ça va. C'est pas des gens pour sodomiser des poubelles, ça va? Ouais, non. Déguisé en chien. En chantant Petit Ours Brun. Voilà. En chantant la musique de Pénobert. Ah, little girl. Cette chanson étant composée par Wingo Wingo, groupe qui était mené par Danny Elfman. On ne donne jamais une occasion de parler de Danny Elfman. Putain de merde. Danny Elfman, ce mec. Extraordinaire. Ce mec font du rap, même quand on s'y attend pas. Ce que fait le groupe est génial. C'est vraiment un groupe extraordinaire. N'empêche que c'est la lutte quand même, quand t'arrives à t'en dire que la poubelle te rejette, c'est que vraiment. T'es au fond du fond, quoi. Ouais, c'est que t'as un gros problème de solitude, je pense. Pas très loin d'ici, il y en a un qui a voulu se taper avec un poteau quand même. Le maire qui s'occupait de formation, et il y a un mec qui était venu bourré et qui, après, quand il est parti, il s'est explosé la gueule contre un poteau en ferraille. Il s'est relevé, il a insulté le poteau, il a dit qu'il allait péter la gueule, et finalement il a vu la taille du poteau, il est parti. Et le lendemain ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain ils sont revenus à plus chier. Le lendemain, la mère qui demande, alors qu'est-ce qui s'est passé et tout, qu'est-ce qui s'est passé ici, vous avez un coquard quoi. Ah bah je me suis fait graisser par un mec quand je suis sorti. Au début j'ai lutté mais il était grand. Et du coup, oui, ça s'est arrêté sur le fait que le mec était très grand et que du coup, il a préféré se barrer. C'est un poteau, hein, quand même. J'aurais été un poteau. Oui. Alors, ne raccrochez pas, vous êtes bien dans Casse sur Table, pas sur Fait Divers Cast. On en est à 10 minutes. C'est vrai que là, c'est un petit air de dernier cyber. C'est ça. Est-ce qu'il serait pas temps de passer au programme? Maintenant, t'as donné tes nouveautés. Ah oui, merde. Bah, les nouveautés, bah, la librairie s'est fermée. On n'enregistre pas à la librairie aujourd'hui, désolé. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis après, les nouveautés, mis à part Dragon Quest et Westworld, ouais. Hein, Okay, je suis content que t'aies apprécié, c'est cool. Bah, c'est extraordinaire. Ah, bah, c'est... bah faut être un connard et s'appeler Issam pour pas aimer, quoi. Pédant, pas connard, pédant. Ah, pour moi, le pédant, c'est Nolan, mais bon. Non, on va pas entrer dans le débat, il y en a pour une plombe. Ouais, voilà, c'est ça. Les goûts et les couleurs. C'est ça. Mm. Mais les nôtres sont mieux que celles d'Issam, bien sûr. Ouais. Toujours. Indéniable. Quand vous dites les goûts et les couleurs, c'est par rapport aux faciès ou... C'est ses lunettes. C'est parce qu'il a des lunettes. Il est privé de jokes que personne ne peut comprendre, putain. Bon, passons au programme de cette émission, une longue émission, parce qu'on va aborder pas mal de titres qui sont autour de la table. Et nous allons commencer par Kingdom, écrit et dessiné par Yasuisa Arin. Merci, Issam. Eh ben, je te laisse continuer. Alors, Kingdom, ça se passe en Chine médiévale, voilà. Et ça raconte l'histoire de Chine. J'avais même pas fait attention, désolé. Comme par hasard. Qui est un jeune homme orphelin qui travaille un peu pour un marchand qu'il a plus ou moins pris sous son aile et qui chaque jour s'entraîne au combat avec son meilleur ami qui est dans la même situation que lui. Et leur rêve dans la vie, c'est de devenir les plus grands généraux, les plus grands dirigeants d'armée de toute la Chine. Mais un jour, il y a un noble qui vient chercher son meilleur ami et qui l'emporte en lui disant « Tu vas rentrer au service de mon roi. » Sauf que quelques jours plus tard, l'ami en question revient, mourant, et dit à Chine « Il faut que tu protèges le roi à tout prix. Il a été trahi, il y a son frère qui l'a trahi, qui veut le faire tuer. » Il faut que tu le protèges à tout prix. Et Chine, bon gré mal gré, qui en veut énormément du coup au roi parce qu'il le considère comme un responsable de la mort de son meilleur ami, va devoir le protéger et va donc être entraîné dans tout plein d'intrigues, d'armées et de cours. C'est un manga qui compte déjà 51 tomes au Japon. Mmh. On espère un peu de le voir arriver. C'est pour ça que je fais pas la série. C'est édité par Mayan chez c'est nous. C'est édité par Mayan au rythme de 2 tomes. Ouais, 2 tomes par mois, il y a un abonnement qui est proposé si ça vous intéresse. Bon, déjà, pour parler d'édition, je la trouve vraiment très soignée. L'édition est très sympa. Le titre est un peu en relief, un peu doré, le papier est de très bonne qualité, c'est vraiment une super belle édition, ils ont fait un très très bon boulot à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai pas regardé la couverture. Elle est jolie, mais c'est sobre et élégant. Et je comprends pourquoi ça a une telle popularité au Japon, parce que j'ai trouvé ça génial pour ma part. C'est magnifique visuellement. C'est un titre, j'ai oublié de le préciser, qu'on a tous lu autour de la table. Mm-hmm. Qu'on a tous plutôt apprécié, mis à part Alex. Si, je l'ai apprécié. Mais les seules choses qui me rebutent, en fait, c'est un, le nombre de volumes. Ouais. Je suis pas prêt de me lancer dans une autre grande série. J'ai déjà One Piece, ça me suffit largement. Et deux, le style visuel m'a pas autant transporté qu'Issam. C'est un style c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est un peu vieillot. Mmh. Ouais. Mais quand même vachement propre et qui se prête bien à l'histoire, justement, qui est par contre irréprochable. Ça a vraiment une profondeur historique et tout, c'est vachement cool. Mais voilà, c'est pas une série que je vais faire. Après, c'est vieillot, mais je trouve que ça a une patte assez particulière, assez personnelle, qui me charme pas mal. Mmh. C'est très propre, par contre, vraiment très propre comme style. Et quand il y a besoin de détails, l'auteur du coup redétaille plus. Mmh. Quand il y a des. Disons que les passages les plus importants sont très détaillés. Bah. Ça a l'air de rien et ça change beaucoup. Et puis c'est sa première œuvre, hein. Donc là on est face à son premier truc relié, je crois. Oui, donc voilà, il y a ça aussi qui joue peut-être dans. Certaines inégalités. Est-ce qu'on sait s'il a fait d'autres séries en parallèle ou... Non, c'est que Kingdom. Donc il se concentre sur ça, quoi. Non, en même temps, il carbure. Hein. Je crois que c'est 4-5 tomes par an. Donc... Ouais, facilement. Ouais. Le mec a un rythme assez effréné, quoi. Mais après, est-ce que, genre, je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder les autres tomes, voir si son évolution, s'il avait une évolution graphique. Alors, j'ai regardé rapidement, oui, il y a une évolution graphique. Après, j'ai pas voulu trop en voir. Ouais, bien sûr, spoiler, pas spoiler. Mais, oui, il y a une évolution. Parce que moi je trouve que le trait il est pas. Enfin, il est propre, mais je trouve qu'il est quand même des fois un peu tremblant et dans les proportions il peut y avoir des choses un peu étranges. Surtout les. Enfin, je sais pas, ça me. Bah, on sent que c'est un premier. Ouais. Peut-être une première œuvre aussi, que si jamais c'est son premier tome relié, c'est normal qu'au niveau du dessin ce soit pas non plus irréprochable, mais. Après, c'est sûr que ça habille bien l'histoire quand même. Hein. C'est pas, mais je sais pas, j'avais un peu plus de mal avec le dessin. Mmh. Bah. Et puis j'ai l'impression en fait que certaines des erreurs, certaines des, certains des petits défauts sont liés au fait qu'il a un style propre qui justement n'est pas vraiment le tout venant de ce qu'on peut voir visuellement dans un manga. Donc je trouve ça assez honorable qu'il fasse des erreurs, mais en cherchant à proposer un style plutôt que de proposer quelque chose de très académique qui sera peut-être plus réussi. Mmh, il y a aussi un travail des perspectives et un travail aussi des déformations de corps pendant les combats, ce qui donne des trucs un peu plus punchy. Ouais, mmh. Les combats sont assez énergiques. Ça, c'est vraiment cool. C'est, ouais, bah, comme disait Alex, au niveau de l'histoire, ça va assez loin, rien qu'en dedans, dans, ça va assez loin dans, les, dans la situation que ça nous présente, et ça arrive à jamais être lourd dans la manière dont ça nous présente. Pour moi, c'est pas des tomes que tu lis en une demi-heure. Quoi. Ah non, clairement pas. Et puis, plus ça va avancer, à mon avis, plus tu vas prendre du temps à bien comprendre toutes les ficelles du scénario. Surtout qu'il pose pas mal d'éléments d'intrigue dès les premiers tomes, que ce soit des personnages ou des purs éléments. Pas mal de choses sont posées directement. Et puis la morale des personnages qui est très bien suggérée par leurs actions, notamment le roi, qui est un personnage qui arrive très tôt, du coup, et effectivement... Dès que tu commences à comprendre le personnage, tu te dis voilà, c'est plus complexe, c'est pas complètement manichéen, c'est pas. Le personnage, il a vraiment à donner. Oui, clairement, oui. Bah, même son frère, du coup, qui est un peu l'ennemi au moins de cet arc-là, finalement, on peut pas se dire que c'est un grand méchant parce qu'il a quoi, il a 8-10 ans. Oui. Oui. Oui, c'est le tout jeune qui a réussi à jouer d'influence. Ouais, mais justement, on se demande est-ce qu'il a réussi à jouer l'influence, est-ce que c'est réellement un personnage au lieu, ou est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui le manipule. Ouais. Et j'y pensais aussi en partant. Ça fait très Alain Soral comme interprétation là. Bah, je pense que de toute façon c'est Israël. Parce que ça je l'ai lu, hein. C'est la Chine. Par les Illuminati. Ça c'est prouvé, hein. Ça, j'ai mes sources. C'est écrit dans mon livre Comprendre la Chine. Explicit lyrics. Sur iTunes. Explicit lyrics. Voilà, déjà. De base. Ah la vache. Bon. Les combats de MMA sont très bien faits. Hein. Ah mon dieu. Il est con. C'est pas ma spécialité, mais je sais reconnaître des bons combats, des mecs vraiment virils, quoi. Putain. Est-ce qu'on en a terminé avec Kingdom? Un manga qu'on recommande tous autour de la table. Ah, Si toi tu es mec avec une petite réserve, mais c'est juste parce que c'est une réserve personnelle. Ouais, je ferai pas la série, c'est tout. Bah, de toute façon, ouais, c'est en fait, en plus les réserves sont même pas au niveau de l'histoire, c'est au niveau de l'esthétique et au niveau de la durée. De la durée. Et comme elle dit Sally, si ça s'améliore au fil du temps, peut-être que je craquerai un jour, mais pour le moment, non. Voilà. Alors, donc, sachant que si vous vous abonnez en plus, il y a des ex-libris sympas, des ex-libris, des coffrets. Des coffrets pour les ranger. Je trouve que ça vaut le coup. C'est un coffret tous les 5? Alors la formule d'abonnement a été modifiée. Avant c'était, on recevait 4 mangas tous les... Non, c'était 2 par mois avant et maintenant c'est 4. Et maintenant c'est 4 tous les 2 mois avec au bout du 10e un coffret, tous les 10 un coffret. C'est ça. Pour pouvoir les ranger. Et les ex-libris à chaque fois. Ouais. Un ex-libris par tome. Pour la formule abonnement qui est à 13,50. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Je pense qu'on peut remercier Mehwan. Oui, qui nous a envoyé. Oui, qui nous a envoyé. Merci Mayan. Voilà, merci Mayan de nous avoir envoyé le tome. Autre petite remarque, on est d'accord que c'est classé shonen. Oui. Oui, je pense. Enfin, pour moi, c'est du shonen pur et dur, oui. Ouais, parce que le héros, dans ses motivations, je le trouve assez différent des héros de shonen habituels, parce que bon, certes, il a le rêve de devenir le plus grand général de Chine. Mais encore à la fin du tome 2, il y va très à reculons, tandis que les héros de shonen, dans l'ensemble, ils y vont à fond dans l'aventure, ils sont motivés par leur quête. Lui, il a quand même des grosses réserves vis-à-vis du roi qui doit servir. Et je trouve ça vachement intéressant comme traitement du personnage. Et puis il y a aussi le truc de venger son pote qui, d'un seul coup, devient extrêmement plus complexe, parce que là, d'un coup, ça devient tramé différemment. C'est, ah merde. C'est un rapport à l'aventure et à la quête qui est assez inhabituel dans le genre. Je crois qu'on est tous d'accord. Ouais, ouais. Merci pour cette magnifique conclusion, Alex. Nous allons passer du coup au prochain titre de notre sélection qui sera abordé uniquement par Issam et Necro. Black Monday Murder. Alors on n'a pas le bouquin autour de la table, je sais que c'est écrit par Jonathan Hickman et je ne sais plus Qui est au dessin en revanche? Bah du coup je vais plus surtout déléguer à Issam, parce que comme je disais, moi ça fait longtemps, c'est un des premiers trucs que j'ai lu pour un podcast, et ben, ça, c'est un peu, le temps c'est un peu tiré, je l'ai paumé en route. Ah, d'accord. Et donc c'est dessiné par Tom Cooker, voilà. Alors, Black Monday Murder, ça se passe de nos jours dans le monde de la finance. Il y a un meurtre qui est commis et qui ressemble beaucoup à un meurtre rituel. Il y a une disposition de, du corps et de différents éléments autour qui font un peu penser à une sorte d'horloge. Et il y a un détective qui est assez spécialisé dans les affaires comme ça liées au monde de la finance qui va se lancer dans l'enquête et qui va peu à peu découvrir que les grandes familles de banquiers américains, donc, alors ils ont repris les vrais noms, ça m'a un peu surpris, donc il y a les Goldman Sachs et compagnie, sont en fait dévoués à une sorte de culte à une entité démoniaque, ont des pouvoirs assez étranges et en fait contrôlent littéralement le monde par des super-pouvoirs. Donc il y a toute une métaphore du monde de la finance qui contrôle le monde, où ici ça devient un monde magique et proprement satanique qui contrôle l'univers entier. Moi j'ai beaucoup aimé, ça alterne entre des passages en comics traditionnels et des extraits de différents documents d'archives, donc ça peut être des extraits d'interrogatoires de police, des dossiers divers, des trucs de documentation dont des fois des éléments sont, sont cachés, sont dissimulés, comme s'ils étaient des trucs secrets qu'on ne devait pas dévoiler totalement au public. Et ouais, bah, j'ai beaucoup aimé déjà l'idée, la critique du monde financier que ça cache, et le mécanisme, l'univers, la manière dont on nous fait découvrir, j'ai trouvé ça très sympa. On sait bien, du coup, ça a ravivé quelques images en moins de trucs. Mais c'est vrai que moi j'avais eu un souci par rapport à... J'ai pas accroché dessus, c'est pas par rapport à l'histoire, c'est plus la transition entre les cases qui m'a un peu bloqué. C'est-à-dire qu'en fait j'avais une gêne à la lecture. Je peux pas l'expliquer mieux que ça, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas accroché au... à la forme, pas au fond. Mais quand tu dis transition entre les cases, je comprends pas ce que tu dis. En fait j'ai l'impression qu'en fait il y avait pas de fluidité des fois. D'accord. Entre les cases. Ah oui, ça m'a pas du tout. Mais après, comme je disais, ben moi peut-être que je suis moins habitué à ce style-là en lecture et du coup ça m'a un peu plus bloqué. Mais à côté de ça, j'ai pas trouvé de trucs. J'ai pas trouvé ça détestable. C'est pas. Ah, mais je sais, c'est parce que tu l'as lu en commençant par... Non, ça j'ai fait la connerie une fois, de commencer un truc... C'est pour ça. Mais non, là, j'ai commencé par le début. Là. Oui, donc Issam faisait le signe de commencer par la fin. Dire, hein, que parce que dire je pas. Bien, voilà. C'est pas très radiophonique de faire des ça signes. Va, ça va, ça c'est radiophonique. Alors il a levé l'un de ses doigts dans la direction. en plus, le pire, c'est que je suis pas le premier à avoir fait ça à un moment dans l'équipe. Oui. Non mais voilà, si vous aimez les trucs un peu qui jouent un peu sur un univers complotiste, ça pourra vraiment vous plaire. Il y a tout un travail de la forme qui souligne vachement ça, qui met vachement ça en avant. Et j'aimerais bien lire la suite, ça me rend très curieux. La série est toujours en cours en VO, il me semble. Je sais pas du tout. C'est pas une série que je suis. On travaille super bien quand même. Il me semble qu'elle est toujours en cours. Après, ça m'étonnerait pas parce que Hickman commence beaucoup de séries, il les termine jamais. Donc, Il y a aussi ça, ça peut être une crainte malheureusement. Il en fait beaucoup en même temps. Malheureusement, ça peut être une crainte. Vous en avez fini avec Black Monday Murder du coup ? Ouais. Et ben on va enchaîner avec le troisième titre. Un titre qui va être abordé par Issam, Sally et Alex. Un titre. Comment dire ? C'est quoi ? Je voyais pas pourquoi tu disais mon nom de famille. Non mais sérieusement. Ça va être vraiment compliqué. Mais écoutez, je suis pour rien, moi. Hein? Bon, du coup, on va t'appeler Gertrude. D'accord, c'est parti, on fait comme ça. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Gertrude. En plus, il y a une Sainte Gertrude, tandis que Sainte Sally, je suis pas sûr, donc ça plaira à Eric Zemmour comme ça. Oh là là, mais c'est qu'on a envie de lui plaire en même temps. Oh bon, tout public est bon à prendre. Non, pas celui-là. Non, pas lui. Là. Non. Bon, et si vous nous parliez de Diver Ah bah je crois que Sally a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est... Pour résumer le truc, ça parle de... on va dire, d'enquête policière un petit peu, mais où les policiers peuvent pas vraiment agir, donc ils envoient ce qu'ils appellent des divers, c'est-à-dire qui vont aller plonger dans le... chez les méchants, ouais, voilà, des infiltrés, mais... Ben, l'histoire est nulle, c'est mal dessiné. Avant ton avis, tu peux juste préciser de qui c'est, comme ça on sait sur qui tu tapes. C'est de Shuntaro Osawa. Et ben, Shuntaro, je ne te félicite pas parce que c'est vraiment pas très bon. Et c'est donc Delcor Tonkam dans les seinen. Ah, c'est un seinen en plus, c'est oh la seinen. Vache. Bah, c'est vraiment très mauvais. Parce qu'il y a du sang, donc c'est seinen. Tu crois? Non, je sais pas, je sais pour rigoler. Mais... Parce que non, mais franchement, déjà, j'aurais mis ça dans les shonen, mais je sais pas. Ça, pour le coup, je suis d'accord qu'on le mette en seinen. Je pense que je l'aurais mis dans seinen. Machine. Tu trouves? Bon, après, je trouve que dans la découpe de l'histoire, ou même dans les dialogues et tout, ça paraît quand même assez. Enfin, tu vois. Bah, c'est parce que c'est hésitant, très, c'est très grossier dans la présentation de l'univers, ouais. Mais l'univers reste seinen. Ok, d'accord. Non, mais t'as non, pas non, mais peur, hein. Non, c'est pas ça, mais c'est que vraiment, c'est aussi parce que j'ai un très mauvais a priori dessus. Je l'ai lu et c'est le seul manga qui m'a fait ça où j'ai été obligée de faire des coupures, de m'arrêter, de lire autre chose parce que j'ai trouvé ça vraiment pas bon, quoi. Et c'est la première fois que ça m'arrive, donc. Moi, je l'ai lu au chiottes, ça m'a bien aidé. dans tes problèmes gastriques. Je trouve toujours un bon côté dans toutes les choses. Moi, je l'ai lu à l'hôtel, c'était mieux que mes clients. C'est dire, hein. Ouais. Non, c'était vraiment pas terrible. Tu l'as lu derrière les fleurs en pot. C'est ça. C'était pas terrible. Ça va, je le classe un peu dans la même catégorie des trucs dont on a déjà parlé. Comment ça s'appelle ? Silencer, entre autres, et Adam et Ève. Alors, ça a pas le côté cringe de Silencer, mais sinon, c'est le même délire. C'est-à-dire, c'est du truc policier qui essaie tellement de se la jouer dark and gritty que ça en devient ridicule. Oui. Je suis d'accord. C'est du sang, les mecs qui ont été inspirés par les films de Yakuza ou de Triad Hong Kongé, par les films de Kitano, par les films de John Woo, par les films de John Ito et compagnie, mais qui en ont rien compris en réalité. Et donc qui en font une espèce de gloobie-boulga de cliché ridicule. C'est nul. Non, non, c'est... Puis comme je le disais, même au niveau du découpage, il n'y a rien qui en ressort. C'est toujours un peu... Ils essayent de mettre beaucoup de choses et finalement, il n'y a rien qui en ressort. C'est très moche. C'est très très laid, quoi. C'est vraiment pas très joli. Il y a aucun personnage qui a vraiment une sorte de caractère ou quoi que ce soit. C'est tous des archétypes, comme tu le disais justement avant. Et voilà, enfin. C'est cliché sur cliché. Et puis c'est très genre. Oh, le héros est méchant, il faut s'en méfier. Il est vraiment très méchant et tout. Mais il a peut-être un bon fond. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ben. C'est juste le héros qui est pas si... Non, en fait, non. Il fait pas des trucs non plus ultra badass. Voilà, enfin... J'ai rarement vu autant de cases par page. Hein. Surdécoupé, ouais, des fois. C'est surdécoupé et c'est pas toujours très clair. C'est bien ça, le truc. À la fin, on essaye quand même de nous faire comprendre que le héros, il est méchant, mais c'est pour le bien de certains. Voilà, c'est pour protéger les autres. Franchement, morale à deux balles, quoi. Bah ouais. Il y avait une série comme ça, policier infiltré, qui faisait des trucs un peu crades pour finalement récupérer le marché de la drogue, mais je me souviens plus du tout du nom de cette série-là. La République en marche. Non, ça avait marché. Ouais, bravo. C'est américaine, The Shield. On fait beaucoup de politique ici, attention. T'es pas The Shield comme série? Ah, je n'ai jamais vu The Shield, donc comme ça... Mais c'est pas une série de Marvel Non, c'est pas Agent of Shield. Non, c'est pas The Shield. Je crois que c'était ça, une série où tu retrouvais des flics. Il y a une série qui s'appelle The Shield, oui. Qui faisait des trucs bien ripoux. Bah, c'est la thématique en soi de jusqu'où doit aller la justice, la police pour protéger les citoyens est intéressante, c'est juste que là elle est super maltraitée. Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais même pas que les personnages sont des archétypes, parce qu'un archétype au moins c'est identifiable. Là, ça a même pas ça en fait. Ouais. C'est les personnages sont des silhouettes grises. Pourquoi grises? Parce que ça, c'est identifiable. Neutre, voilà. Ouais. Ouais, des pantins quoi. C'est un peu le concept du neutre absolu, ce manga. C'est Guignol, tu fais dire ce que tu veux à la marionnette. Quoi. Est-ce que vous voulez continuer à en parler? Mais au contraire de Guignol, il n'y a personne qui voulais... dans le cul. Moi, je voulais juste dire que l'idée des divers m'intéressait, mais que c'est très mal fait, que c'est très moche, et au final, c'est très nul, donc c'est très dommage. C'est très dommage. Voilà. Tiens, en parlant de flics limite, j'ai vu le troisième épisode de la saison 3 de Luther. Ah, mais... On coupera. Et c'était bien? Bah oui. Et bah ça me fait plaisir. Trop triste. Ah, ça me fait plaisir. La fin est trop triste. Alors, sinon, il y a Chris qui regarde une série en ce moment qu'il avait retardé pendant un petit moment. Là, t'as regardé la première saison. Mais j'en ai parlé au début de l'émission. Ouais. Non, mais on coupera. Hein. C'était juste que j'y pensais. Je vais te le dire depuis plusieurs jours. Mais oui, c'est très bien, Luther. D'accord. Regarde Luther, toi aussi. C'est sur Netflix. Ah, si, c'est sur Netflix, hein, ok. J'ai les DVD sinon. Si j'ai fini The Rain, enfin, on a fini The Rain avec ma copine hier. Alors, tu le trouves comment? Je trouve que ça fait un peu teen vers la fin, mais. C'est le faut voir la saison 2, quoi. Mais ça fait une saison 2? Bah, je pense, oui. Mais pas une saison 3. Je sais pas, bah, il y en a qu'une pour l'instant sur Netflix. Ah, sur Netflix, ouais. Mais je suis un peu déçu, ça devient un peu trop teen vers la fin. Le premier épisode est bien, tu te dis, ouais. Ah, ça peut être sombre et tout. Puis. Il y a Maniac, là, leur nouvelle série qui a l'air cool. Ah oui. Ouais, Emma Stone et. Les acteurs, bah là, déjà, je me dis, ah. Ça va faire bizarre de le voir dans un rôle sérieux comme ils font ça. De la com, hein, putain. Ben, c'est pas de ouf. Bah, sur ton arrêt de bus, là, ouais, c'est la première fois que je vois des affiches pour une série Netflix dans la rue. Il y en a déjà, vraiment beaucoup. Ouais. Voilà, et en plus, quoi, ça me fait bizarre de savoir Emma Stone dans une série. Tu vois, je me suis dit, mais. Ouais, mais je trouve après, ça. Après, tu sais, des gros acteurs qui font des séries télé, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, c'est plus. Rien que Westworld avec Anthony Hopkins et Ed Harris. Puis il y a aussi les spin-offs qu'il y aura, les séries qu'il va y avoir sur les personnages de Loki et de Scarlet Witch, où c'est les personnages, effectivement, les deux acteurs dans les films, où tu te dis, mais waouh, ouais, bon, passons, ne le soirée pas. Passons à la suite de notre programme, parce que ça, je ne vais pas couper, en fait. Parce qu'on est la team digression, on n'est pas la team digression. Il faut bien raconter notre vie. C'est ça. On va passer à un titre qu'on a tous lu autour de la table. Je pense qu'on va laisser l'honneur à Alex de nous faire un résumé, parce qu'il s'agit de son auteur. Vous voulez vraiment que je fasse le résumé? Ah oui, c'est toi qui vas nous faire le résumé. Ok, je vais essayer. Quand même, à toi l'honneur de faire un résumé d'une œuvre de Terry Moore, Motor Girl. Donc on remercie les éditions Delcourt de nous avoir envoyé Motor Girl. Meilleure maison d'édition. C'est génial parce que. Parce qu'ils publient tout Terry Moore. Parce qu'ils publient tout Terry Moore, donc c'est meilleur. Alors, Motor Girl. Motor Girl. Ça commence bien. Motor Girl, merci, s'il vous plaît. Ben, je vais pisser. Donc c'est l'histoire d'une... On va prendre notre bain. C'est l'histoire d'une soldat en fait qui a été sortie du front suite à la guerre justement. En général c'est de là qu'il sort. Voilà. Et qui se retrouve en fait dans un garage à rénover des véhicules tout simplement. En plein désert. Voilà. Et un jour elle va recevoir la visite d'un riche, comment on appelle ça, immobilier, quoi, dans l'immobilier. Oui, ouais. Pas comment on appelle ça. Un propriétaire terrien. Ouais, un propriétaire, voilà, qui veut racheter le terrain. Et bien sûr, elle veut pas laisser ce terrain, justement, à ce personnage, quoi. Ça va s'en suivre des péripéties pour, justement, ce terrain-là. Et en même temps, on va revenir sur son passé et sur son drame durant la guerre. Qui va constituer en fait en fait j'arrive pas à faire les mêmes. Mais je pense que tu peux arrêter là parce qu'après ça serait trop en dévoilé en fait. Ouais mais j'ai par pas parlé contre, de un petit détail qui est pas un détail que t'as oublié c'est le bah oui c'est pour bon ça bah, mais en fait je voulais en arriver là mais j'arrivais pas à amener le truc par rapport à la guerre, ça me saoule en fait. Si tu veux on va faire une partie spoil et on va faire une partie non spoil. Ouais. Parce que pour des titres comme ça, on est obligé de faire des parties spoil et des parties non spoil. De toute façon, là, c'est pas un gros spoil, c'est sur la couverture. Elle l'est avec un singe. Avec un singe, avec un gorille. Ouais, bien, c'est ça. Bien vénère, voilà. C'est son meilleur pote. C'est ouais, ça. C'est ça. Et en fait, on comprend en fait qu'il y a que elle qui le voit. Et on va comprendre au fil du récit pourquoi il y a qu'elle qui le voit et quel lien ça a avec son passé, justement. Alors, ça, je l'aurais mis dans les spoils. Ouais, ça, moi aussi, je l'aurais mis dans les spoils. Ouais. Alors, je sais pas si on cut ou pas. C'est indiqué au dos du bouquin. Donc. Ah, mais oui, ah, oui je, c'est vrai. Moi, parce que j'ai pas lu la quatrième. Ouais, pareil. Non, mais c'est indiqué en quatrième de couverture. Donc. Après, je dis juste qu'il y a un lien, je dis pas ce qui se passe. Enfin, pour moi, à partir du moment où c'est indiqué en quatrième de couverture, tu peux en parler, quoi. Mais oui, c'est regrettable qu'ils en aient parlé en quatrième de couverture. Quoi. Voilà, parce que quand, moi je l'ai lu sans. Moi non plus je l'ai pas lu. Ouais, ouais, j'ai pas lu la quatrième de couverture. Et du coup, on l'a compris. Ouais. C'est au bout d'un moment, c'est. Ah bah il a pas d'interaction avec. Et puis là tu commences à. C'est vraiment vachement bien amené. La manière dont c'est abordé, ouais, c'est vraiment. On comprend vers le troisième numéro. Ouais, ça va. On nous montre à peu près au début, quoi. Oui, il s'agit d'une intégrale. Oui, c'est une intégrale, oui. Bon, mon résumé ne rend pas bien honneur à ce récit magnifique. Enfin, sinon, beaucoup de retournements de situation quand même dans cette histoire-là. Un récit très émouvant. Beaucoup de choses. Ouais. Des moments de fun aussi, hein, des trucs où on se dit, on se laisse prendre, on se dit ah merde. Ça, c'est marrant. Typiquement, le singe, il est. Il y a des passages assez. Le singe, assez bah, marrant, même avec la petite vieille. Oui. Ouais. Il y a aussi des mecs en costume qu'on voit plus tard qui sont aussi assez fun dans leurs actions. Oui. Et dans ce qui leur arrive. Alors, Alex, dis-nous ce que t'en as pensé. Tu nous as pas encore dit. Bah, j'ai trouvé ça super. Bah, surtout la conclusion, en fait. Je sais pas si on peut rentrer dans le spoil maintenant. Si, ou pas. On va rentrer dans la zone. Parce que si on en parle pas, de toute façon, on pourra pas attention, dire grand chose. Attention, zone de spoil. Ça sera rapidement donner notre rapport. Parce que là, personne n'a donné son avis. Autour de la table, on a tous adoré. Donc je pense j'ai beaucoup aimé aussi. On peut résumer ça comme ça, on a tous adoré autour de la table. Clairement, ça fait partie des meilleurs comics de la rentrée. C'est excellent, c'est magnifique visuellement. Il y a d'autres très bons comics autour de la table, mais c'est juste que ça aborde d'autres thèmes. Là, c'est un comics vraiment très sérieux qui aborde des sujets sérieux. Et en ça, il le fait très très bien. Voilà. Si tu voulais un résumé express de nos avis à tous. Si on entre dans la zone spoiler sans donner nos avis, c'est un peu débile. Mais oui, j'ai rien dit. C'est pour ça que là, je t'ai fait un résumé de tous nos avis. Petite précision, il est en noir et blanc, entier, et c'est, je pense qu'en couleur, il aurait rendu moins bien. Et toi, c'est le style de dessin. Thierry Mond, on ne travaille jamais en noir et blanc. C'est toujours du noir et blanc, Thierry Mond. C'est lui qui a fait Strangers in Paradise, c'est ça. Et Echo aussi. C'est un style de dessin qui se passe vraiment en noir et blanc. Rachel Rising. Et actuellement, la suite de Stranger in Paradise. Qui est en train de faire la suite aux US. Ouais. Bah voilà, on a bien aimé. Et donc, oui, c'est lui qui dessine, qui s'ancre, qui scénarise. Ouais. C'est lui qui fait tout, quoi. Tout bah, ses bébés, quoi. La maison d'édition, c'est la sienne aussi. Aussi, ouais. Donc, ah, ça va. Mais le personnage principal est vraiment attachant. C'est je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi... Bah allez, on rentre dans la zone spoiler. Spoiler. Dis-nous ce que tu voulais dire, Alex. Bah moi, ce que je voulais dire, c'est que, n'ayant pas lu justement la quatrième de couverture, je m'attendais pas du tout à cette fin-là, où justement, Terry Moore, il s'amuse à faire cette petite guerre avec les petits extraterrestres, etc. Et à la fin, tu comprends que c'est une transposition de son passé à elle, en pleine guerre. Ouais. Et ça met une grosse claque comme ça, là, et je trouvais ça super, quoi. En plus... Sans lire la quatrième de couverture, je veux dire que t'as un peu la claque dans la gueule quand tu la vois, quand tu vois son dos couvert de cicatrices, où tu te dis ah ouais, elle s'est bien fait torturer quand même, elle a bien morflé, Miss. Et puis il y a aussi le fait qu'elle ne veuille pas soigner le truc et tout. Bah oui, tous les détails de sa vraie vie qui sont transposés dans son imaginaire. Genre le singe, en fait, c'est une peluche, un gamin qu'elle a croisé, ce genre de choses. Qu'elle avait promis de protéger, qu'elle a pas pu sauver. Elle a pas réussi. Oh, ça, c'est un peu le même fond que Aki Giants, on en a parlé en off. C'est-à-dire, c'est un personnage qui vit des choses vraiment dramatiques et qui utilise l'imaginaire pour s'évader et pour sortir un petit peu du drame qu'elle est en train de vivre. C'est exactement le même postulat que Aki Giants. Alors, aussi on l'a beaucoup aimé aussi. Aussi génial que soit Motor Girl, je place quand même Aki Giants un peu au-dessus pour ma part. C'est personnel. Oui. Ouais, et puis j'ai bien aimé justement la thématique qu'elle veuille pas se faire soigner. En fait, elle a conscience d'être malade, elle a conscience que ça risque de la tuer, mais elle veut pas se faire soigner parce qu'elle se retrouverait seule si elle se faisait soigner. C'est ça. Elle se retrouverait dans sa solitude. Ça a fait penser aussi à l'échelle de Jacob. Oui. À The Fall, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ah bon, tu me l'as dit ? Ouais. Bon, bah écoute. Mais tu m'écoutes jamais. Voilà. C'est parce que. Quand il s'agit de prendre le bain ensemble, hein, là, tout de suite. Mais sinon. C'est parce que t'es. C'est ça, j'ai des lunettes. T'as des lunettes. Ça va, j'ai réussi à pas faire l'affront de parler de Sucker Punch pour faire un Non, c'est bon. On parle pas de ce film. Mais après, c'est vrai que Sucker Punch a cette thématique-là. Mais c'est juste qu'elle est mal amenée. Enfin, moi, je la trouve mal amenée dans Sucker Punch. Twix, toi, tu l'as regardé ? Non, pas encore. Parce qu'il y a aussi cette thématique-là. On se passe des films, on les regarde pas. On est mignon. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a Hans qui m'a passé un film qu'il faut que je regarde un jour. Mein Kampf, c'est ça? Un film magnifique et émouvant. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est quoi qui est magnifique et émouvant? C'est un film appelé Mein Kampf. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Oh merde. Et tu vois le DVD, je fais la main, la vache. Il n'y a rien qui s'ouvre. Rien ne va. Donc on peut dire que Motor Girl, c'est un comics à acheter, à avoir, à lire, à offrir, et à plein d'autres choses. Juste le dire, c'est bien. On va s'arrêter à lire, acheter, offrir. Ouais. Entre comics et BD traditionnels, hein, au niveau du style. C'est, Oui, c'est pas un style... C'est du vieux comics, quoi. Voilà, c'est du comic strips. C'est pas un style extravagant où si t'as aucune culture comics, t'arriveras pas à lire, quoi. Clairement. Et apparemment, dans la suite de Strangers in Paradise, tous ces personnages de Echo, donc, de Motor Girl, Rachel Rising et Strangers in Paradise d'avant se rejoignent en fait. Il a fait un Terrymore Universe. C'est ça. Oh putain, oh, c'est trop stylé. Oh, je veux. Et toujours pas de date de sortie pour chez eux. Enfin, il n'y a même pas de date de sortie pour intégrer Rachel Rising. Donc, ouais. Mais le premier TP de la nouvelle série est sorti aux US. Donc il y a moyen que ça arrive bientôt en VF, je sais pas. Mais ces autres séries ont la même profondeur que ça. Bah, Strangers in Paradise encore plus. Ouais, carrément, ouais. Sur trois gros volumes. Ouais, c'est trois gros palais. Echo, un peu moins, il n'y a pas. Echo, c'est plus du fantastique. Ouais, c'est ça, c'est pas trop de morale. C'est plus du fantastique. C'est moins émotionnel, mais ouais, c'est bien fantastique. On se défoule, quoi. Mais il y a quand même toujours ce petit côté, on met une petite tape sur l'armée. Ouais, il y a toujours un petit aspect critique sociale chez Terry Moore. Mais globalement, oui, c'est un auteur. Mais c'est moins tirer l'arme, quoi. Donc voilà, on recommande tous autour de cette table Motor Girl. Ouais. Et on va se battre pour savoir qui va partir avec à la fin de l'enregistrement. La critique sociale, en plus, autour du propriétaire terrien qui est vachement bourrin et même dans l'illégalité pour essayer de récupérer les terres. Oui. Ah mais c'est deux hommes de main, moi, ils font marrer. Ouais, il aurait mieux fait de se casser une jambe plutôt que de les prendre. C'est vrai. Mais il essaie. Et encore merci à Deco de nous avoir envoyé le volume, du coup. Mmh. Voilà. Enfin, pas merci de pas nous en avoir envoyé plusieurs. Mais... Ils ont fait l'effort. Crevard. Ils ont fait l'effort. Ah, mais oui, moi. Quand on peut me donner des trucs, je dis. Bon. Attends, la bouche pleine. D'ailleurs, si vous avez une crime de dose. Sam, ne me quitte pas. C'est le prochain titre qu'on va aborder. C'est thématique. C'est le prochain titre qu'on va aborder. Et du coup, on va remercier Taifu cette fois-ci de nous l'avoir envoyé. Donc, ne me quitte pas, c'est l'histoire de Tajima, un lycéen. C'est écrit et dessiné par. Pardon, c'est écrit et dessiné par Agi. Et c'est l'histoire de Tajima, un lycéen qui un jour tombe sur un de ses camarades qu'il connaît pas très bien, qui est Koga, et il le trouve en train de pleurer. Il le connaît même pas du tout. Il le connaît même pas du tout. Pas du tout. Et il apprend en fait que Koga pleure la mort de son poisson rouge, auquel il tenait beaucoup, parce qu'il dit qu'il est lié à plein de souvenirs, il lui a été offert par quelqu'un qui lui a été très cher. Et donc Koga veut retrouver le chat qui a tué son poisson rouge. Le problème, c'est que le chat en question, c'est celui de Tajima, qui va donc se retrouver pris entre deux feux. Il a envie d'aider Koga, il a envie de le consoler parce qu'il va s'attacher assez rapidement à lui, mais en même temps, il ne doit pas qu'on bute son chat. Ce que je peux comprendre. Ce sera un chien, tu dirais pas ça. Ce sera un chien, je m'en foutrais. Je vais m'interroger le vent. Les perchés allemands, ça peut encore aller. Et donc, ça va. L'histoire nous raconte le rapprochement, l'amitié et plus petit à petit entre ces deux lycéens. Et c'est très bien au niveau de l'histoire. C'est très doux, très fin, très mignon. Graphiquement, c'est parfois un peu vide. C'est une première œuvre, encore une fois. C'est le premier manga relié de Agi. C'est même souvent vide, quoi. C'est même souvent vide, ouais. Il y a des bonnes idées par moment. En termes de mise en scène, voilà, c'est bourré de bonnes idées de mise en page et de mise en scène. Après, c'est ça fait vide. Ouais, on en a parlé en off. Par moments, ça fait beaucoup penser au style de l'auteur de Éclat d'âme au niveau mise en scène. Des fois, il y a des petites tentatives comme ça, un petit peu oniriques. C'est très joli, mais globalement, ça reste vide. Bah, il y a notamment énormément de jeux autour de l'eau et des poissons. Mais on sent que la mangaka, si elle continue, si elle s'améliore, parce qu'elle est toute débutante du coup, si elle s'améliore, si elle a peut-être plus d'assistants, elle pourrait arriver à quelque chose de vraiment soigné, je pense, et de vraiment très très beau. Autour de la table, on est trois à l'avoir lu, si je me trompe pas, Issam, Sally et moi. T'en as pensé quoi? Ben j'ai pareil, j'ai trouvé que c'était très poétique et très mignon, et... même s'il a l'étiquette Boys Love ou Yaoi, je pense que c'est vraiment tout public parce qu'il n'y a rien qui pourrait effrayer ceux qui n'aiment pas trop le Yaoi ou quoi que ce soit. Ça reste vraiment une très belle histoire d'amour, mais plus sur justement un premier amour en fait. Oui, c'est ça. Il y a tout ce développement des sentiments, de comprendre ce que les personnages ressentent, etc. Se mettre. Se questionner sur soi-même, sur Et voilà, j'ai trouvé que même c'était intéressant le fait qu'il n'y ait pas de gêne par rapport à leur sexualité, même voire à leur homosexualité. Ah oui, c'est-à-dire que... c'est même abordé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est abordé de manière très saine et de manière très douce et très jolie. Et du coup, je pense que c'est une œuvre pour tout le monde, quoi. Oui, complètement. Que ce soit dans le dessin, dans même le côté poétique et tout, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé Ne me quitte pas. Ben, pareil pour nous deux, du coup. Ouais. Alors on l'a pas lu dans notre bain celui-là. On va faire taire les rumeurs une fois pour toutes. Ouais, je l'ai pas lu, je connaissais que la chanson. Oui. Ah non, ah non. Jacques Brel. Pour ceux qui n'ont pas la référence, on sait jamais. Ouais. Pour les petits jeunes. C'est ça. C'est vraiment une blague de Brel, ouais. Oh là là. Putain, ils savent. Imbécile. Combo, là. Une fois, t'as réussi à faire. Imbécile. Mais oui, c'est un YAE qu'on peut recommander. Oui. Ouais. Mais en effet, ce que tu disais par rapport au côté très tout public, c'est. Je crois qu'on avait déjà abordé le problème. Il faudrait vraiment, je pense, faire une distinction entre le boys love de romance comme ça et le boys love où il va y avoir des scènes explicites. Ouais. La différence là est dans le public qui peut aborder ça. Ça, je peux le donner à quelqu'un qui va avoir 11-12 ans. C'est ça. Un truc où il va y avoir des scènes de cul, celui dont on va parler tout à l'heure, bah non. Oui, on est ouais, exactement. Oui. Même si je mettrais un petit veto sur le fait que dans les dernières pages, ce qui j'ai trouvé très choquant par rapport justement à ce que le manga contient, dans les dernières pages, il y a quand même un des personnages qui dit à l'autre « Bon, tu me prends ou je te prends, tu vois. » Oui. Et j'ai trouvé que ça dénotait vachement avec toutes les pages d'avant qui étaient vraiment très douces et très... C'est le petit chapitre bonus de et, fin. Oui, voilà. Et j'ai pas trop compris ce que ça faisait là. Mais après, le manga est vraiment très bien. Il faudrait juste enlever une page. j'ai pas trouvé ça gênant. Hein. C'est le thème qui finit par venir... maladroitement, mais encore une fois, je trouve que ça va bien avec l'idée du premier amour. Oui, mais une fois de plus, ça va très bien avec l'idée du premier amour. J'ai pas de problème avec la sexualité, mais c'était juste... Voilà, j'ai juste trouvé que la forme était complètement à côté de la plaque par rapport à la forme qu'a le manga de base, quoi. C'est que je pense qu'il y a des manières beaucoup plus douces et beaucoup plus poétiques de dire « Ben voilà, j'ai envie de faire l'amour avec toi, de partager ton corps et tout ce qui s'ensuit. » Sans dire genre bah, je te prends, tu sais. Ouais, genre, c'est trop bizarre. De manière plus douce, ça aurait peut-être sonné plus calculé. Parce que là, ça sonne très naturel, justement. Ah, franchement, je trouvais pas que ça sonnait naturel. Enfin, mais peut-être aussi parce que je suis une fille et que je trouve ça un peu. Voilà, mais ça m'a un peu. Waouh. Je me suis dit, on passe complètement sur autre chose. J'ai trouvé ça dommage, quoi. Dans la version japonaise, il dit avec ou sans vaseline. C'est vrai? Non, t'es pas. Ah, putain. C'est la version traduite par Marc Dorsel. Oh non, vaseline. Un nouveau personnage entre en scène. Eichi Entai Boichi. Kamikaze Nagasaki. Non, c'est bon. On tolère Shima dans ta course. Non, on tolère Hans, mais pas ça. C'est bon. Au bout d'un moment, ça va aller quand même. Donc Ne me quitte pas, c'est très bien. Non, mais après, c'est peut-être un avis de garçon qui est... Vous, ça vous choque pas, mais moi, j'ai vraiment trouvé moi, je suis d'accord. Un peu dommage. C'est mal amené. Ouais, j'ai l'impression que c'est un mauvais gag, en fait. Ouais, voilà. Enfin, du coup, j'ai trouvé... Mais bon, c'est pas grave. C'est dommage, quoi. Mais le manga est vraiment très bien. C'est faut pas... Ça, on est tous les trois d'accord. On va aborder le second yaoi de la sélection. Ouais. Donc, A Beautiful Sunny Day. Je regarde qui l'a lu autour de la table. On est... Toujours trois à l'avoir eu, donc Alex, Issam et moi-même. Toujours édité par Taifu. Oui. Toujours envoyé par Taifu, donc toujours merci Taifu. Merci Taifu. Taifu, je pense. C'est ça. C'est yaoi, non ? Ouais, mais c'est catégorie dans les yaoi. De toute façon, Taifu n'édite que du yaoi et du hentai. C'est vrai ? Cool. Ils sont où les hentai ? Et ben, on en commandera peut-être la prochaine fois. Je crois qu'on n'en a pas vu parce qu'il n'y avait pas de tome 1. Oui, bah oui. Non, il ne devait pas y en avoir même. Il devait y avoir le tome 3 de... Ah non, c'était le tome 4 de mise à nu. Ah, c'est le tome 4 déjà ? Je crois que c'était le 3. Ah bah dis donc. Déjà. Sur 5. Bah, c'est pas très bien. Ah. Ah bah dis donc. C'est ça. J'ai acheté toute la collection et bah au dernier, j'ai trouvé que c'était pas très bien. Un peu dégueu, quoi. Non, je regardais Alice. Un peu dégueu, un peu dégueu ou un peu dégueu, genre... Ouais, non, c'est dégueu. Elle aime bien se faire prendre par... Bon, bref. Voilà quoi, c'est dégueu. On est d'accord. De quoi, le fait de se faire prendre, c'est dégueu? Bah, je sais pas, écoute. Là, tu m'as rendu curieux, c'est se faire prendre par pote, c'est dégueu. Tu veux vraiment que je te fasse un dessin? Le truc, c'est que j'ai plusieurs images, donc j'aimerais bien savoir laquelle est la bonne. Bah, entre la poubelle, le chien. Bah, écoute, Christopher, tu me corriges si je me trompe. Misanus, c'est trois femmes qui ont des fantasmes un peu décalés, on va dire. Et il y en a une qui aimerait se faire défoncer par plein de mecs en public. Moi? Ouais. Et il y en a une. Ouais, c'est classique comme. Oui, mais il y en a une qui pratique justement le fait de le faire déjà avec un ou deux mecs. Il y en a une qui est un petit peu exhibitionniste. Ouais, c'est un peu chelou quoi, mais la manière dont c'est fait, c'est. J'irais pas jusqu'à dire chelou non plus. Ouais, enfin, c'est un fantasme assez classique au final. Non, c'est chelou comment c'est fait dans le manga. D'accord. Je pense que c'est plus ça, c'est dégueulasse, la forme quoi. Que ça prend. Oui, oui, c'est pas le fait d'avoir un fantasme. Alors là, chacun fait ce qu'il veut. Mais encore heureux. Oui, oui, encore heureux, bien sûr. Mais vu comment c'est fait dans le manga, c'est vraiment. D'accord. Cringe, oh, c'est une grimace de. C'était parfait. Le moment radio libre. Voilà, c'était cringe quoi, vraiment. Cette image de dégoût. Ouais. Donc, un beautiful sunny day. Voilà. Bienvenue sur Radio Sexe. Partagez tous vos devoirs sexuels. Alors, Issam, tes fantasmes. Cet épisode est sponsorisé par la paroisse de Saint-Clausus. Alors, je ne sais pas vous, mais je ne veux pas connaître les fantasmes de Hans. Non, merci. Ça fait fu, il sa reine des SS. J'en ai parlé hier avec quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu. Je me doute avec qui t'en as parlé. Oui. Bon, A Beautiful Sunny Day, écrit et dessiné par Aki Ueda. Alors, le nom des personnages déjà. Puisque bon. Ça, l'histoire, c'est quoi ça date d'un moment. Merde. Bah, si, en fait, on suit deux personnages qui font de la récolte d'objets, de la récup d'objets endommagés. Ouais. Et de la réparation aussi. Oui. Oui, mais c'est juste que je l'ai lu tout à l'heure pendant que vous étiez en train de digresser de ouf. tu veux continuer ta lecture? Non, ça va. Donc, c'est deux personnages qui font de la récup d'objets. Pour les réparer, pour les revendre, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est, bah, c'est comme ça qu'ils subsistent. Ouais. C'est à but de revente derrière. Ou alors il y a des gens qui viennent leur apporter des objets à réparer et qui les récupèrent. Enfin, ils payent les réparations. C'est ça. Ouais. Et en fait, est-ce que c'est du spoil de le dire? De dire d'où vient l'un des deux personnages? Bah, non, on peut dire qu'il l'a trouvé un jour mal en point. Mal en point, et donc du coup, son but c'est de le réparer, quoi. De réparer son pauvre petit cœur. C'est ça. C'est trop chou. C'est tellement mignon. Sauf que plus tard, on apprend qu'il était pas là par hasard. Voilà, c'est ça. Sans ça, trop en dire. Voilà. Les commentaires de sa vie en fond sonore. Oh, c'est mon chou. C'est vrai que ça fait un peu petit vieille qui l'est. C'est ça. Mais là, je me dis un peu rouge. Tu gardes cette thématique là pendant cet épisode et la prochaine fois, tu le fais en ASMR. Très sympa. Non. Et donc, on va suivre le quotidien de ces deux réparateurs. Donc, l'un fait vraiment de la réparation tandis que l'autre gère les demandes des clients. Tout ça. Je pense que niveau scénario, en fait. Ben, ça se développe pas tellement, donc ça sert à rien d'en dire plus. Ça risquerait justement de spoiler. Ouais, c'est ça. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que visuellement, pour faire un comparo avec Ne me quitte pas, je trouve ça beaucoup mieux maîtrisé. Ouais, mais plus classique. Plus classique, peut-être, sauf dans le design des personnages. Ouais, le design des personnages est un peu atypique, mais sinon, au niveau mise en page et compagnie, c'est plus classique. Mais ça fonctionne. Ah, ça fonctionne très bien. Après, classique... J'irai peut-être pas jusque-là non plus, hein. Tu sais, t'as des... J'ai pas dit totalement classique, j'ai dit... Ouais, d'accord, ouais, t'as de la mise en page, c'est pas du moi, du quadrillage, quoi. Oui. Tu vois, donc ça sort un petit peu de ce que tu peux avoir l'habitude de voir. Clairement, tu fais un comparo avec Motor Girl, là, c'est une mise en page classique. Oui. Alors que là, pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Je trouve oui, c'est bien moderne, quand même. Niveau design, mise en page. Ouais, un peu tout, quoi. Alors là, on n'est pas dans Ne me quitte pas, on a des scènes... explicite pour le coup. Alors il y en a qu'une et elle fait que 2-3 pages, mais ouais, elle est très explicite. Oui. 2-3 pages, comptons-les. C'est vrai que malheureusement, c'est un peu le classique de la scène finale où ils sont tous les deux et ils font la chose. On dirait que c'est la scène un petit peu obligatoire que beaucoup d'auteurs se sentent poussés à la mettre. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est aussi leurs éditeurs et responsables éditoriaux qui les poussent à la mettre. Hein. C'est le lectorat attend ça aussi. Hein, ça fait des ventes. Voilà. C'était quoi ce petit rire encore? Non, mais rien, c'est juste que j'ai un peu dans le feuilletant, je suis tombée sur ces pages-là et j'ai pas lu tout le manga, donc forcément, mais je l'ai pas senti forcé. J'ai trouvé ça plutôt. Elle est plutôt bien amenée. Hein. D'accord, elle est logique. Ouais. Clairement, oui. C'est ça. Mmh. l'ai trouvé bien, bien mise en scène. Non, elle est pas forcée, ouais, c'est déjà ça. Pour le coup, c'est très bien aussi, comme l'autre. Oui, l'histoire est tout aussi touchante que l'autre. Ouais. Là, on a des personnages déjà beaucoup plus matures que sur l'histoire d'avant, forcément. Ouais, bah c'est des adultes. Ouais, c'est ça. Le seul regret que j'ai, et que j'en avais discuté avec Issam en off, c'est qu'il y a la partie drame, sans trop en dire, qui je trouve a été trop vite... qui arrive au milieu du mal. Qui a été trop vite traité. Notamment le changement d'attitude d'un personnage qui a été trop... un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Ouais, c'est vraiment un volte-face. Ouais, c'est un peu trop dommage. Il aurait fallu tout simplement, je pense, diviser la scène en deux, c'est-à-dire mettre d'abord tout le début, la partie où le personnage a une réaction... négative, ouais. Et attendre 2-3 chapitres la fin du truc avant d'avoir son retournement de personnalité. Parce qu'en fait, la plus de pages, ça aurait juste permis d'étaler. Mmh. En fait, moi, le souci viendrait peut-être plus de la constitution de l'histoire, comment elle est montée en fait. Parce que t'as le premier chapitre qui se passe à une époque donnée, et après, t'as 2-3 chapitres après qui se passent dans le passé, où on voit. Et du coup, après, retourner au passage du drame qui en fait se déroule au tout début, c'est un petit peu perturbant. Ouais. Parce que du coup, tu subis le changement de caractère du personnage alors que tu l'as pas vécu dans le passé. C'est ça. Mais je trouve que l'effet surprise fonctionne bien quand même. L'effet dramatique, tu veux dire ? La surprise du drame. La surprise du drame, si tu préfères. Ouais. Mais ouais, recommandation aussi sur celui-là. Oui, clairement, moi j'ai même préféré celui-là que n'existe pas. Ah, moi ce serait peut-être un peu l'inverse pour le coup. Parce que rien que pour la partie graphique, je préfère Beautiful Sunny Day. J'ai vraiment été touché par la patte graphique de Ne me quitte pas. Ah, oui, je dis pas, mais voilà, je la trouve. Enfin, je trouve le dessin plus profond dans Beautiful Sunny Day. Bah, on sent que c'est probablement pas la première œuvre de la mangaka. Hein. Clairement pas. Donc, on sent qu'elle maîtrise mieux son truc. Et puis, les sentiments sont bien traités aussi. C'est pas amené à la truelle. Oh, c'est un homosexuel. Bah, comme en fait, c'est comme dans Ne me quitte pas, en fait. Il y a aucune mention de ça choque les gens ou quoi que ce soit. C'est ça. J'ai l'impression que c'est de plus en plus courant, ça, dans. Je sais pas si c'est une convention du genre, mais dans le yaoi, qu'on n'ait pas de traiter le fait que ce soit des homosexuels. Je le considérais comme... Ouais, c'est ça. Parce que déjà quand on avait lu Pornographeur, ouais, pareil, ça y était pareil. Pas du tout, alors qu'en plus, pour le coup, celui-là jouait énormément sur l'idée de fantasme hétéro et de fantasme homo. Ouais. Mais c'était pas réellement montré comme une différence. C'est vrai. C'était génial pour Pornographeur. On est d'accord. Donc un aussi à eux qu'on recommande. Oui. Tous les trois. Ouais. Ouais, ouais. Et bah c'est parfait, on va demander à Teifu de nous en envoyer beaucoup plus. Plein. Je crois qu'il y en a d'autres de prévus qui ont l'air très sympas dans les mois à venir. Plein, on en veut plein. Le prochain titre va être abordé par Alex et Issam. Il s'agit de My Teen Romantic Comedy. Is wrong as I expected. Et vous allez remercier Ototo pour l'avoir envoyé. Pour messieurs. Ouais. Merci Ototo. Voilà, c'est bien. Voilà. Qui de vous deux veut nous faire un petit résumé? Alors, My Teen Romantic Comedy, bon, écrit par... Alors, en fait, c'est d'après un light novel de Wataru Watari. Le design des personnages est de Ponkan. Et la version manga est gérée par Naomichi Iyo. Ah, j'ai du monde. Et le light novel est disponible chez Ototo aussi, il me semble. Non, chez Ofelb. Ah, c'est Ofelb. Ototo n'édite pas de light novel. Mais ils en font la pub alors à la fin, je crois que c'était Ototo. Non, c'est... Ok, bah autant pour moi. C'est Ofelb, ouais. Excusez-moi. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Hachiman, qui est en gros un gros asocial. Il aime pas les gens, il considère que les adolescents qui s'amusent, qui profitent de la vie, c'est des connards. Oh. Il reste dans son coin, isolé, méprisant de tout ce qui l'entoure. Il s'en vante, ouais, il est content d'être comme ça en plus. Ah, il en est très... Il se conforte très dans sa position d'associé. Ah, c'est pour ça qu'il s'en a apprécié, alors. Ça a joué, soyons honnêtes, ça a joué. Mais il n'aime pas les chiens. Il aime pas le jazz. Mais une de ses profs le force à collaborer avec... à entrer dans un club. Ouais. Il est collabo en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent d'un coup, maintenant qu'on en parle. C'est marrant même tous ces points communs. Et il a un portrait du maréchal de sa famille. C'est pas par hasard. Il se laisse pousser la moustache. Donc, j'essaie de finir ce résumé à peu près dignement. Il a un œil de verre. N'est-ce pas? Jeanne. National. Une de ses enseignantes le force à collaborer, à entrer dans un club et à collaborer avec Yukino, qui est la seule autre membre de ce club. Mmh. Et Yukino, c'est un peu la star du lycée, c'est-à-dire elle est brillante, elle a toujours des super notes, contrairement à lui. Elle est très belle, donc elle est admirée par tous les élèves. Dans un peu tout. Mais en parallèle de ça, elle est très froide, elle aussi, et elle reste, pareil, très en retrait du reste du groupe. Sauf que leur club, en fait, ils vont le découvrir assez vite, c'est un club d'aide aux gens. Des volontaires, ouais. C'est ça, de volontariat. Les gens, les élèves du lycée qui ont un problème vont dans ce club pour demander de l'aide pour la résolution de ce problème. Et donc, ça va le forcer petit à petit à socialiser. Il y a un petit groupe qui va se créer très rapidement autour d'eux. Oui. Oui, parce que lui a une admiratrice secrète ouais, voilà, qui veut sortir avec lui, quoi. Le mec qui est incapable de s'en rendre compte. C'est ça. Pour moi, ça a des défauts de rythme. Voilà, pour moi, le plus gros souci, c'est que des fois, le rythme est un peu bâtard et un peu trop lent. Peut-être parce qu'il y a un peu trop de texte aussi par moment, c'est un peu bavard. Surtout dans le tome 1, en fait. Ouais. Ça a du mal à démarrer. C'est ça. Par contre, au niveau du principe de l'histoire, j'ai trouvé ça très sympa. Et j'ai trouvé les personnages super attachants, en fait. Donc j'ai passé un vrai bon moment en le lisant, même si effectivement c'est imparfait. Je pense que si ces petits défauts se corrigent, ça peut devenir excellent. Bah, on est sur un format de petite histoire au lycée, donc c'est assez sympa, un peu classique. J'avais un peu peur que ça devienne très vite cringe par rapport à petite fille en uniforme d'écolière. Comme Ototo nous y habitue assez voilà, souvent. La jupe qui se soulève, machin, au final pas du tout. Non, il doit y avoir un ou deux plans etchi. Ouais. Enfin, etchi. Etchi, ouais, si on peut le dire. Oui. C'est un peu etchi sur les bords quand même. Mais il n'y a vraiment qu'un ou deux plans. Ouais, c'est ça. Donc c'était une bonne surprise. Graphiquement, je regarde, c'est plutôt sympa. C'est très propre, ouais. Pas extraordinaire, c'est classique, mais c'est loin d'être dégueulasse. Donc ouais, c'est pas nécessairement un coup de cœur, mais pas non plus à jeter, quoi. Ça peut être sympa. Ah, c'est le genre de truc où je me dis, si ça évolue dans le bon sens, vraiment, ça ouais. peut devenir le genre de série que j'adore. Faut voir. Pour l'instant, voilà, j'ai cette réserve-là, mais faut vraiment voir la suite. J'aimerais bien les lire la suite. Faut voir sur combien de volumes c'est établi, parce que s'il y en a plus d'une dizaine par exemple, je vois pas comment. Je crois qu'il y en a déjà une dizaine. Ah ouais. Parce qu'à mon avis, ça va vite virer dans le. Dans le fan service. Je pense. Ça peut, mais je suis pas sûr. Enfin. Il y aurait plus de signes avant-coureurs, à mon avis, si ça devait virer vraiment dans le fan service. Bah, dans le tome 2, par moment. Ouais. C'est limite quoi. Ouais, il y a un ou deux plans, mais pas énormément quoi. Il y a 11 tomes pour l'instant au Japon. D'accord. Mais ça peut être sympa. Ouais. Pour le coup, c'est une surprise de la part des titres que Ototo justement nous a habitués, comme tu disais, Christopher. Où c'est un peu plus cru, on va dire. Là, ça va. Ouais, c'est un côté un peu mignon. Ouais, je suis d'accord. Vous en avez fini avec My Team Romantic Comedy. Ouais, voilà, je pense que vous pouvez passer un bon moment à le lire. C'est un petit shonen romance sympa. Pour l'instant, romance, c'est pas très mis en avant. D'accord, c'est plus comédie. Pour l'instant, c'est plus comédie, ouais. Je pense effectivement qu'il y a une romance qui va s'installer, mais c'est loin d'être le thème central. Ouais. Lui qui se rend compte de rien et toutes les filles qui gravitent autour de lui. C'est pour ça que je dis que ça peut vite devenir. Un peu bizarre quoi. Ouais, mais enfin, les mangas à REM, encore une fois, l'ensemble, ils rentrent dans le vif du sujet beaucoup plus rapidement. Si tu regardes Lovina, qui est un peu la tarte à la crème du genre, dès le premier tome, je pense qu'elles finissent tous à poil dès le tome 1. La tarte à la crème du genre. La tarte à la crème. Ah, et puis t'en as où c'est un peu plus les mangas à REM, t'en as où c'est un peu plus progressif quand même. Au début, c'est une, puis après, t'as une rivalité, puis après, sur le coup, t'as une troisième rivalité. Là, mais dès le début, t'en as une qui finit à poil, pas dans tous les cas. Ouais, il y a souvent le côté fan service. Pour attirer l'attention du lecteur. C'est le côté fan service qui arrive très vite. S'ils mettent 3 tomes avant de mettre une nana à poil, un REM, tiens pas. Hein. Mais tu seras triste, Issam. En tout cas, ouais. Je dis que ça. Si on se base sur ces deux tomes, ça va. C'est une belle surprise, pour moi. D'accord. Et merci à Ototo, encore une fois. Pour l'envoi. Ouais. Eh bien, passons au prochain titre. Alex et Issam, vous allez garder la parole, vous allez être rejoints par un micro pour nous parler de This Teacher Is Mine. C'était édité par Delcourt Tonkam, il me semble. Enfin, c'est édité par Delcourt Tonkam, on l'a pas le bouquin avec nous. Ouais. Donc l'histoire, effectivement, c'est une fille qui va se retrouver à avoir très vite des sentiments pour son prof, ouais. Avec le prof qui lui rejette ces sentiments-là parce que lui, il est juste en train de dire « Oh là, c'est la merde !» Et puis surtout, il sort d'une rupture, en fait. Ce qui fait qu'il attire son attention au départ, c'est qu'il est en larmes après une rupture. Mmh. Donc, c'est écrit et dessiné par Kasumi Yuko, le professionnalisme de ce podcast. Ouais. 5 tomes disponibles au Japon pour l'instant, 2 chez nous. D'accord. Si vous voulez d'autres comme information. Non, bon, ça suffit. D'accord. Et dis donc, j'avais trouvé ça extrêmement bien dessiné, extrêmement bien amené par rapport au sujet qui normalement peut être très vite borderline. Et le peu que j'en ai lu, ben, pour l'instant, vu qu'on n'a pas les tomes d'après, c'était pas creepy. Non. C'est-à-dire qu'en fait, lui, effectivement, il se retrouve dans une situation un peu creepy. Avec en plus elle qui le stalk et tout ça, enfin on arrive sur des moments où là il dit merde, ça va loin quand même. Mm. Mais c'est pas plus creepy que ça. Mm. Bah il y a pas l'idée qu'il profite de son pouvoir, enfin de son ascendant professeur sur elle. Ça me rassure. C'est elle plutôt qui va rechercher la relation, qui va vouloir se rapprocher de lui. Quitte à le plaquer contre un mur en plein milieu du couloir de l'école pour lui parler ouvertement. Et il fout une bombe au poids dans la gueule. Et lui, du coup, qui se fait capter par l'administration, qui dit « Dog, il se passe quoi, là? Attention, professeur, on vous surveille hein. !» On a trébuché. On a glissé, chef. Il y en a déjà eu 8 l'année dernière. C'est un peu... Peut-être faire attention à moins glisser, monsieur. On comprend quand même que petit à petit, il devient de moins en moins insensible. Oui, bah, c'est... C'est évidemment. Présence, quoi. Mais c'est extrêmement nuancé, c'est pas... Tu sais, fin de tome 1, il se fait muter autre part. Mais... Ouais, j'ai dératé, chef. Il recommence avec une autre. Et là, c'est une tsundere. Oh. Non, mais oui, c'est... Bah, graphiquement, je dirais pas que c'est magnifique. Non, c'était... Mais j'ai pas dit que c'était magnifique. Propre, hein. C'était assez bien, quoi. Ouais. C'est pas... Non, c'était un bon petit shoujo. J'en ai pas un grand souvenir, mais ça va pas non plus déplu. Oui, ouais. C'était pas le shoujo du siècle, hein, mais c'était un bon petit moment. Ouais. Donc c'est classique et pas honteux, voilà. D'accord. Le dire. On va peut-être pas s'attarder plus que ça dessus, du coup. Ouais. Il y aura. On va passer... Vite, en fait. Hein ? On va vite, en fait. Ça dépend, sauf si t'arrêtes pas de nous couper la parole comme ça. ça fait qu'une heure et quelques qu'on y est, hein. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien, on en est au 9 sur 18, c'est bien. Ouais, 50%. Voilà. Ça veut dire que ça va faire plus de 2 heures. Au final. Bah, pour nous, c'est presque court. Hein. Oui, bah, en même temps, on n'est pas en train de parler du MCU et du DCU, quoi, c'est pour ça. Oui, mais même en case sur table, je crois que le record est à 3h30. Quasiment. Allez, on le bat ou pas? Allez, on fait péter le record. On a mangé quoi hier soir? 5 heures de podcast, allez, c'est parti, les gars. Bon, passons au prochain titre qu'on a tous lu. Il s'agit de Beyond the Cloud, édité par Kiun, chez nous. Vas-y, Nécro. Je l'ai lu, celui-là. Oui, je l'ai lu, c'est bon. on l'a tous lu, donc oui. J'espère bien que tu l'as lu. Mm. C'est écrit et dessiné par qui? Nike. Alors, c'est... Alors, bon, déjà, c'est Kiun, merci. Nike. Non, pas merci, non. Ah, ça, non, c'est bon. Pas, pas, merci au Gré des Bulles, enfin, ex-Gré des Bulles. Et alors, c'est donc Nike. Nike. Je sais pas. Je veux pas faire d'erreur de prononciation, là. Non, moi je pense qu'on dit, enfin si jamais c'est japonais, Nike quoi, ouais. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et on suit l'histoire d'un jeune homme dans un truc qui fait, alors le décor est franchement, comment je pourrais décrire ça? Industriel. Industriel, médiéval. Un peu steampunk, quoi. Oui, un peu steampunk. Medieval punk. Medieval steampunk, SF fantasy, what? Et on suit donc au début un jeune garçon qui fait de la réparation et de la récupération surtout. Lui aussi. Ah. Et qui a tendance à... C'est le troisième mec de Beautiful Day. Il s'est barré. Et il a tendance à prendre du temps pour lui pour aller à la décharge où il y a de nombreux trésors. Et d'ailleurs, il ne supporte pas qu'on appelle ça une décharge. C'est veut dire s'il a une vie de merde, quoi. Son occupation favorite, c'est d'être entraîné à la décharge. Et là, il tombe sur Galis. C'est un vieux romano, il récupère le... Ah, et du coup, il tombe sur Galis. Ah, je me suis trompé. C'est pas ça. Il récupère des fils électriques, il perd bon. Hein. Il récupère le cuivre, il laisse le corps. Oh là là. Arrêtez-vous, parce que ça va déborder en blague. On voit pas les frères Lopez. Oh là. Oh putain. Je laisse 75 kilos, je fais. On sait tous ce qu'ils font, n'est-ce pas? J'en veux, moi, j'en veux! Joe! Faire courir en mode ronquin! Donc, sinon, effectivement, il tombe sur une jeune fille qui est au milieu des déchets et, chose bizarre, ça, elle a une aile. Plus un moignon d'aile. Un moignon d'aile. Manque un bout. Et c'est moignon. Donc il la récupère, il l'amène chez lui, et donc il va essayer de la cacher de lui réparer son aile. De lui créer une aile. Alors, sachant que les créatures ailées, on sait qu'il y en a, ça n'étonne pas d'en voir une. Oui. C'est juste qu'elles sont très recherchées et que donc il doit aussi cacher ce phénomène. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui. D'ailleurs, il y a une scène qui est assez prenante où il va devoir la défendre. Contre plusieurs personnes. Bandits. C'est un peu comme des licornes, quoi. Sauf que les licornes n'existent pas, Alex. Mais. Oh là, faut pas dire ça sur Internet. Faut pas dire ça. Alexandre, voyons. Mais... Ah, parce qu'il me semble que ça part plus du postulat où c'est des créatures presque légendaires, en fait. Ah, tellement ça fait tellement de temps qu'ils n'en ont pas vu. Ouais. C'est, ça l'étonne pas parce qu'il l'a lu dans les livres, mais ça fait tellement longtemps qu'ils n'en ont pas vu que c'est quand même surprenant, quoi. C'est alors... surprenant d'en voir une, mais ouais. Ça le surprend. C'est pas, il sait que ça peut exister en fait. Il n'y a pas le côté, tiens, c'est quoi ce genre de truc? Non, c'est non, bien sûr. Et c'est pour ça que tout le monde va vouloir la chasser. C'est parce que tout le monde sait, on a entendu parler, et veut la récupérer et la tuer. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi. La tuer, pas à part le fait que c'est une créature légendaire. Oui, expérimenter dessus. Ouais. Oui, on sait pas trop. Alors, le pognon. Sinon, un truc qu'on apprend, c'est qu'elle a. Un truc qu'on apprend aussi, c'est que dans Twilight Zone, elle a des secrets, elle a des trucs, des pouvoirs. On a tous des secrets, du coup. Elle a ses fêlures. Elle est forte, mais elle a des fêlures au fond de son cœur. Ah, s'il vous plaît, je repense au podcast que j'avais vu sur Suicide Squad, là. Quoi, Suicide Squad a des fêlures au fond de son cœur. Putain, si c'était que des fêlures, ma foi. C'est tous tes faiblesses au fond d'eux. C'est des crevasses. Il y a un moment donné, là. C'est des crevasses. C'est des ravins, le bordel. C'est l'abîme. L'abîme s'en fond. Mais sinon, là où l'euthanasie devient un grand merci. Allez. Quand Suicide Squad te regarde, l'abîme te regarde. Mais sinon, donc, elle est un peu surcheatée. Pas tout le temps, hein. C'est vraiment en cas de... Non, pas tout le temps, c'est qu'en fait, elle a un... En cas de critique. Voilà, c'est ça. Elle a un mode berserk, en fait. Ouais, on comprend qu'elle a un hante à lui. Enfin, elle aussi, elle a une double personnalité. Ah, elle contrôle pas du tout ses pouvoirs. C'est qu'elle ne le contrôle pas, donc c'est encore risqué, quoi. C'est encore pire. J'imagine qu'il contrôlerait pas Hans, putain. En pleine rue, d'un coup. En pleine rue, bye, bye. À la réception, là. Dans le bus, ça améliorerait peut-être ma relation avec les clients. Vous voulez que je vous présente les douches? Alors, moi j'ai accroché à l'univers, le décorum qui est autour, le fait que le chef du truc ce soit un chat. Oui, il y a des personnages anthropomorphes. Dans l'univers. C'est chouette, ça. C'est vraiment cool. À part l'homme chat, il est super cool. Ouais. À part l'homme chat, il est entouré de femmes. Ça, c'est. Ah bon, non, je crois que c'est un petit garçon. Tu rien. Je crois que le petit bonhomme lézard, ou en tout cas qui a une queue de poisson, il me semble que c'est un garçon. Petit bonhomme lézard qui a une queue de poisson. Ouais, j'ai pas très bien compris si c'était une queue de lézard ou une queue de poisson, mais c'est un truc comme ça. Donc, il me semble que c'est un garçon. Le chat, c'est pas une femelle. Le gros chat, donc ça. Non, je crois que c'est un mâle parce qu'il l'appelle monsieur, ouais. Ah oui. Il me semble qu'il l'appelle monsieur quelque chose. Monsieur chat. Monsieur chat. Monsieur chat. Miaou. Elle vient ici, ronron. On en revient à notre projet de diesel en cafouman. Hein. Je veux. Trop bien. Miaou. Miaou. Est-ce qu'on a abordé la partie graphique? Parce qu'elle est chouette, quand même. Mais justement, j'allais dire, c'est... c'est chouette, très sympa. Ouais. Des moments choupi, aussi, et puis des moments... Ah, c'est ça, de toute façon, quand on le lit, on se dit, c'est trop mignon, quoi. C'est ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça convient, je pense, à vraiment tout public. C'est-à-dire que c'est le genre d'œuvre qu'on peut mettre tranquillement dans les œuvres... Non, c'est le genre d'œuvre qu'on peut mettre tranquillement dans les mains des enfants, et que ce soit du découpage ou même les textes sont pas trop complexes quoi. Donc puis ça a vraiment un univers féerique, c'est tout mignon, donc voilà, je pense que ça convient même à un public assez jeune, et ça peut quand même plaire à un public plus vieux parce que tout simplement l'histoire est cool. Il y a plus de sang, mais il y a pas trop de sang. Il en voudrait plus. Ah d'accord. T'aurais voulu qu'il y ait plus. Lui, ça peut plaire aux adultes des... parce que c'est très riche comme univers. Oui, ouais, voilà. Il y a énormément d'éléments qui nous sont donnés. Qui sont même juste sous-entendus d'ailleurs, qui vont être renforcés après parce que l'auteur va redistiller un petit peu d'autres. D'autres détails. Je finis pas ma phrase. Je suis désolée. Mais en fait, il y a le féerique. D'accord. Et de plus en plus, le féerique est encore plus marqué sur la fin de ce tome-là. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que les créatures ailées. Il y a aussi, plus loin, il y a des fées, il y a des trucs, des magiciens, des trucs comme ça, quoi. Peut-être pour moi, le seul bémol, c'est qu'on n'a pas vraiment de début d'histoire réelle. Ouais, c'est vraiment, on pose l'univers. On pose l'univers et on sait pas où est-ce que ça va aller, quoi, pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'il va aller rejoindre d'autres anges, j'en sais pas. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Issam faisait le résumé en disant que elle va être recherchée par un groupe de personnes mal intentionnées, en fait, on sait même pas pourquoi ce groupe de personnes recherche la jeune fille, parce que mis à part le fait que bien sûr c'est une créature assez rare, parce qu'elle est ailée, etc. Bon, on n'a pas trop le but de ces gens, mis à part peut-être un but pécunier, mais c'est un peu dommage. Ça leur empêche d'avoir vraiment corps quoi dans l'histoire, d'avoir un vrai but. C'est vrai que après c'est qu'un tome 1, je pense que ça aussi par la suite. Il faut espérer, en tout cas. On aurait eu le deuxième tome dans la main, ça se trouve on serait même pas posé la question, on serait dit ah ouais, génial. Même déjà là j'ai pas trouvé que ça posait souci, c'est à dire qu'on peut lire l'histoire même sans qu'il y ait justement ces espèces de grandes lignes, et que ça passe quand même très bien parce que l'univers est riche et que du coup ça amène je pense l'histoire au fur et à mesure. En tout cas j'ai trouvé ça cool, le rythme m'a pas gêné du tout. Et l'édition est super jolie aussi. Oui, Une belle couverture. Oui, en même temps, c'est Kiyun. Hein. Comme très souvent chez Kiyun, c'est vrai, toujours du boulot propre à ce niveau-là. C'est ouais, vraie grosse recommandation. Si vous avez des enfants autour de vous. Et du coup, le tome 2 est peut-être sorti aujourd'hui. Non, pas encore. Il y a combien de tomes pour l'instant au Japon? Ouais, je crois que le rythme est assez lent. Hein. C'est une production originale. Ah, ça fait partie des productions? Ah oui, c'est comme Noise. Comme Noise, oui. Comme Noise. Ah, oui. Ah ok, ça j'avais oublié. Il y arrive après. Ah oui. Et oui, c'est du original Kiyun, donc il y a un tome pour l'instant. Je regarde s'il y a une date pour le tome 2. Pendant que j'achète, on peut commencer à aborder le prochain titre. Et c'est quoi? Il s'agit de Moriarty, édité par Kana. Et on va être trois à en parler, Sally, Sam et moi. Si je fais dans cet ordre-là, ça va, ça vous perturbe moins? Non, c'est bon. Bon, on connaît ton amour pour l'univers Sherlock, donc on va te laisser en faire un résumé. Issam. Je l'attendais depuis une plombe, ce gars. Donc, Moriarty, c'est l'histoire d'Albert Moriarty, donc un descendant d'une famille, d'une grande famille noble, mais qui est révolté par cette famille, et notamment par sa vision de la société où les pauvres sont une espèce de masse méprisable à exploiter. Lui, il s'oppose à ça, et il va rencontrer deux orphelins dans un orphelinat, dont il va remarquer l'intelligence, et donc il va s'associer à eux, déjà pour prendre le contrôle de sa famille de manière assez illégale, je pense qu'on peut le dire, vu que c'est dans le chapitre 1, il bute toute sa famille. Effectivement, c'est illégal. C'est considéré comme illégal dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, oui. J'ai vérifié la législation anglaise. À l'époque, ce n'était pas légal. Ce n'était pas autorisé. Les textes de loi sont très clairs. C'est dans quel pays, encore aujourd'hui, selon la loi, tu as encore le droit de tuer des Espagnols? Il n'y a rien pays. La Corée du Nord. Non, je sais pas. Mais un pays européen. Et... dans les textes de loi, t'as encore le droit de tuer des Espagnols. Super. Je crois que c'est à Édimbourg où t'as le droit de tuer un Anglais dans l'enceinte de la ville s'il a un arc et un carquois. Avec... Oui. Oh, c'est génial. Bon, enfin, sauf pour l'Anglais qui a un arc et un carquois. Bah, déjà, de un, il avait qu'à pas être anglais. Et de deux, qu'est-ce qu'il font avec un arc et un carquois? Faut pas faire de cosplay. Mais tant pis pour lui, il avait qu'à pas être anglais. Voilà. Un cosplay de Robin des Bois. Eh, connard! Donc, toujours est-il qu'on se retrouve donc avec ces trois frères Moriarty. Tous les trois ayant comme second prénom James, d'où le fait que l'ennemi de Sherlock Holmes soit appelé James Moriarty, c'est comme ça qu'ils le considèrent. Et quelques années plus tard, quand ils sont devenus quasiment adultes, ils continuent à devenir un peu des... pour reprendre l'expression de la série Sherlock, c'est un peu des criminels consultants, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes viennent les voir, ou alors ils vont vers eux, pour les assister, mais par des moyens criminels en fait. C'est un peu une version... Il ressemble un peu à Sherlock, mais c'est une version sombre de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes reste dans la légalité, eux, au contraire, vont passer par des moyens illégaux et vont s'opposer à la société en place telle qu'elle est. J'ai trouvé ça vraiment excellent, l'univers qui est posé, c'est une relecture de l'univers holmésien, c'est un univers qui moi de base me touche beaucoup et que là j'ai trouvé très bien traité. C'est vrai. Il n'y a que 3 chapitres et chacun c'est un peu une enquête indépendante, mais comme ils font quasiment 70-80 pages chacun, ça a bien le temps de se développer. Ça a bien le temps de poser les capacités et les spécialités de chacun des 3 frères Moriarty. Pour l'instant, on ne voit pas du tout Sherlock Holmes, mais apparemment, il apparaît dans le tome 2. Dans le tome 2, on verra. Mais voilà, du coup, on a bien posé les personnages, et ça promet un conflit intéressant, justement, quand Sherlock va arriver, c'est comment il va s'opposer à eux et pourquoi, finalement. Et d'ailleurs, tant mieux qu'il n'apparaisse pas dans le premier tome. Ouais, ça laisse largement la place aux protagonistes. C'est ça. Dans les autres histoires de Sherlock Holmes, Moriarty aussi a des frères ? La même question que je t'ai posée en off. Ah. Non, c'est qu'un seul Moriarty qui s'appelle James Moriarty. Ouais. Normalement, le seul point commun vraiment clair qu'ils ont repris, c'est qu'il y a un des 3 frères là, qui est professeur de mathématiques à l'université, et c'est le cas de James Moriarty. Ouais. Il y a Riri Moriarty, Fifi Moriarty, et Loulou Moriarty. Ils ont une cousine éclatée. Zaza Moriarty. Des fois, le clan Moriarty. Hein. Non, mais c'est curieux d'avoir fait ça. Bon, c'est un choix d'adaptation comme un autre. Il y aura peut-être plus tard. Intéressant après, quand à dire qu'il est curieux. Il y aura peut-être plus tard une logique, je sais pas. Oh non, je pense que c'est juste pour comme ça. Pour enrichir le personnage. En fait, on parle beaucoup de Moriarty comme l'ennemi juré de Sherlock Holmes, mais en réalité, Moriarty, il apparaît dans une nouvelle et il est mentionné dans deux autres. Il le rencontre pas souvent. En fait, il le rencontre qu'une fois et ça va même plus loin parce que Watson ne rencontre jamais Moriarty. Donc en fait, on entend dire des trucs sur lui, mais le seul truc où il apparaît vraiment, c'est une nouvelle de 20 pages, en réalité. D'accord. C'est que Landol l'a plus ou moins créé pour justifier de faire tomber Sherlock Holmes dans les chutes de Reichenbach. C'est ça. Donc c'est devenu l'ennemi juré, mais c'est un ennemi juré qui apparaît très très peu et donc mais grâce qui a été développé surtout par les continuateurs. Mais grâce à ça, il est considéré comme l'un des tout premiers super vilains de l'histoire. Oui, bah il a cette situation, c'est quand Conan Doyle l'a réutilisé par la suite, il lui a donné un peu cette position dans la vallée de la peur, notamment. Et ça a permis aussi d'avoir des trucs très bien derrière. Comme des trucs caca aussi. Hein. Ouais. Comme des trucs caca, mais moi je pensais aux dessins animés quand j'étais petit, avec Miyazaki. Déjà, quelques séries télé aussi. La dernière en date, par exemple, avec Sherlock de Moffat. Arabesque. Mais Moriarty. Non, c'est vrai. Louis la Brocante. C'est le fait qu'il y ait 3 Moriarty m'a pas surpris dans la mesure où sur Moriarty il y a eu des trucs encore plus audacieux. Il y a eu un Sherlock Holmes qui est assez connu en roman où en fait Moriarty est un fantasme lié à la drogue que prend Sherlock. En fait Moriarty existe mais c'est un mec lambda. Il y a des Sherlock Holmes où Moriarty c'est Sherlock Holmes. Enfin, il y a eu énormément de trucs autour du personnage. Moriarty versus Jerome Shark. Bientôt. Dans la dernière série, ils font un peu tout ça. Parce que des fois, on a l'impression que c'est une image qui se fait tout seul. Des fois, on a l'impression que c'est lui. Enfin. Bon, c'est que quand il est dans le palais mental qu'il y a Moriarty qui est utilisé comme projection de Sherlock. Non ? Ouais. Enfin, je sais pas si on peut spoil, on s'en fout. De quoi ? La fin de la première ou deuxième saison quand mais on n'est pas dans la guerre des claps ici, tu peux y aller. Quand il tombe du toit, justement. On ne sait pas si c'est lui qui s'est tiré tout seul ou s'il y avait vraiment quelqu'un. La deuxième saison, ça ? Sa deuxième saison. Ouais, mais on sait qu'il existe. Non, c'est que Moriarty, c'est quelqu'un de vrai. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas si c'est vraiment un méchant ou si c'est Sherlock qui se fait une projection sur cette personne-là. à la fin de la saison 2, c'est assez clair qu'il se tire lui-même la balle dans la bouche. Mais avant. Non. Non, ou c'est moi. Je vois pas de cas. C'est... J'arrive pas à expliquer, je pense. Parce qu'à un moment, il me semble, dans la série, ils veulent justement instaurer le doute en faisant croire que Moriarty, c'est pas un méchant du tout, et que c'est Sherlock qui a monté toute l'histoire autour, parce que Moriarty se fait passer pour un mec banal, en fait, et que c'est Sherlock qui a... Qui sort justement avec la scientifique, je crois, non? Oui, c'est exact, avec la scientifique, c'est juste un acteur embauché. C'est le dernier épisode de la saison 1, ça. Voilà. Mais c'est clairement montré que c'est un plan de Moriarty, finalement. Oui, oui. Je sais pas de quoi il parle. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, dans la dernière série, ils ont repris tout ce que t'as dit, quoi. Ils ont essayé peut-être de faire un hommage, je sais pas, des canons, je sais pas. C'est de toute façon, vu que la série est bourrée de références aux canons, d'hommages à différents Sherlock Holmes, oui, probablement, oui. C'est tout ce que je voulais dire. C'est la digression d'Alex. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est toujours intéressant de parler de Sherlock Holmes. On va faire des génériques pour ça. Ah oui. Ça va être digression, vrai. La digression. Qu'on fasse un gros buzzer. La digression. Digression. Ouais. Fallait que je la fasse. Non. Non. Même Issam, il n'ose pas les faire, elle est comme ça. Non. T'es viré. Allez, mais bisous. Ah si, moi j'ose les faire, mais ça fait un an que je suis là, tandis qu'elle s'est passée encore sur la sellette. Je crois que j'ai fait aussi, donc, mais ça fait longtemps. Ça, c'est comme de faire une blague de cul, un entretien d'embauche. D'accord. Elle est bonne, la secrétaire. C'est ma femme. Elle est bonne quand même. Bon choix. Et donc, pour le boulot, c'est bon. Non, mais ouais, Moriarty, excellent. Et ça fait du bien de dire un bon truc, Sherlock Holmes, ici, parce que le dernier qu'on avait lu... Mycroft, c'était catastrophique. C'était quoi, oh la vache. Un comics Mycroft, le frère de Sherlock Holmes. Et il y avait un univers steampunk. C'était vraiment très, très mauvais. Non, c'était du Hachette. C'est écrit par un ancien basketteur. Oh la vache, je suis vraiment désolée, mais déjà ça part mal. c'était horrible. D'accord, bah après c'est marrant parce que j'ai pas trouvé Moriarty comme étant un manga qui ressortait du lot. Alors le style est sympa, visuellement c'est joli. L'histoire aussi, mais ça m'a pas subjugué. Alors peut-être parce que je suis pas ultra connaisseuse de l'univers Sherlock Holmes, etc. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça... Je trouvais qu'on tombait toujours dans les mêmes mécaniques, en mode... je suis consultant en crime, donc vas-y, on va tuer comme ça, parce que je suis le méchant. Donc je comprends que ce soit la mécanique instaurée, parce que le personnage est comme ça, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé ça assez répétitif, en fait. Moi, je sais pas, sur 3 chapitres, je trouve que ça a pas le temps de devenir répétitif, pour le moment. Faut voir comment ça évolue après. Mais justement, j'ai trouvé qu'en 3 chapitres, surtout que c'est des chapitres assez denses, justement, de 80 pages... J'ai trouvé ça dommage, en fait, que ce soit un peu toujours les mêmes fins, quoi. Voilà. Ouais, je comprends l'idée. Après, ça permet de bien installer l'univers. Probablement, comme tu dis, vu que je suis sensible de base à l'univers et à ce mode de narration qui est assez proche de ce que fait Glenn Doyle, moi, ça m'a pas gêné. Mais ouais, je peux comprendre le... Si la mécanique reste la même sur les prochains tomes, quoi. C'est ça. C'est là où ça pourrait être gênant si c'est le cas. Ça pourrait être dommage, mais tu vois, ça me gênerait même pas, moi. C'est une mécanique à laquelle j'adhère bien. Donc... Voilà. C'était le petit commentaire. Bah moi, après, j'ai trouvé ça sympa, mais sans que ça soit non plus transcendant, quoi. D'accord. C'était une bonne lecture. Oui, c'est sûr. Ça reste quelque chose de vraiment agréable, mais c'est, on va dire que ça fait pas partie des top œuvres qu'on a pu essayer ce mois-ci, de mon point de vue. Clairement pas. Mais c'est, une fois de plus, ça reste joli. C'est vrai que les pages sont souvent... on va dire, il n'y a pas trop d'espace blanc. Il y a beaucoup de décors, beaucoup d'environs, etc. Ah oui, donc ça, visuellement, quand même, ça marche bien. Même si les personnages ne sont pas non plus extraordinairement originaux, on sent de suite qu'il y a un des personnages qui va être le personnage principal, avec les deux autres Moriarty pour beaucoup l'aider. Mais voilà, c'était... Et le sniper nudiste, j'ai aucune idée de ce qu'il faisait là, mais ça m'a beaucoup fait rire. Pour le coup, j'ai trouvé l'équilibre entre les trois frères assez... il y en a un qui est mis en avant, mais pas non plus... Les deux autres sont pas des faire-valoir. Ah non, j'ai pas dit ça, mais ils sont quand même beaucoup plus dans l'arrière de la trame, même s'ils sont pas inutiles. C'est et j'aurais aimé, si tu veux, qu'ils soient plus... dans leur temps d'enquête, etc., plus égaux, tu vois. Parce que, mis à part le petit frère, surtout, qui a une cicatrice assez visible sur le visage et tout ça, j'aurais bien aimé qu'il soit mis en avant. En plus, ça a l'air d'être un petit peu le gars qui fait des recherches, qui leur permet d'approfondir leur truc et tout ça. Et j'aurais plus aimé qu'il soit mis en avant. Mais bon, peut-être que ça viendra aussi avec le tome d'après. Oui, voilà, c'est ça. Ils se répartissent pas le boulot entre frères, ils font tout en même temps. Ils se répartissent dans une même enquête, ils se répartissent le boulot. Encore une fois, un peu comme Sherlock Holmes a confié des tâches à Watson. D'accord. Alors, on n'a pas précisé, le scénario est de Ryosuke Takeuchi et au dessin c'est Hikaru Miyoshi. C'est pas comme une dingue. Ça déjà c'est un bon point par contre, que genre il y ait un dessinateur et un scénariste. En général, je trouve que les mangas avec des bons scénarios, c'est souvent quand ils sont divisés. Quand il y a un dessinateur et un scénariste, ça, c'est quand même plus probable qu'il y ait un bon scénariste quand il y a un scénariste qui s'occupe du scénario. Oui, c'est-à-dire que les spécialisations... Ouais. Je suis moyennement d'accord. Par exemple, Berserk. Ouais, énormément. Ouais, non, Berserk, lui, bon, c'est... Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de... Ouais, aussi. Mais j'ai trouvé que des fois, des mangas où le dessinateur s'occupe aussi du scénario, il va avoir plus tendance à se casser la gueule qu'un manga où il y a les deux, quoi. Par exemple, One Punch Man, si jamais. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à. Je crois que c'est l'équilibre, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais plutôt tendance à dire que si un scénariste et un dessinateur, il y a intérêt que le scénario soit bon. Parce que au contraire, t'as pas d'excuses. Ouais, tu t'occupes que de ça. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a plus de facilité à ce que ce soit bon, effectivement, si jamais les gens se spécialisaient dans un truc. C'est le mec qui fait effectivement. C'est un mec qui fait le scénar, les dessins, les couleurs. Il y a un moment où. Les couleurs dans le manga, pas trop, mais. Pour les covers, les pages, les éditions spéciales. Il y a un moment où il risque de chier sur un truc, quoi. C'est... T'imagines le mec qui fait son manga en couleur et après il photocopie pour faire du mal. Le gros con. Il fait les couleurs, après il repasse les couleurs en Tipex. Même des mangaka comme Hiromu Arakawa ou celui qui a fait Monster, j'oublie son nom. Oui. Oui, non, bien sûr, mais c'est juste que pour avoir les mangas que j'ai lus où il y avait toujours un scénariste et un dessinateur, je trouvais qu'ils étaient souvent plus équilibrés au niveau du scénario. Ça te paraissait plus d'approfondir. Là où il y a des fois des dessinateurs tout seuls qui peuvent avoir des choix de scénario un peu étranges ou parce qu'ils ont des mauvais, pas des éditeurs, mais des mauvais responsables éditoriaux, etc. Mais le truc, c'est que forcément, il y a quand même une proportion de auteur-dessinateur plus grande que juste auteur et après, à côté, scénariste, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a des auteurs-dessinateurs qui se débrouillent mieux que... Enfin bon, voilà. Il faudrait faire des stats. On va prendre tous les mangas de la boutique et on va faire des stats. Il n'y a plus de boutique, on t'a dit. Comment tu veux faire? On va aller à la Fnac et on va faire des stats à la Fnac. Et on prend pour le feu. On va prendre tous les bouquins un par un. Oh putain. Il n'y a pas grand chose à la Fnac. C'est ça le problème. J'étais un peu déçu, même les One Punch Man, ils ont des trous, quoi. Genre la dernière fois, je voulais acheter des One Punch Man et puis il y a des gros trous. Alors que je me dis, c'est quand même un manga qui a Ne parlons pas de Jojo, il n'y a que le dernier tome. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais il y a pas mal, t'as raison, il y a pas mal de mangas où il va y avoir genre le 1, 2 et 8, 9 parce que c'est les dernières sorties. C'est la Fnac. On ira à l'autre truc de manga. L'autre truc de manga. Non, pas chez lui. Oui, on va pas les nommer. Non, pas chez lui. si, c'est juste pour faire des stats. On vient faire des statistiques sur vous. Alors, un dessinateur, un scénariste, c'est très bien. Tu sais, on met un bouson IFOP, mais avec une foot dans IFOP. N'importe quoi. Est-ce qu'on en a fini avec Moriarty? Ouais, alors juste, j'espère que Kana va corriger ça dans les prochains tomes. Il y a deux personnages dont le nom apparaît dans les deux Conan Doyle, c'est Moriarty et le colonel Moran, le sniper justement. Ah. C'est Moran, pas Molan. Alors je sais qu'en japonais c'est pareil. Ah la vache. Mais il fallait lire une nouvelle de 20 pages pour le savoir. Faites l'effort quoi les mecs, faites semblant. Oh la vache, merde. C'est le vrai nom du personnage, c'est Moran. Ouais. Là ils l'ont traduit par Molan, mais en japonais ça se tient parce que le R et le L sont les mêmes. Mais oui. Vérifiez vos infos quoi. Moriarty. Surtout en plus avec Wikipédia et Ouais, c'est Google ça, le mec qui s'appelle Moriarty. Moriarty. Donc on en a fini avec Moriarty. Moriarty. Pour moi, grosse recommandation. Surtout auprès des amateurs de l'univers holmésien. Oui, bah ça, je pense qu'on peut que valider. N'étant pas un grand connaisseur de l'univers, pareil pour toi. En tout cas, la couverture attire bien le regard. Il y avait une édition collector aussi. Ouais, je l'ai. T'en étais content. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'édition collector? Pas grand-chose, un stylo et du papier à lettres. Oh, super. Pour écrire à... Aux Arts de Montréal. C'est mollant, pas mollant. Le visuel est sympa, quoi. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée, même le petit côté papier, stylo et tout. Je trouve ça original. Pour écrire à ta grand-mère. Oh, tu fais l'enquête avec Riri, Fifi et Loulou. Alors tu fais comme Moriarty et puis t'envoies des lettres aux flics avec le truc justement Moriarty. Imaginez un seinen Riri, Fifi, Loulou. Ça serait trop stylé. Ah, j'avoue. Faut demander à Marvel de faire ça. Ils ont fait avec les Looney Tunes. Avec les personnages de DC Comics. Ah oui, oui. C'est quoi, ils ont fait Batman versus Elmer Fudd. Wonder Woman et Daz. Ils l'ont sorti en France. Super son, quoi. Oui, ça fait mal. Il est dans le bouquin avec Catwoman là. Ouais, c'est un en mode dépressif à mort. Oui. Bon, passons maintenant. On va rester chez Kana avec Arcanum. Ça a été lu par tout le monde autour de la table, sauf par moi. Ah bah bravo. Bah oui, bah écoute. On te félicite. On faisait confiance. Apprends à terminer tes phrases avant de. Mais je peux. Alors, bah, je vous écoute. À chaque podcast, il y a un peu plus une ambiance de merde. Je suis désolé, excusez-moi. Ah non. Non, t'inquiète, c'était déjà comme ça avant. C'est déjà comme ça avant, voilà. Non, on va tout changer de podcast. Il suffit de traverser la rue pour trouver un autre podcast, donc ça va. Ah bon? Ah bon? Ah bah oui, c'est bon, j'ai compris la référence. C'est notre cher président. Il faut toujours faire une référence. Il faut toujours faire une référence à Macron. Il va falloir que je le fasse au code du podcast. Il faut toujours au moins une référence à Macron. Vous avez lu aussi, genre dans les actus, qu'il va être élu champion of the year. J'ai fait, oh mon dieu, des combats intergalactiques. Et au-delà du titre, c'est un truc écolo, en fait. C'est une récompense écolo, champion de la Terre. Alors que non, quoi. Eh oui, bon, bref, voilà. Je trouvais la petite info marrante, Champion of the Earth. Elle a obtenu le titre en traversant la rue. Alors, le titre Champion de la Terre, c'est un titre qu'a Hercule Satan dans le jeu Dragon Ball Butoden 2 sur Super NES. Dans le manga Dragon Ball aussi. Bah oui, parce que c'est un manga à la base. Je sais pas si je savais. Non, c'est écrit par Akira Toriyama, un petit mec qui est pas trop connu. Non, c'est pas ça, c'est que l'exact. Akira, c'est lui qui fait de la moto avec Kaneda. Voilà, c'est ça. L'exact intitulé du titre, c'est pour ça, je ne savais pas si c'était l'exact intitulé dans le manga, vu que je ne l'ai plus depuis des années. Mais sinon, on va parler d'Arcanum. Allez-y. Ouais, c'est drôle. Oh. Donc, Arcanum, l'histoire... C'est écrit et dessiné par qui? Édité par qui? Donc, c'est édité toujours par Kana, parce qu'en plus, tu l'avais dit déjà que c'était édité par Kana. Oui, mais du coup, il ne demandait pas qu'il avait édité, il demandait qu'il avait écrit. Et dessiné. Et après, il a dit. C'est moi. C'est moi la voix d'idée. Et c'est donc Erubo Ijihara qui a donc fait cette histoire-là. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui. L'histoire d'un jeune garçon en fauteuil qui aimerait rejoindre une armée spécialisée qui contrôle des sortes. De corps de combat, on va dire. Mmh. Un peu de sorte d'armure organique. Ouais. Qui affronte des créatures qui viennent souvent attaquer les villes. Donc là, on est un petit peu dans un truc à la Pacific Rim, hein, au niveau des bestioles qui attaquent les villes en continu. Bonjour, Évangélion. Évangélion aussi. Mais j'ai pas vu Évangélion, c'est pour ça que là, je me suis pas trop risqué. Il faut voir Évangélion, c'est génial. Ouais, je m'y mettrai un jour. Parce que là, en plus, ça vient du ciel, comme dans Evangelion, et Pacific Rim, c'est plus de... C'est la création elle-même. La mer, quoi. Et sinon, au fur et à mesure du truc... Ah, les bestioles, tu parles. Ouais, les bestioles. Alors, il est élevé par sa sœur, je crois. Ouais, par sa grande sœur, c'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, elle le soutient à fond, et puis petit à petit, les deux se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de sacrifices que prévu pour faire partie de ce corps... Elle est dans l'armée, elle aussi, en plus. Elle est dans l'armée, elle s'occupe des secours, je crois. Mmh. Ouais, c'est ça. Et le souci, c'est que là, elle va se retrouver beaucoup plus impliquée que prévu dans cette histoire-là. Sachant qu'elle, c'est un peu une légende dans l'armée. Ah, c'est oui. C'est-à-dire qu'en fait, elle gère. Alors, sachant que pour finir le résumé, il veut accéder donc au corps d'armée, mais il peut pas parce que l'immeuble n'est pas accès handicapé depuis la loi de Macron sur les 10% seulement. Voilà. C'est un drame, hein, en fait. Tout le manga, il est au pied de l'escalier et il peut pas monter. Alors, c'est vrai qu'il peut même pas aller au chiottes. Il a poussé sur ses petits bras. Ça m'a presque fait pleurer, un drame comme ça. Alors qu'il y a une compagnie concurrente, qui a lui, qui lui est en 10%, mais c'est juste de l'autre côté de la rue, donc il aura juste à traverser la rue pour trouver un emploi. Et alors sinon donc esthétiquement cool, combat assez impressionnant, c'est à dire que là t'as envie de voir ça en animé quoi. C'est très dynamique visuellement. Les monstres sont assez diversifiés, c'est à dire que c'est pas des trucs forcément humanoïdes, des fois t'as des trucs tu te dis voilà, attends c'est quoi ça. C'est où le point faible. Et il y a aussi une précision, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais l'armure organique qui est commandée à distance se prend un mauvais coup, mais mal placé, il y a une grosse perte et plus jamais il y aura cette armure-là, quoi. C'est plus si jamais l'armure prend des dommages au niveau de la tête, ouais, que l'armure voilà, se désagrège, quoi. Si elle prend un coup directement mortel, hein, parce que c'est un peu ça généré, c'est si le coup est directement mortel. Voilà, un bras arraché, c'est pas grave, un coup en pleine tête. Il me semblait que c'était vraiment la tête qui était irréversible que et que après pour le corps, ça se régénérait plus ou moins bien. Mais décapitation ou le corps avec un gros trou là, ça, je crois que ça impacte aussi. Ok. Oui, parce que. Faut pas qu'il y ait une mort immédiate. Oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'il me semblait que c'était vraiment la région de la tête qui était dangereuse pour les armures organiques et pas le reste, quoi. Ouais, non, c'est juste si c'est one shot, c'est mort. Ouais. Mais une blessure, une blessure qui n'est pas tout de suite létale, ça passe. Alors, question posée par quelqu'un qui ne l'a pas lu, du coup. La série est terminée en 3 tomes. C'est vrai ? Oui. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Du coup, est-ce que vous pensez qu'avec un... Après ce premier tome, est-ce que vous pensez que ça peut se tenir en 3 tomes ou est-ce qu'il y a des chances que ça puisse être bâclé ? Ça me semble rocher. Bâclé ? Ça me semble rocher. Ouais, je pense. Je pense que c'est Après, ça dépend de ce qu'ils vont faire dans le tome 2, quoi. Si j'adore poser des questions pour des débats. Dans le tome 1, c'est pas vraiment développé, quoi. Ouais, justement, ils peuvent du coup faire une trame courte, puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire développée dans le tome 1, que c'est plus les bases de leur univers, tu vois. Donc, Après, ce qui me dérange, c'est que c'est un conflit qui est installé depuis déjà plusieurs années, et si c'est en 3 tomes, ça veut dire que lui, il va trouver, entre guillemets, une solution miracle, quoi. D'accord, ouais, c'est vrai. Ou pas ? Tu penses que ça peut rester sur. Ouais, pourquoi pas, hein. Ouais. Ça peut être cool, hein. Si c'est comme ça, ça peut être cool. Ça peut être chouette. En effet. Moi, ça me paraît gênant. À la fin, il se retrouve contaminé par un truc extraterrestre et c'est lui qui tue toute l'humanité. Ouais. Après, ça peut être très bien. Enfin, des histoires de conflits peuvent se terminer sans que le conflit se termine. Il peut amener une lueur d'espoir et voilà. Dans ces cas-là, ce sera un peu frustrant. Là. Ouais, mais enfin, ça s'est déjà vu quoi. Mais oui, ça peut. Ouais, ça peut. Y compris dans les trucs qu'on a cités d'ailleurs. C'est-à-dire Évangélion. Oui. Pacific Rim, c'est aussi un truc temporaire finalement. Après, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que j'aime beaucoup ce genre de truc, quoi. Evangelion, c'est une série dont je suis ultra fan, donc là, ouais, c'est clairement repompé par certains éléments. C'est moins profond. Beaucoup d'éléments, quand même. Ouais, mais du coup, j'adhère vraiment quand même. Et sinon, il y a un bon travail sur la cohérence, par exemple, de la hiérarchie, des trucs secrets, et tout ça, où là, t'as quand même une certaine cohérence administrative, on va dire, du truc. Non, puis même le fait aussi que pour une fois le personnage principal est handicapé, c'est terrible pour lui, mais c'est bien traité aussi, quoi. Mm-hmm. C'est des personnages principaux qui ont des problèmes comme ça physiques, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans les mangas, et que ça devienne presque une force en fait. J'ai trouvé ça très beau dans le traitement, et puis c'est. Voilà, c'est. Sachant que dès le début du manga, il s'en prend plein la gueule par un mec qui, lui, a l'air justement d'un Marines. Ouais, c'est vrai. Qui dit, mais comment. Enfin, il a triché ce gamin pour passer les trucs, il a été pistonné, c'est pas possible. Ouais, justement, voilà, et c'est vrai que c'est un peu une critique de comment les gens réagissent mal des fois par rapport à des handicapés, tu vois. Et c'est injuste parce que. Il fait des miracles, ce petit tout, quoi. C'est d'autant plus montré comme injuste que, vu que les machines sont contrôlées par le mental, en soi, le fait d'être paraplégique, handicapé, ne change rien. C'est ça, exactement. T'as pas besoin de ton corps pour les diriger. C'est ça. Limite, le mec, il pourrait être sous l'assistance complète. Si jamais son esprit fonctionne bien, ça passe, quoi. Bah ouais, c'est ça. Enfin, on comprend que pour lui, c'est surtout le côté exutoire, de pouvoir se mouvoir de ses quatre membres, etc. Et puis même voler et tout. Enfin, j'ai envie d'être dépasse libre, l'humain. Quoi. Ouais. Il dépasse l'humain. C'est surtout ça qui l'intéresse, pas tant d'être dans l'armée. Quoi ? Comme dans Avatar ? Ouais, je sais pas. Et d'affronter, je pense. J'y ai pensé, je vous ai pas le dire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait que oui, forcément, c'est libérateur parce qu'il va venir retrouver des capacités qu'il n'a plus. Mm-hmm. Mais c'est pas juste à but de s'amuser parce qu'il s'entraîne quand même comme Pas s'amuser, mais plus pour, de se sentir plus libre et pas piégé, entre guillemets, dans sa condition. Moi, je pense qu'il y a beaucoup des deux, du fait aussi que, ben, un peu comme sa sœur lui a montré avant, il a aussi envie de défendre sa patrie, si je peux dire ça comme ça, ouais. Et peut-être juste éliminer la menace extraterrestre, tu vois, enfin, si c'est extraterrestre. Que... Bah, les deux sont liés, en même temps, parce qu'il a un gros complexe par rapport à son handicap, il se sent inutile. C'est ce que je disais. Donc, le fait de retrouver sa liberté participe, c'est ce qui lui permet d'aider sa patrie et de se sentir. Le sentir qu'il peut servir à quelque chose. Ouais. C'est ça. Mais c'est super, c'est que du coup, dès le premier tome, il concrétise un de ses rêves les plus importants, et en même temps, il arrive face à des cauchemars qu'il n'avait pas imaginés. Oui. C'est ah merde, ça ouvre tout ça, quoi. Il y a du combat tragique, il y a du drama, et tout ça, donc c'est pas... C'est vrai que c'est pour le coup, au niveau des combats, j'ai trouvé c'était à la fois un concept très simple, mais qui permettait plein de trucs. Parce qu'en gros, pour tuer des créatures, il faut écraser leur cœur. Elles ont toutes le même point faible, c'est leur cœur. Comme dans Evangelion. Sauf que, comme elles ont toutes un design différent, qu'elles sont toutes très différentes les unes des autres, le cœur, tu sais pas où il est, en fait. Tu sais même pas exactement à quoi il ressemble. Donc, ça paraît simple au premier abord, mais en vrai... il faut que tu le trouves, ce cœur, faut que tu analyses la créature. Et pendant que tu analyses la créature et donc que tu n'es pas loin d'elle, tu peux t'en prendre une dans la gueule en cours de route. Et puis là aussi, où ça peut ne pas être bâclé, c'est justement avec les éléments qui viennent à la fin du manga qui pourraient du coup suggérer que c'est pas forcément une invasion extraterrestre, quoi. Ah, oui. Oui, tu vois oui. Et du coup, pouvoir trouver une solution sans que ce soit... Mais ça me fait peur aussi, parce que ça me fait penser au phénomène Dino Sapiens, tu vois. Ah, c'est bon. C'est vrai, ça peut être à double tranchant. Que, voilà, quoi, c'est... Ça, ce serait catastrophique. Mais restons positifs. Ça, tu peux imaginer ce que ça peut être, là, finalement. Voilà. Positif, on va dire que ça va partir dans le bon sens. Dino Sapiens, c'est tellement nanar que dans le tome 3, on découvre que c'est l'ordre des nazis qui a financé les dinos. C'est trop bien. J'ai peur plutôt que c'est pas vrai, imagine. Et qu'ils ont une base dans l'espace, d'ailleurs. Ils ont une base dans... scénariste sous pseudonyme. Bon, du coup, Arcanum, un manga que vous recommandez tous les 4? Oui. Pour l'instant, oui, voilà. Puis en plus, c'est en 3 tomes, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un investissement ruineux. C'est pas comme Kingdom, c'est que 3 tomes. Donc, allez-y, c'est. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est pas le même genre non plus, donc. Il y a moins de méca dans Kingdom. C'est ça. Il y a moins d'handicapés en fauteuil roulant. En Chine populaire, t'as un gros méca qui débarque. Du coup, il y a un gros Gundam qui arrive. T'as un jeune homme en fauteuil roulant médiéval qui décide d'être le meilleur soldat. J'ai plus rien. On va maintenant passer à Green Valley. Seul Nécro l'a lu autour de la table. Ah bah bravo. N'est-ce pas? Alors, la collection, c'est... C'est édité par Delcourt, et surtout, c'est écrit par Max Landis, dessiné par Giuseppe Camuncoli. À l'ancrage, c'est Klimt. Bah, Pancolo. À l'ancrage, c'est Klimt. Et à la couleur, c'est Jean-François Beaulieu. Oh putain. Quoi? Il y en a aucun qui... Bon bref. Quoi? Non, rien, c'est un melting pot, c'est cool. Ah oui, tu as la vache. Tu m'as fait peur. Non. Nécro, nous t'écoutons. Et c'est une édition intégrale du coup de la série. Et merci des cours. Et merci des cours pour l'envoi, bien entendu. Bah, c'est dans un monde médiéval où on suit quatre chevaliers qui sont des chevaliers légendaires qui protègent leur petit coin, leur châtellerie. Avec donc ils sont au début on les voit juste trois attendant dans un coin et il y a une armée de 400 barbares qui leur foncent dessus. C'est réjouissant. Alors discussion, tu comprends qu'ils sont pas inquiétés, qu'ils discutent d'autres choses en attendant. C'est-à-dire ils en ont rien à foutre ce qui arrive sur leur gueule quoi. Sachant qu'ils discutent. Ils ont la pose active, c'est pour ça. Avec ce qu'ils disent, tu comprends qu'il y en a un quatrième qui est dans le coin, que tu vois pas encore. Donc là, t'as le chef barbare qui arrive, qui dit ouais, moi je m'en fous, je vais vous péter la gueule, je vais défoncer vos châtelleries, je vais violer vos femmes, bah voilà, ça commence bien. Que des réjouissances. Du bon dialogue. Et ah, les civilisations. Et à côté de ça, il y a un des. Là, ça m'évoque surtout Attila dans Kaamelott. Il y a un des chevaliers, le plus vieux, qui dit bah c'est simple, nous on va t'arracher l'oreille et puis on va te faire partir. Et barbare qui est impressionnant, c'est quand même une montagne, hein. C'est genre qu'elle le survivant comme proportion. Tu nous fais un résumé ou tu nous fais un résumé de chaque page là ? Non, c'est juste le début pour avoir un peu de pitch, pour comprendre à peu près la basitude du truc. Effectivement, quand il attaque, il y a son oreille qui se retrouve arrachée par une flèche, donc tu comprends le quatrième ce qu'il fout, et effectivement, les 400 barbares se barrent. Parce que l'autre il a perdu l'oreille. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce coup, il sent moins la confiance, tu vois. Il dit, C'est décevant comme balassitude, quoi. Là, je viens de me faire sniper, je suis pas fier. Ouais, mais enfin. Sauf que, donc, là, il retourne en victorieux chez eux, et par un manque de bol, la nuit d'après, les barbares attaquent en pleine nuit pendant qu'ils sont toujours en train de pioncer, et là, ça part en carnage, il y en a un qui perd sa femme. Il y en a d'autres qui sont blessés, c'est une défaite totale, le village finit en ruine, et ils décident de se barrer dans un coin paumé. Ils sont cons, en sens que, ok, même si l'autre est très bon tireur, on est 400. Recharger un arc, c'est long. Ils sont 400. Alors, précision aussi, il y a aussi du coup les barbares qui ont tiré plein de flèches, je rappelle qu'ils sont 400, et que les flèches ont été shootées en l'air. Voilà, c'est-à-dire que toutes celles qui devaient toucher quelqu'un n'ont touché rien du tout. Ah oui, donc il a un super pouvoir. Ouais, ils sont surpétés. Mais ils sont vraiment surpétés, c'est-à-dire que rien ne peut les toucher, ils sont, c'est limite des divinités sur Terre. Ça fallait le préciser, parce qu'un mec qui veut pas aller, un mec lambda avec voilà. Un arc, ça fait pas peur. Ils défoncent les flèches à coups d'épée et d'arc, ils ont rien à foutre. Okay. Et du coup, bon, bah, effectivement, en face, ils étaient pas jouasses, mais ils se sont bien vengés derrière. Et alors, j'en dis pas plus sur la trame, sauf qu'on va se retrouver confronté avec très vite de la technologie, futuriste, ce qui sera pris pour la sorcellerie, et des dinosaures. Et des dinosaures. Et des dinosaures. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à Ivar un peu. Ah. Ivar Time Walker. De Valiant. Ouais. Ah, et puis aussi, parce que ça c'est très vite spoilé au niveau de la quatrième de couverture, donc je peux en parler, du voyage dans le temps, des trucs comme ça. Voilà, pour ça que ça me fait penser à ça. Voilà, il y a un peu de tout. J'ai trouvé ça très bien dessiné, très bien amené, très agréable à lire. Et il y a du drama. Beaucoup. Ben, tu devrais t'intéresser côté Valiant. Ivar Time Walker, c'est un peu le même genre en fait, c'est un mec qui se balade dans le temps pour aller entre guillemets éviter. Clairement, c'est le Docteur Who de l'univers Valiant. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis il se balade un peu partout. Et c'est un peu le même genre quoi, il va arriver dans. Il est tout nu ! La bande annonce de la prochaine saison. Alors que là, c'est plutôt l'ennemi, tu vois, qui a ce pouvoir là. Et quoi, plus et plus un pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, on va reparler du mec à poil tout à l'heure, c'est la thématique de l'émission. Donc en fait, il tombe sur un mec qui prenne pour un sorcier qui a une sorte de tablette. Oui. Je vais réussir à le dire. Qui a une sorte de tablette holographique et qui balance des pouvoirs par des sortes d'applications, quoi. Eh ben, Apple a bien progressé dans le temps. un des quatre gus, justement, qui s'est affronté les 400 barbares et qui les avait fait flipper, le one-shot. Avec un truc. Ouais, c'est bon. Suivant. L'application mort instantanée ne répond plus. Veuillez regarder cette publicité avant de réutiliser l'application. Merde, j'ai plus de batterie. Donc, c'est une lecture que t'as plutôt bien appréciée. Ouais, plutôt bien appréciée. Alors, c'est quand même du beau pavé. Hein. C'est. Voilà, c'est du bel ouvrage. Du bel ouvrage. C'est un one-shot. Oui, c'est intégral. C'est un one-shot. La conclusion est plutôt classique, mais plutôt bonne. Mais sinon, là, je trouve que la couverture résume bien le truc. C'est le bordel que c'est. Résumé, c'est le bordel. C'est-à-dire que là, t'as les quatre guerriers, t'as une sorte de singularité au-dessus, t'as des glitches, t'as... Mais y'a pas de dinosaures. Y'a pas de dinosaures sur la couverture. Y'a pas de dinosaures sur la couverture, c'est triste. Je crois qu'on les voit, non, même pas. Non, c'est ce que je regardais, non, y'a que des chevaux. Pourquoi ils sont 5 et c'est pourri, les chevaux. Parce qu'en fait, après, ils se baladent quelqu'un. Y'a un phare caché. Non, ils se baladent quelqu'un, à un moment, qui est une personne qui est pas surpétée. Ça aurait été marrant qu'ils baladent avec une altération de même temps, non, oui, tu vois. Peut-être. Genre un plus vieux ou un plus jeune qu'ils auraient rencontré dans un univers alternatif, allez viens. Non, ouais, vous ne devez pas faire ça. Ou un glitch, tu sais, un personnage qui en fait vit dans plusieurs époques en même temps. Du coup, il sait pas trop où il est, où il interagit, quoi. Je pense que ce serait ultra compliqué à mettre en place visuellement. Genre, il donne un coup d'épée dans le vide. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est une autre temporalité, je peux pas vous l'expliquer. Ou alors avec un utilisateur de BlackBerry alors qu'ils sont tous sur iPhone. Je suis fatigué. Là, ça me fait beaucoup penser à Ivar. Oui. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis fatigué. On va pas savoir ce que t'as fait. Non, j'ai vraiment pas beaucoup dormi parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi, ne te fais pas d'idée. T'as trop regardé Westworld. Non, j'ai fini ce matin. Ah. C'est peut-être pour ça que t'as pas beaucoup dormi. Ne pas dormir pour regarder Westworld. Oh, mais ta gueule, toi! Oh là là! Le père au champ, là. Oh là là! Est-ce que c'est un robot? C'est pas un robot. Il y a eu des temps, on est en situation, des fois, je me disais what? Mais comment? Mais quoi? Ouais, voilà, donc moi je conseille, je recommande. Il y a aussi hein, des retournements de situation, on ne s'y attendait pas. Putain, mais. Est-ce qu'on lui pète la gueule là ou est-ce qu'on attend demain? On critique pas plus belle la vie ici, hein? Il y a aussi des films de Robin. Son accent est presque aussi bon que mon accent! Ouais, sauf que elle, c'est un vrai! Et alors? Oui. Donc on est d'accord, un film de Rocco aussi, hein, il y a des retournements. Moi je ne connais pas. Ah oui, bah ça, de... ça, non, ça va faire tourner. Sérieux? Oh merde, un autre sudiste. Bah oui. Ah oui, lui, l'accent c'est mort là maintenant. Sudiste, non, moi c'est bon, de toute façon je vais dire que vous êtes pour les jamais vraiment ça, ou... Oh là là. C'est une dame qui aurait pu faire Hans. Quand je m'énerve, je peux l'avoir l'accent, mais c'est sinon je l'ai jamais vraiment eu. Traître à la patrie. On essaie d'énerver. Non. Et réservez ça pour le bain, les gars. Mais non, il veut pas prendre avec moi, lui. Bah non. Ah non, ouais, déjà, rien. Peut-être parce qu'à chaque fois, t'as avec Issam. Bah oui. Si je te demande tout seul. Ces lunettes, ça me perturbe. C'est vrai que les miennes, ça va par contre. Les SMS de toi que je reçois, ça dit pas ça. Hein. Bah, c'est parce qu'il va pas tes lunettes. Les réponses sont pas mal aussi. Ah ouais. Il y a les auditeurs. Là, on a poubé les gens, là. Bon, on a terminé avec Green Valley. Un titre que tu recommandes? Je recommande chaudement. Eh bien, on va passer au prochain titre. C'est Kissam et Alex qui vont nous en parler. Puisqu'il s'agit de Marion, édité par Komiku, mais qu'on n'a pas, puisqu'ils nous ont juste envoyé le PDF, mais c'est déjà très gentil à eux. Est-ce que je peux chercher l'auteur, du coup, s'il te plaît? Après, précision, le PDF, les pages n'étaient pas dans le bon sens, voilà. Oui, bon, oui, ça, on en a parlé. Ça. Bah, le sens de lecture japonais, voilà. Ouais, mais dans ce cas, tu fais pas démarrer le PDF. Il faut pas scroller tout en bas du PDF et remonter, c'est n'importe quoi. Moi, après, ça m'a pas dérangé, tu vois. Je suis à la dernière page et j'ai remonté. Et... Enfin, je sais pas quelle version tu utilises de truc-là, mais tu peux choisir que ce soit pleine page. Et aller directement à la dernière page. Ouais, après, mais j'ai juste scrollé bêtement et je t'avoue que ça m'a un peu. Ikasayu. J'ai manqué de patience. J'ai manqué de patience. Et... Donc écrit et dessiné par Ikasayu. C'est un peu. Donc Marion, dessiné et écrit. Ah, Ikasayu. J'ai dire. Oui, mais c'est dessiné et écrit. Oui. Voilà. Par Ikasayu. Donc dessiné et écrit par Ikasayu. Par Ikasayu. Une petite série en deux tomes. Donc avec comme personnage principal Marion, une jeune fille... Mais non, Ikasayu. Donc, Ikasayu ou Marion? Il faut choisir. Donc, ouais, une jeune fille qui est orpheline. Ouais. Et qui se retrouve sur Paris, en fait, suite à... un monsieur qui l'avait repéré. Oula! Alors, ouais, je savais pas comment le formuler, mais. En plus, le sous-entendu. Enfin, voilà. Bah oui, c'est pour ça que j'ai cherché la formule dans ma tête, mais non, ça sort pas. Oula! C'est un mec qui la repère en... Oula, il l'entend chanter, bien, ouais. Et lui dit de faire monter dans le music hall. J'ai fait remonter, ouais. Évidemment, elle se retrouve dans un bordel, mais elle arrive à s'échapper. Voilà, c'est ça. Mais donc, finalement, c'est bien ce qu'on voit. Mais elle se retrouve à la rue, à Paris. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une enfant de la rue, en fait, qui... Une enfant de la rue. Qui a constitué un groupe avec d'autres jeunes garçons, et qui devient, en fait, une mère de substitution pour eux, bref. Ah oui, des vraiment très jeunes garçons. Du coup. Ouais, des d'accord. Plus jeunes qu'elle. Et sauf qu'un jour, elle va encore une fois se faire repérer par un autre parisien. Oui. Parce qu'elle chante en train de faire la cuisine. Mais faut qu'elle arrête de chanter, cette dame aussi. Dans son petit coin caché, quoi. Surtout comme il la voit en train de voler des trucs, il se rend compte qu'elle est super agile en plus. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo, ça, je trouve. Et en fait, il s'avère que ce monsieur, c'est un metteur en scène, c'est ça ? Oui. J'utilise le bon terme. Qui recherche une actrice pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours. Voilà. Et donc du coup, on va la suivre dans cette histoire où elle va devoir apprendre un peu toutes les ficelles du métier. Sauf que en parallèle, on se rend compte que elle va être plus ou moins utilisée pour des fins plutôt mauvaise, on va dire. Alors, sachant qu'il y a un... J'allais dire obscur, mais ça va être encore détourné. Sachant qu'il y a un truc que t'es obligé de préciser. Ça se passe à quelle époque? C'est en 40. C'est juste avant qu'on arrive. Oui, parce qu'il y a... Ouais. C'est en 40, ouais. La petite Fräulein, on s'en occupera bien. Oh putain. Donc en fait, elle va être... Elle viendra danser le blitz avec nous. En gros, elle va être utilisée pour jouer sur scène pendant que... Enfin, le. Comment dire le. C'est pas un festival, je suis con, c'est. Festival. Là où elle va chanter, ça s'appelle. Hein. Le cabaret. Un cabaret. Ouais, un cabaret, ouais. En fait, le cabaret va servir de couverture pour faire du marché noir, quoi. Non. D'armes, etc., des trafiquants, etc. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est quand qu'elle intervient et qu'elle s'aille où? Donc voilà, pour l'instant, c'était. Est-ce que c'est bien, ouais, tout ça. Est-ce que c'est bien? Moi, ça m'a pas transcendé, mais c'est sympa. Alors, c'est beau déjà. Mm-hmm. Ouais. C'est super très, beau. Très ouais. Propre. Plein de détails. Le design des personnages est vraiment cool, je trouve. L'histoire est bien. Après, c'est pas moi, cliché, ça m'a pas transcendé. Même question que pour Arcanum, là, c'est en 2 tomes. Est-ce que ça peut se tenir en 2 tomes ou est-ce que ça risque d'être bâclé? Moi, je pense que ça peut se tenir. Ouais. Ça peut se tenir, mais après, il n'y aura pas vraiment de fin, je pense. Bah, je pense que ça se finira relativement mal, ne serait-ce que par l'époque, on le sait. Oui. Non, on est déjà spoilé. On est spoilé par les livres d'histoire. On est déjà spoilé. C'est entretenu tout au long du tome. On a souvent, à la fin des chapitres, t'as une page qui nous résume l'avancée de l'armée, l'armée allemande. Donc tu sais qu'elle s'approche. Nos profs d'histoire nous ont spoilé. À la fin, je crois, ils sont pas loin de Paris. Ouais, les loups vont entrer dans Paris. À la fin du tome 1. Oui. Donc ça va sûrement se terminer là, quoi. Ouais, voilà, je pense que ça va se terminer. On a vu, ça va se terminer dramatiquement. Ah, ou disons que ça va se terminer sur une fin relativement ouverte. Ouais. C'est clair qu'elle va pas libérer Paris, elle, toute seule, quoi. Non, je pense pas. Ou sinon, elle va prendre du temps, parce que... Pour le dire, surtout. Faut aussi faire danser les fans sur le bien. Mais c'est vrai qu'un format de 2 tomes sur un côté historique comme ça, c'est pas terrible, je trouve. Ouais. Parce que ça, au final, ça n'a aucun impact, je pense. Non, j'imagine le truc qui commence en historique et qui finit en hentai. Voilà, ce qui s'est passé. Ouais. Moi, je pense que ça aura pas vraiment d'impact, quoi. C'est possible. Après, moi, j'ai trouvé ça agréable à lire. Hein. C'est le truc. Oui, pour ceux qui veulent des trucs un peu historiques. C'est très ça pourrait être cool. Très sérieux. Ça, c'est la fin en taille. Mais... Ça peut être fini le téléporteur là. Ouais. En fait, ça peut être bien de se dire ah ouais, ça se passait comme ça aussi à l'époque, quoi. Mais après, un peu aux F, quoi. Ça t'a pas transcendé, quoi. Non. Bah, toi non plus, remarque. Non, moi non plus. Après, mais, voilà, c'est... Comme tu disais en off, par contre, il n'y a pas vraiment de clichés parisiens grossiers, comme on peut voir souvent. Ouais, le seul qu'il y a vraiment, je trouve, c'est le fait qu'elle soit toute admirative. On se retrouve dans une chambre avec vue sur la Tour Eiffel, mais ça, c'est crédible, étant donné qu'elle vient de la campagne. Ouais, il n'y a pas de personnage qui se retrouve à Paris. Il n'y a pas de personnage qui se retrouve à Edith Piaf. En 1940, tu sais. Ah, il y en a bien dans le soldat d'Ariane. Ah, la vache, c'est ouais. Chante Edith Piaf. Ah ouais, dans le soldat rien, à un moment, oui. Ah, qui chante quoi hein? Je me souviens plus, mais il y en a un moment. T'es sûr? Ah ouais, j'en suis sûr, oui. Ah, oui, j'en suis sûr, oui. Enfin, ça elle a peut-être commencé sa carrière tôt, mais... Ça m'avait perturbé. Bon, bref. Faudrait vérifier, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient laissé une incohérence comme ça dans le soldat rien. Elle a peut-être commencé sa carrière plus tôt que je ne le croyais. Est-ce qu'on en a terminé avec Marion? Oui. Oui. Rien d'autre à ajouter? Ça peut être sympa, mais... C'est votre c'est dernier pas... mot? Bah déjà, c'est joli, quoi. Rien ouais, ça, oui, ça c'est super joli, ouais, je suis d'accord. Enfin, après, des mangas type historique joli, il y en a d'autres qui valent vraiment le coup, genre Arte, la vraie story, la reine d'Egypte, voilà, il y en a plein qui valent vraiment le coup. Alors que là, vu que vous êtes un petit peu en mode mouerf... Ouais. Voilà. La reine d'Egypte? Ouais. Ah oui, la reine d'Egypte, c'est bien. C'est cool, ça a l'air vraiment sympa. Ah, c'est vraiment bien, la reine d'Egypte. D'accord. Donc voilà, il y en a plein. Enfin, on est dans une période où le manga historique, avec des personnages féminins forts en personnages principaux, il y en a beaucoup. Et de très bonne qualité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment recommander Marion? Bah, du coup, non, face aux autres. Moi, c'est vraiment le nombre de volumes qui me laisse dubitatif. Ouais, parce qu'il y en a que deux. Parce que deux tomes, pour faire un truc historique, c'est un peu court, quoi. Est-ce que tu peux pas vraiment développer l'époque Ça fait un peu tranche de vie en deux tomes, quoi, en fait. Après, Arte, il faut s'intéresser à l'histoire de la télévision, quoi. Puis il faut savoir lire l'allemand aussi. Quoi? Il faut savoir lire l'allemand. Pourquoi? Parce que... Oh là là! Bah, Arte, ils ont... Ah oui, tu comprends, tu continues. Bah oui. Allez, allez, continue. Voilà, allez. Tu suis pas. Moi, je suis fatigué. Ça fait. Ouais, c'est plus d'avant quand même. Qui est sorti. Oh, mais tais-toi. Ça a l'air vachement bien. Tais-toi. On est où là? On est sur Casse sur Table ou on est sur Garde Éclat? Pour une fois que je parle d'une série, tu pourrais mettre en valeur. Du coup, l'éditeur, c'était qui, pardon? De quoi? Pas souvent que je m'intéresse à parler de Komiku. Bah, merci Komiku de nous avoir envoyé le... Et puis du coup, chez Komiku, t'as Arte. Ouais. Bah, merci Komiku de nous avoir envoyé le... Oui, le PDF. Le PDF. Je crois qu'ils comparent pas un peu les deux, mais ils... Enfin, ils essaient pas de vendre leur pub ensemble. Hein. C'est possible. Il y avait peut-être de la pub, je sais plus. Non, sinon, bah donc, vous recommandez quand même Bah... Voilà. Recommandez Moldbank, voilà. Voilà. Si on est curieux, pourquoi pas? Après, c'est ça. Si on est curieux. Le fait que ce soit que deux tomes, c'est aussi un peu un avantage. Vous pouvez vous y lancer sans que ce soit un gros investissement. Du coup, mieux peut-être attendre la sortie des deux tomes pour avoir un avis global de plusieurs personnes. Ouais, voilà. Putain, on est tous tristes d'un coup. Vous savez pas tristes, les gens. Soyez pas triste, on va passer à autre chose, on va parler d'Apocalyptic Girl. Ouais! Y'a que Alex autour de la table qui l'a pas lu. Ah bouh! Y'a que Issam autour de la table qui trouve ça Osef. Bouh! Osef? Ouais, non, je vais pas. C'est juste que c'est bien, mais. Est-ce que tu veux que je sorte mon téléphone pour regarder Twitter, la conversation qu'on a eue ensemble? Non, mais c'est jamais, Osef. J'ai été un peu dur. C'est Osef Plus, on va dire. Osef Plus! Mais moi je voulais le lire, mais on n'a pas pu se coordonner. Ça se suit agréablement. Non, c'est pas grave. Mais. Voilà. Bon, pour la faire simple, fin du monde, apocalypse, il y a une meuf qui est sur la Terre et elle botte des culs. Voilà! Et c'est l'un des seuls personnages non mutants qu'on voit, je crois. Et elle a un chat. Et elle a un chat. Elle a un chat. Qui a tendance à se barrer. Comment déjà le chat? Réglisse? Réglisse, ouais, je crois, c'est ça. Ouais, Réglisse. Réglisse. Chat qui est toujours rendez-vous au même endroit. Même pour un chat, je l'ai trouvé vachement intelligent. Ah ouais, il est pas con. Hein. Je me bats et puis j'attends ici parce que je sais qu'elle va passer. Ouais, okay, parce que presque plus le comportement d'un chien, tu sais, à la suivre, à rentrer dans son sac quand il faut déguerpir vite et tout. Ah, c'est pour ça qu'Issam n'a pas aimé. Alors qu'un vrai chat, c'est va te faire foutre. Non, un vrai chat, c'est genre je cours et. En fait, ça fait 3 jours que je suis pas revenu alors. Tu m'as assez bien pourquoi je trouve ça bien, mais pas plus. C'est une meuf dans un monde apocalyptique qui botte des culs. Et ça va pas plus loin. Oh, comment il dit ça, une meuf? Non, mais c'est ça, c'est rigolo, c'est sympa, c'est plus graphiquement, c'est assez original. Oui. Mais ça va pas plus loin que. Après, c'est à peu de choses près le même pitch que Balade dans les étoiles que t'as adoré en manga. C'est deux meufs qui fuient et qui bottent des culs. Ouais, mais Balade vers les étoiles, je trouve qu'il y avait un sous-texte pas mal plus profond derrière. Tandis que là, j'en ai pas senti vraiment le sous-texte. Mm-hmm. Il y a aussi tout le côté qu'elle est seule et ça fait un moment qu'elle est là. Et je pense qu'il y a le personnage qui se développe aussi pas mal comme ça. Il y a des vrais moments où ça joue sur la solitude du personnage et c'est bien amené. D'ailleurs, elle pète un coup. Ça, ça aurait mérité un peu plus de place pour se développer. Parce que ça, honnêtement, je l'ai lu en 20 minutes. Je crois me rappeler. La solitude, je l'ai jamais ressentie. Je crois me rappeler qu'elle parle à elle toute seule. Surtout elle communique avec Riglis, elle communique avec son chat, et j'ai trouvé que c'était beaucoup... Justement, quand t'es très seule, finalement, tu te tournes vers un dialogue un peu différent, tu vois, genre communiquer avec un objet, comme on peut le voir dans... Ou un chat, un animal, enfin... T'as un moment de panique aussi, où le chat sait pas où elle est, du coup elle est paniquée. C'est ça. Un voyage au travers de la solitude, je pense aussi. Un détail important, je crois qu'elle était partie pour une mission de 3 mois ou un truc comme ça, et que ça fait 6 ans qu'elle est là. C'est ça, exactement. En mode survie totale. D'où l'aspect solitude du personnage. Effectivement, elle est assez violente. Alex a des réactions en feuilletant la violence du personnage. Elle est badass, c'est cool. Et donc, il y a des mutants, enfin, il y a des sortes d'humains qui sont redevenus un peu des sortes de barbares. Oui, parce qu'on n'en sait pas tellement sur l'apocalypse qui est venu. La nuit, il y a des mutants bizarres qui prennent leur place. Des sortes d'hommes poissons. C'est sanglant. Les grisbarbes. Oui, c'est les grisbarbes, mais ils sont plus vraiment humains déjà. Ouais, je sais pas. Et puis elle répare un robot. À chaque fois, elle change des pièces, et puis le truc, finalement... Un robot qui a l'air d'être là depuis très longtemps. Ouais. Qui a un aspect très fossilisé. Mais qui est sans doute un vestige de la Grande Guerre qui a mené à l'apocalypse. Alors, graphiquement, ça ne plaira pas à tout le monde. Oui. C'est un style très particulier. Des fois, c'est pas entièrement maîtrisé, mais dans l'ensemble, c'est cool, quand même. Je me suis posé la question aussi si par un moment elle était vraiment humaine, parce que quand elle pique justement des espèces de crises de colère ou de panique, il y a son visage qui change et qui devient presque félin avec les yeux jaunes et tout ça, et donc du coup je me suis posé la question de savoir si déjà elle dit qu'elle est pas native de cette planète là et même si du coup ce serait pas autre chose qu'une humaine. C'est la planète Terre ou pas, ce genre de passage là je pense que d'un seul coup Je pense que c'est volontaire, étant donné qu'il y a eu des milliers d'années d'évolution, elle est peut-être humaine, mais l'humain a évolué. Non, c'est ça. Et voilà, je trouvais que c'est le genre de petits détails qu'il y a tout au long de la BD qui peut être sympa aussi. Mais voilà, elle communique bien avec une sorte d'alter qui est dans sa tête, quoi. Un truc... C'est un peu comme quand t'es tout seul et que t'as un fil de pensée, tu vois. Voilà, ça m'a pas paru... C'est sa conscience. Ça a mal tourné. Il est plus tout seul. Il se manifeste vraiment. D'ailleurs, je ne suis pas encore intervenu, non. Oh merde. Je tiens à préciser que je suis enchanté et ravi d'avoir été renouvelé. D'être dans cette saison 2, saison 7 maintenant, rappelons-nous, les grands auteurs qui ont proposé des suites à leur chef-d'œuvre, ça fait penser la comédie humaine. Il est parti. On l'a déjà dit la dernière fois que c'était pas France Inter ici. On m'interrompt. Non, France Culture. France Culture. Non, mais c'est après. On n'est pas sûr. Ah, ça va être toi aussi, tu t'y mets. C'est vrai qu'ils font des longues pauses un peu comme ça. Ça. Donc, Apocalypse Girl. Oui. C'est très bien. C'est très très bien. Très bien, ouais, voilà. C'est sympa. Voilà, sympa. Et t'as feuilleté et t'as trouvé ça sympa. Ah, oui, moi je compte me l'acheter de toute façon. C'est bien. Ouais. Enfin, sauf si tu me le donnes, parce que non, il n'a pas été envoyé par les éditeurs, celui-là. Il a avec mes sous. Donc non. Non. Et donc on va rester chez Paperback. Paperback, justement, on n'avait pas mentionné. On va rester chez Paperback et on va parler maintenant de Magnus, que tout le monde a lu sauf Céline. Et comme oui. Ça au moins c'est chacun son tour. Ah tiens, Porta, toi qui veux en parler. Magnus. Écrit par. Oh non, ça tient tout ça que t'as ajouté. Ah oui, tiens, cool. Par Forger Fornes et dessiné par Kyle Higgins. Le très talentueux Kyle Higgins. Oui. Enfin, tous d'accord sur ce point-là. Visuellement, c'est magnifique. Oui. Oui. Niveau intrigue, on suit. Comment il s'appelle ? Bah, Magnus. Kerry Magnus, tout simplement, qui est psychologue pour robots, enfin, psychologue 2.0. 2.0 pour intelligence artificielle. Ouais. Et qui va être mêlé à une sombre histoire. À un début de révolte des machines. Ouais, c'est le classique, quoi. C'est... Je voulais pas aller jusque-là, mais oui, un début de révolte pour les machines, à un complot qui mène à ça, globalement. Enfin, en fait, tu l'as dit, en fait. Tu détailles un peu l'univers pour. Il y a eu un meurtre très futuriste où vraiment les machines ont pris une part très importante dans la vie de l'humanité, tout simplement, puisque on s'en sert plus ou moins comme esclave, enfin, même plus que moins. Pour faire toutes les tâches ménagères, ce genre de choses. Et du coup, pour éviter qu'elles se révoltent, en fait, on a créé, accordé 4 heures par jour, elles ont le droit d'aller dans un univers réservé à elles, où elles peuvent être libres. Ça permet de contenir leur envie de révolte. Oui, parce qu'elles ne sont pas jugées, elles sont entre elles, voilà. Ouais. Et ça arrive des fois qu'effectivement, une IA maltraitée décide de ne pas revenir. Parce qu'on est dans un univers où est très ségrégationniste envers les machines, tout simplement. C'est vraiment une critique de ça, tout simplement. En fait, Alex a mis le point dessus très très vite. En fait, l'histoire est très classique. C'est une histoire qu'on a déjà vue mille et mille fois, mais elle est quand même bien maîtrisée. Même le début de l'intrigue est très classique. En fait, c'est ça tout partir d'un meurtre de la part d'un robot contre un humain, mais un humain assez célèbre, qui est à l'origine, je crois, justement, de tout ce qui est autour de l'IA, leur confort, la création des robots, etc. Et donc, ça va être le début de la révolte, comme a dit Necro tout à l'heure, des... La ségrégation, puis la révolte. Ouais, des intelligences artificielles. Mmh. Mais aussi, chose intéressante, c'est que même les chiens robots, comme on a déjà, nous, en jouet connecté... Les petits chiens Sony. Eh ben, ont une âme, au même titre, qui n'a pas plus ou moins de valeur que l'âme d'un robot humanoïde qui, lui, a l'air beaucoup plus perfectionné. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont dans le nuage, c'est les mêmes... C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'apparence qu'ils volent en même temps. Si je me souviens bien, ils peuvent choisir de se modéliser comme ils veulent. Ils peuvent choisir leur apparence. Ouais. Et du coup, elle, quand elle communique avec les robots, elle communique dans une zone réservée où elle va les chercher dans le cloud. Enfin, dans le... Sachant qu'elle est une des très rares à pouvoir entrer dans cette zone. Voilà. Sans, une des très rares humaines. Une des très rares sans péter les plombs, je crois que c'était ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, un esprit humain n'est pas conçu pour se connecter à ça. Tu peux y aller un petit peu, mais pas trois plombs, quoi. Voilà. Mais clairement, le dessin serait pas aussi bien maîtrisé. Mais ce serait beaucoup moins d'impact. Oui, bien sûr. Ouais. L'histoire, enfin, le comics doit beaucoup à son dessin. C'est vrai que c'est magnifique. C'est la plus grande qualité parce qu'en effet, l'histoire, elle apporte pas grand chose à ces thématiques-là. Quoi. C'est ça. Ce qu'elle dit a déjà été traité. J'aime bien quand même le côté du cloud dans lequel on peut interagir en tant qu'humain. Tu vois. Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant quand même. Mais encore une fois, je crois que ça commence à être pas mal traité. Ouais. Oui, je pense que c'est pas. Internet, en fait. C'est pas du nouveau, c'est sûr. Mm. Ah, et puis sinon, le cloud en lui-même, l'apparence, c'est vraiment grossité futuriste, comme on l'a vu dans beaucoup de trucs. Le nuage, encore une fois, chacun en fait ce qu'il veut, donc c'est précisé à un moment, il y a différents quartiers dedans qui sont construits selon les envies de chacun. Je crois qu'à un moment, elle parle du quartier cubiste, qu'elle a fait par des robots qui ont vu les œuvres. Voilà, ça, limite, j'aurais aimé qu'on passe plus de temps à voir les décors du nuage, parce que c'est vachement intéressant comme concept. Et c'est tellement bien dessiné qu'on aurait aimé plus visiter. En fait, c'est un peu Second Life. Hein. Ouais, mais malheureusement. Les IA ont construit ça. Ouais. Malheureusement, ça aurait été incohérent avec l'intrigue. Elle a pas le temps en fait, de faire ça. Quoi. On est d'accord, mais. C'est à la limite, ça mériterait une suite dans le même univers. Il y a largement moyen en plus. Ouais, bien sûr. La fin est plutôt ouverte. Hein, ouais. Sans trop en dire. Tu peux faire une suite, clairement. Clairement. Mais il y avait déjà eu un titre Magnus à l'époque, en comics. Ouais. Et je ne l'ai pas lu, mais c'est juste que ça a déjà existé. Donc je ne sais pas si c'est un reboot ou si ce qu'on voit de son passé, c'est un rapport avec l'ancienne série. J'en sais rien. Faudrait qu'on s'y intéresse. Encore une fois, on sent qu'on a fait une recherche. Et on a un podcast de professionnels, voyons. Bien bossé. On peut pas te lire, hein. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un titre qu'on recommande clairement tous les quatre. Ouais. Ouais. Bah surtout pour l'édition et le tarif que ça... Oui, là, 16 euros. C'est vraiment la collection Paperback. C'est vraiment du très bon travail qu'ils font à chaque fois. Un très bon éditeur. Pour l'instant, ils sortent vraiment des bons titres. Pour moi, leur meilleur, ça reste Autant des Reptiles, pour l'instant. Apocalyptic Girl, sinon, est à 14. Ouais. C'était bien chouette. Mais jusque-là, on a lu des trucs assez cool hein, avec eux. Donc, jusque-là... Parfois, il n'y a rien à acheter, quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Bonne collection. C'est pour dire, pour moi, celui que je considère comme l'un moins bien, c'est Apocalyptic Girl, et c'est pas mauvais. Et parce que t'es un connard. Aussi. Ça, on l'avait pas dit, mais effectivement. Si c'était un autre, le moins bien, vous auriez réagi exactement pareil. Je pense que j'ai mis le doigt sur un point essentiel de ce podcast. Pas con. Issam est un connard. Pas con, ça. Non, mais ça, ils s'en sont rendu compte depuis longtemps, mais bon. Justement, il faut un connard dans les podcasts. Enfin, le rôle le plus important. Au bout d'un moment, t'en viens à ce que Hans devient plus sympathique, quoi. C'est quand même problématique, merde. Ça, il faut peut-être que vous preniez, que vous remettiez vos a priori en question. Si ça se trouve. Si ça se trouve quoi? Il a peut-être un peu raison. Oh putain. Bon, allez, passons au prochain. Au prochain. Alors, de quoi on parle? De quoi qu'on parle après? Ah, mais nous allons parler de Beer Fighter. De quoi qu'on parle? Le comics du mois. Shirtless. Beer Fighter. C'est vraiment un gros coup de cœur pour toi. Bon, bah, c'est pareil pour Alex. Hein. Donc Beer Fighter, c'est les combats aussi, de la bière, c'est ça? Non, pas du tout. On suit Cogner, parce que c'est son nom. Un mec qui a été élevé façon Mowgli par des loups, lui, pas par des ours. Et qui a développé une force herculéenne assez rapidement. Putain, c'est résumé quoi. Ouais. Comment tu veux résumer ce comics? Qui. A l'habitude de se balader à poil. Qui, suite à un léger accident, s'embrouille avec Frère Ours, son frère, et qui en vient du coup à botter le cul à tous les autres ours de la forêt, y compris Maman Ours et Papa Ours. Oh non! Qui l'ont élevé! Et voilà. Et qui est en lutte contre un grand industriel du papier cul qui s'appelle déforester. Qui s'appelle Bûcheron. Qui veut déforester. Il s'appelle Bûcheron. J'aime bien les personnages qui sont définis. Leur nom, c'est. Voilà, c'est. Ah, lui, il est là. Peut-être faudrait que je ressorte mes volumes vélo pour voir. On est trois autour de la table à l'avoir lu. Issam et moi, on l'a lu en VF pour la sortie d'e-comics. D'ailleurs, on remercie e-comics pour l'envoi. Et Alex l'a lu en VO pendant sa publication chez. C'était Image Comics. Ouais, c'était l'Image à l'époque. Il se la pète, oui, je lis de la VO, je parle anglais, moi je suis bilingue. Ça va, toi aussi t'en lis. Numéo. Et du coup, je pense qu'on peut tous les trois dire que c'est un putain de coup de cœur. C'est totalement barjo, c'est sans prise de tête. C'est. Il y a plein de beer punch de ouf, tout le temps. Ouais, c'est simple, chaque numéro tu rigoles, c'est tout le temps. C'est ça. Le personnage se balade à poil pendant tout le premier numéro. Sachant que vu le floutage, il a l'air très très bien gâté par la nature, quand même. C'est ça. Mais non, enfin, tous les personnages sont complètement barjots. J'aime bien aussi le militaire qui a fait tous les conflits du XXe siècle. Le militaire du XXe siècle, à un moment, il te dit qu'il a fait la guerre de sécession, s'il te plaît. Oui, en effet. À un moment, il te dit oui, la guerre du Vietnam, et trois pas après, ouais, la guerre de sécession. Quoi? Mais comment ça se peut? Et puis le fameux Cogneur qui normalement est jamais censé être sorti de la forêt et il l'a aidé pendant la guerre du Vietnam. Je me dis, merde, normalement t'es jamais sorti de ta forêt. Et puis le Cogneur, pour donner un exemple de l'humour du truc, il y a une scène, il est capturé par ses ennemis. Elle est extraordinaire. Et en fait, il est attaché avec du PQ à une chaise. Il peut pas se détacher. Mais le problème, c'est pas le PQ, c'est qu'on lui a mis un t-shirt. Et quand il a un t-shirt, il perd toute sa force. Il est obligé de se balader torse nu, voire à poil, pour pouvoir être efficace. C'est tellement stupide, quoi. Et puis il est payé en pancakes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne mange que des pancakes, sirop d'érable. C'est totalement barbeau. Et il s'énerve quand on dit que c'est des crêpes. Ah bah en fait, c'est que les ours dont ils se débarrassent en leur mettant les missiles dans la gueule. en fait, c'est des Wolverines. Oui, parce que du coup, Bûcheron, pour le faire fuir de la forêt, envoie des ours ultra vénères dans plein de grandes villes américaines. Mmh. Comme ça, lui, il sort de la forêt, comme ça, Bûcheron peut déforester. Il y a même un panda. Oui, bah, il y a des pandas pendant la... Oui, sachant qu'ils ont l'air de pas se rendre... C'est comme ça qu'ils rencontrent le militaire, hein. C'est sauf d'un panda. C'est ça, pendant la guerre du Vietnam. Et après, il y a un personnage qui fait, mais il y a panda au Vietnam. Il y en avait. Il y en a plus depuis que j'y suis allé. C'est totalement con. D'ailleurs, je trouve qu'on s'attache pas mal à la fille militaire, parce que c'est un peu celle qui a la position de l'éditeur, c'est-à-dire pendant tout le long, dès qu'il se passe un truc, elle se demande mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est une mini-série en 5 épisodes, donc là il y a l'intégralité du bouquin. La fin se tient, ça n'appelle pas une suite. Ça n'appelle pas une suite. Et donc c'est une fusion entre Wolverine et Chuck Norris. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. C'est totalement barjo. C'est du what the fuck, mais ultra maîtrisé en fait. Oui, parce qu'en fait, à la lecture, tu te dis mais what? Et en fait, dans l'univers, tout est cohérent. C'est ça. Dans son univers, tout est cohérent. Il y a une dimension un peu dramatique autour de. Très écologique. Déjà très écologique. Puis même au niveau des enjeux du personnage, avec son ancienne compagne, dont on apprend vite qu'elle est morte, tuée par les ours. Ils ont des renforts. Pour les renforts. Et puis le robot chiotte. Ah oui, le robot. Il suffit qu'il y ait un destructible, mais il suffit de tirer la chasse d'eau pour virer le mec. Non, mais voilà, depuis tout à l'heure, vous utilisez les termes de traduction qui ont été mis dans le bouquin, et moi je voulais faire une mention spéciale là-dessus, c'est que la traduction, elle est super ordinaire. Ouais. C'est un travail de ouf, quoi. Est-ce qu'on l'a dit d'ailleurs que le fameux bûcheron il a une usine de papier toilette? Oui, en fait c'est pour, c'est pour ça qu'il défonce la forêt. Sachant qu'en plus quand tu vois, il y a des passages où tu vois les rouleaux de papier toilette, tu ne comprends pas l'utilité parce que c'est des rouleaux géants. Oui. c'est tellement stupide quoi. Sachant en plus à un moment tu vois une pub justement pour le rouleau, c'est ne vous torchez pas comme un ours, c'est un ours en train de se frotter à un arbre. Ouais. C'est extraordinaire. Voilà ce qu'on peut dire de Shirtless Beer Fighter. Du coup, est-ce que le héros se frotte à des arbres pour se torcher? La thématique n'est pas traitée. Non, c'est pas ce que fait le héros. On sait qu'il pêche le saumon comme les ours. Directement dans la gueule. Et c'est tout ce qu'on sait. Bon, l'un des comics du mois, elle est d'accord? Ah bah bien sûr. C'est vraiment sauter dessus, celui-là. Alors, ça n'a pas la même profondeur que Motor Girl, mais. Bon, c'est pas le but, hein. Non, c'est clairement pas le but. C'est un bon gros délire. Faut vraiment pas le rater, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est... Foncez dessus. Puis apparemment, sur Twitter, Sullivan avait parlé d'une édition collector, mais j'en sais pas plus. Donc j'attends. Le mec avait déjà sa barbe quand il était bébé, ça, je trouve ça génial aussi. On passe à la suite. Ouais. On passe à la suite. Et de toute façon, on en a bientôt terminé. Il nous reste deux titres à traiter. Nous allons parler de Signal 100, lu par Issam, Nécro et moi-même. Et feuilleté par Sally à l'instant. Oui, du coup. Et par Alex à tout début. Ouais, j'ai feuilleté moi aussi. Ouais. Même genre que toi, Nécro, t'as beaucoup apprécié. Donc vas-y, fais-toi plaisir sur un résumé. Donc Signal 100, c'est l'histoire d'une classe absolument catastrophique. Au niveau des résultats et au niveau des comportements. Oui, une classe de gros délinquants. Voilà. Dont le professeur principal se retrouve avec donc le directeur de l'établissement qui lui pose un ultimatum, qui lui dit, maintenant, vous avez un passif de scientifique dans les études psychologiques et tout ça, vous utilisez tous les moyens qui vous sont donnés. Vous avez carte blanche pour redresser la situation, mais si vous ne le faites pas, vous êtes viré. En gros, c'est ça. Il a un peu trop utilisé sa carte blanche. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il il décide de forcer les élèves à venir à un cours. Donc, comment il force? Il leur propose 10 000 yens pour venir à un cours, une heure. Et quand les élèves arrivent, le prof n'est pas là, les lumières s'éteignent, et là, ils se retrouvent à entendre un son strident. Ils se prennent plein d'images dans la gueule, et quand ils se réveillent, le prof leur dit que de toute façon, il crache sous son fiel et il décide de se suicider. En leur laissant, en fait, des signaux dans la tête qui font que si jamais ils ne respectent pas une des 100 règles qui sont implantées en eux, sans leur dire qu'ils sont les 100 règles. Ils ne connaissent pas les règles. C'est pas drôle, sinon. Une des règles, c'était ne pas s'attaquer au professeur. Du coup, il y en a un qui, effectivement, au début, s'en prend au professeur et qui se retrouve à s'encastrer tout seul la gueule dans le mur à côté du tableau. C'est la violence envers autrui en général, je crois. C'est s'attaquer à quelqu'un, être violent envers quelqu'un. Non, là, c'était non, c'est juste le prof. Ouais, là, c'était le prof. D'accord. Juste le prof. Tu peux t'en prendre à ton camarade, ça passe. D'accord. Et donc, du coup, ils se retrouvent à devoir déjà savoir quelle est leur limite d'action, les élèves. Parce que, si ça se trouve, aller manger, par exemple, peut être un signal pour mourir. Et bah, y a surtout un élève, d'ailleurs, qui va poser problème dans ce truc-là, c'est qu'il y en a un qui va en jouer ouvertement pour continuer d'être un connard comme il était avant et manipuler les autres de façon à lui survivre, mais que les autres disparaissent. Mmh. On est en phase d'un survival game assez classique hein, dans son déroulé, quand même. Oui. Ouais. Mais je trouve le principe intéressant. Ouais, moi aussi. Bah, surtout le fait de découvrir des fois des règles en mode random, c'est « Ah merde, celle-là, on la connaissait pas !» Oui. Bah, moi, c'est pas du tout mon style de récit, donc ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Mais moi, je reconnais que c'est bien rythmé, le dessin est classique. Mais... Ce que je trouve casse-couille, c'est qu'il y ait 100 règles, quoi. Pourquoi ils en ont mis 100 ? Parce que ça fait vendre. Ah. Comme ça, tu peux faire un... Au moins, tu fais 15 tomes, quoi. Non, c'est terminé en 4 tomes. À mon avis, c'est pertinent, le fait qu'il y ait 100 règles, parce que vu qu'il ne leur dit pas les règles, en fait, il les met au milieu d'un terrain miné. Mmh. Tout devient potentiellement une règle. C'est ça qui... S'il y avait qu'une dizaine de règles, il n'y aurait pas cette paranoïa. Ouais, mais après, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs chapitres où on va découvrir peut-être, je dis un chiffre au pif, 4 règles par chapitre. Ah bah, typiquement, le premier tome, c'est ça. Enfin, si ça fait tout le temps ça, c'est un peu... Le premier tome, c'est quasiment une règle par chapitre, quoi. En fait, il y a les élèves en connaissent beaucoup plus d'un coup. Oui, d'un coup, oui. Je trouve que c'est utilisé comme un thème, justement. C'est la connaissance des règles devient un outil de pouvoir. Oui. Et justement, il y a les élèves connards qui décident de se faire son coup et de tenir les autres en joue par rapport aux règles qu'il aura en sa possession. C'est en 4 tomes. Oui, c'est en 4 tomes. Parce qu'il y a des règles totalement random, en fait, dans le tas. C'est là que c'est intéressant. Une règle, un trébuchet est tombé. Bah, c'est ouais. D'ailleurs, à un moment, il y a un personnage qui trébuche et qui tombe et il meurt pas. Hein. Moi, je voudrais. À un moment, il y en a un, il trébuche, il tombe et il meurt pas. À quel moment? Bah, à un moment, dans le tome, je te montrerai plus tard. C'est parce qu'il a pas trébuché, il est tombé volontairement. Non, parce que genre, il y a quelqu'un qui le pousse légèrement et il trébuche et il tombe, mais il meurt pas, quoi. Et du coup, je me suis dit. Tu me perturbes. Sinon, il y a une règle aussi. J'aime pas quand une œuvre impose des règles et ne les respecte pas. Il y a une règle là, par exemple. Il y a une règle qui n'a pas d'importance scénaristique, donc je peux la dire. Par exemple, c'est simplement éclater de rire. Éclater de rire, normalement, ben, tu te suicides juste après. Tout à fait. Une scénarité sur chance. Éclater de rire à une blague d'Issam. Tu mets fin à tes joues. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais normalement, personne ne verra. C'est un survival game en 4 tomes qui peut être super bien. Alors surtout qu'en plus, alors là une incohérence, mais que je trouve sympa, parce que pour moi ça fait partie des délires qu'on peut retrouver des fois dans certains films japonais, le fait que l'administration réagit à peine. C'est-à-dire qu'il y a les élèves, ils sont morts dans une classe, tout le monde le sait, et il y a les élèves qui font non mais ça va. Oui bah ça... Tout va bien. Ça, c'est très exagéré, là, mais c'est très en rapport avec tout le rapport à Hijime au Japon. Oui. Mais du coup, effectivement, j'ai déjà retrouvé ça dans les films japonais où c'était... non, c'est normal. Bah, il y avait eu le cas au Japon d'une élève qui s'était suicidée, enfin, le dernier élève, je sais plus, qui s'était suicidée suite à l'Hijime, à du harcèlement scolaire. Et en fait, les parents de l'élève avaient demandé à voir les rapports qui avaient été faits par l'école là-dessus. Et en fait, le directeur de l'école avait accepté de leur montrer les rapports, mais seulement s'ils signaient un contrat de confidentialité pour pas que la réputation de l'école prenne derrière. Donc, là, c'est très exagéré, mais c'est un rapport à la discrétion qui existe. Ils veulent pas faire de vagues, ça les arrange bien, en fait, limite que les élèves disent rien. Non, parce que justement... Ah oui, chose importante, une règle quand même qu'on va dire... Parler de ce qui s'est passé à l'extérieur, à quelqu'un de l'extérieur, ouais. Extérieur à la classe, fait que c'est aussi une condition de suicide. Voilà, comme ça au moins ils sont bien isolés. Non, mais ça encore à la limite, je trouve que c'est normal, ça fasse partie des règles fondamentales. Bah, oui. C'est un peu le but du jeu, donc c'est pas. Mais c'est pour ça qu'ils n'en parlent à personne, quoi. C'est, si jamais on leur pose la question, bah, du coup ils sont obligés de fermer leur gueule et de raconter de la merde, mais voilà. Donc, moi j'ai trouvé ça sympa. Ouais, moi j'ai passé un vraiment bon moment à lire. Donc, édition. Donc, on est dans les éditions Borderline de Delcourt-Tonkam. Merci à eux d'ailleurs. Borderline. Oui. Ouais, c'est, ah, c'est, marrant, c'est dans okay. les Borderline. Okay, merci, okay. merci d'accord. On a mentionné l'auteur. Eux et l'auteur. Ah non, je... On l'a oublié. Oh, pardon. Alors, scénario. Pardon, monsieur. Arata. Pardon si vous nous écoutez. Alors, Arata Miyazuki au scénario. Et Shigure Kondo au dessin. L'ami Shigure. Bon, terminons ce podcast. Enfin, avant la recommandation. Oh oui, on oh va, oui. On va parler. Bah, déjà, vu que ça, ça fait partie aussi de tes gros coups de cœur, c'est toi qui vas nous en parler. On va parler voilà. de Noise. Donc Noise, édité par Kion. Donc c'est, ça fait partie de la catégorie seinen. Donc l'auteur c'est Tetsuya Tatsui. Tatsui. Bon d'accord, très bien. Et donc du coup ça parle de comment ça s'appelle De figue. Ça parle de figue au Japon. Oui. Donc ça parle de Keita, c'est donc du coup le personnage principal qui est agriculteur au Japon et qui habite dans un petit bled paumé et qui réussit en fait à attirer l'attention du Japon sur ce petit bled paumé parce que c'est le premier je crois à réussir à implanter des figues au Japon et à les vendre et elles sont parfaitement délicieuses. Donc, bien. Surtout les figues noires hein, des qui figues sont noires. Importées d'Europe, hein, si je me souviens ouais, bien. C'est ce il a modifié les graines. Et qui sont les plus sucrées du Japon. C'est ça. Et donc, à partir du moment où en fait il y a l'attention qui est braquée sur cette ville, il va se passer des choses étranges, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir pour peut-être chercher du travail, etc. Et ça nous introduit à un autre personnage qui est le. Pas vraiment le méchant, mais le méchant quand même. Ouais, un gars inquiétant. Qui s'appelle Mutsuo Suzuki, et qui du coup vient demander du travail à Keita et du coup à toute sa famille qui gravite autour. Et il va se passer des choses autour de ces deux personnages-là, de leurs relations, etc. Et je veux pas en dire plus parce que c'est vraiment un manga formidable et la tension est justement mise autour de ces personnages-là, de leurs relations, de leur passé, qui est plus ou moins expliqué. Et du coup, voilà. On a tous aimé autour de la table, hein. Ouais. Oui, beaucoup. Ah, très bien. Énormément. Très bien. Énormément. Ouais. Extrêmement bien. Moi, aussi. J'ai une toute petite réserve, mais ce sera toujours. Mais faudra, ce sera en zone spoiler. Hein. Il y a un chien. Il y a un chien. Déjà, si je peux me permettre, la couverture, elle est assez atypique. Mm. C'est-à-dire que c'est, il n'y a pas de gros plan sur le personnage, c'est un gros plan sur la figue. Et ça a quelque chose de très organique, un peu malsain presque, parce que l'intérieur de la figue fait un peu. Bah, elle dégouline et tout, de la main ouais, sale. C'est ça. Ça fait presque de la chair. Bah, c'est fait... un petit peu chair. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, ça plonge un peu dans le côté. Ben, qui est un trailer policier, parce qu'il faut le dire. Et du coup, ben, c'est. La couverture, pareil, elle est belle, elle est douce. Elle est douce. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé la couverture. Comme du papier que j'aurais fait. Mais mine de rien, ça m'a vachement attirée et c'est ce qui m'a fait craquer pour ce manga-là. Donc voilà. On peut dire que c'est l'auteur de Prophecy, Manhole, Poison City, donc des titres très orientés polar aussi. Ouais, exactement. Tous édités par Kiyun. Manhunt. Non, Manhole. Dozant. Oui, Dozant et. Risette, qui sont deux one shots. Des bons titres globalement. Mm-hmm. Voilà. Mis à part Prophétie, que c'est celui que je trouve le moins bon parmi ce qu'il a fait. Après ça, on a tous des avis divers autour de la table. Pour moi, c'est meilleur. C'est Poison City et Dozant. Je sais que la Mademoiselle Sally, Poison City, pas trop. Bah, je l'ai lu, mais peut-être aussi parce que j'étais plus jeune et j'ai pas du tout été touchée. J'ai trouvé que le rythme était trop lent, que le mélange entre... Bah, on suit d'un côté l'auteur qui arrive pas à faire éditer son œuvre et les personnages de son œuvre qui, du coup, traversent des choses, etc. Ça m'avait pas marqué et j'avais trouvé que c'était un peu brouillon. Donc, mais c'est peut-être aussi parce que j'étais plus jeune et que, du coup, j'étais pas intéressée encore par ce médium-là. Le seinen, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être une lecture que je recherche plus. Donc il faudrait que je le relise peut-être pour me faire donner un deuxième avis. Chance, ouais, voilà, c'est ça. Après, du coup, avec Noise, il revient vraiment à une ambiance polar qu'il n'avait pas trop sur Poison City, justement. Et là, l'ambiance polar est là vraiment du début à la fin, quoi. C'est sombre, c'est pesant, c'est limite un peu poisseux. Le mec, quand il débarque dans la ville, tu vois que faut se méfier de lui. C'est ça. Il a un lourd passé, que tu dis, il n'est pas là pour rigoler. Et en même temps, à chaque fois, on se dit, mais c'est quelque chose qui est prévu. On donne un passé super dark à un personnage, et peut-être que, pour une fois, on va essayer de lui donner une deuxième chance. Et il y a tout cette espèce de paradoxe qui est mis en place, où il faut que le héros soit héroïque, il faut que le méchant soit méchant, et on se dit toujours, allez, c'est trop manichéen, on va essayer... Enfin, peut-être que l'auteur essaye de nous faire croire que ça va se passer comme ça, et que ce sera différent. Est-ce qu'on peut justement entrer dans la zone spoiler ? Ouais, ok, oui, bien sûr. Parce que c'est justement à ce niveau-là, en fait, que ça m'a gêné. J'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Mais je trouve pas que ça le soit, vu que t'as des scènes qui sont du point de vue du mec, du héros, de l'ancien criminel. D'accord. Oui, en fait, t'as très clairement une scène où tu le vois penser « Bon, je vais l'attacher à la gamine, je vais violer sa mère sous ses yeux. » En fait, tu sais qu'il est c'est pas un connard. Tu le sais dès le début. Très vite dans le tome, t'apprends aussi qu'il a tué quelqu'un depuis sa sortie de prison. Et en fait, c'est ça qui est, que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y ait plus l'ambiguïté. Un côté paranoïa. Parce que finalement, c'est pas juste que le mec est devenu super zarbi parce qu'il a passé 20 ans en prison et que... Il a viré à moitié des frappadingues en prison, mais que peut-être qu'il ne représente plus un réel danger pour la société. Ça, j'aurais bien aimé que ce soit traité comme un thème. Et finalement, pas tellement. Méchant, et le souci, c'est... Alors, j'ai adoré, hein, mais le souci, c'est que j'ai limite un message de droite un peu limite sur les criminels ne peuvent pas se réinsérer, il faut les laisser en taule. Bah, j'espère que ça sera remis en question, parce que à l'issue du tome 1, c'est très clairement ce qui ressort, je trouve. Sauf que, en fait, c'est contrebalancé sur le fait que, justement, l'une des personnes qui est citée dans le truc, c'est quelqu'un qui recueille les prisonniers à la sortie pour justement les aider à se réinsérer, et qu'en gros, ce mec-là, le mec dont on parle, le criminel, est en gros une sorte d'aberration dans la matrice par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es un monstre. Mais tu vois que cette aberration-là, en fait. T'en vois pas d'autres. Donc, limite, le message, tu peux le comprendre comme bah, il a eu tort de faire ça, vous voyez bien où ça l'a amené. Ouais, mais après, je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue, parce que même si dans les grandes lignes, ils disent les malfrats, il faut qu'ils restent en prison, le héros, il a pas un comportement de héros, même s'il est dessiné comme tel. C'est-à-dire que. Alors, désolé, zone spoiler, mais genre, il va tuer le méchant, quand même, et c'est pas du tout un comportement de héros. C'est pas un comportement de héros, c'est toute la question qui est posée en mode de genre est-ce qu'il faut vraiment faire justice soi-même, et je pense pas que ce soit vraiment J'espère que ce sera traité ça comme un thème, parce que encore une fois là au stade, enfin dans le tome 1 tel qu'il meurt, c'est plus ou moins accidentel déjà. Plus ou moins accidentel, je crois qu'il... Non, c'est de la légitime défense. D'une part, c'est de la légitime défense parce que l'autre allait attaquer, et d'autre part, en fait, c'est accidentel parce que c'est le flic qui mettait trop de temps à apporter les menottes, et c'est en le contenant, en le maîtrisant, qu'il finit par étouffer. Après, il serait pas tombé sur le flic, il y allait quand même pour... Plus que juste le corriger, quoi, limite. Oui, mais encore une fois, vu qu'il est montré comme étant sur le point de violer la femme et la fille, j'espère que ce sera traité comme un thème par la suite. Ouais. Mais c'est vrai. Quand bien même ça, ce serait traité comme un thème, il resterait la thématique de la réinsertion qui, en l'état tel qu'elle est traitée, je dirais pas que ça me gêne, parce que voilà, ça a été une très très bonne lecture, mais on oriente clairement le manga vers une droite un peu. Je vois ce que tu veux dire, ça m'a gêné aussi, mais après, je pense que dans une œuvre comme ça, il faut savoir aussi prendre malheureusement des raccourcis et déterminer peut-être plus facilement qui est le gentil, qui est le méchant, surtout si les thèmes abordés, c'est plus genre est-ce qu'il faut vraiment se faire justice soi-même ? Parce que le manga commence comme ça, en disant « Puisque la justice ne peut pas agir, il faut qu'il y ait des gens qui éliminent le mal, quoi. » Avec les dessins de mantes religieuses, etc., qui est repris à la fin. Donc je pense que le thème abordé, c'est plus « Est-ce qu'il faut vraiment se faire justice soi-même » et un peu à la Death Note, quoi. Ou du Vigilante, en fait. Vigilante, c'est, par exemple... Punisher. Ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. C'est un style de comics. Et là, finalement, on retrouve l'ambiguïté que tu cherches, du coup, par rapport au héros. Plutôt du côté du héros. Voilà, on sait pas finalement le définir. Est-ce que c'est plutôt un gentil, plutôt le un méchant héros, ouais, mais alors que l'ambiguïté, justement, moi, une des questions que je trouve très intéressante par rapport à la question de l'auto-justice... c'est aussi la question de est-ce que, enfin, au-delà du fait de se faire justice soi-même, c'est est-ce que quand on se fait justice soi-même, on est en capacité d'identifier correctement le crime. Et c'est là que ça aurait été intéressant qu'il y ait plus d'ambiguïté sur l'ennemi, parce que ça aurait amené en fait une double ambiguïté. Déjà, est-ce qu'il faut se faire justice soi-même, mais en même temps, est-ce que il y avait la moindre raison de se faire justice soi-même à la base. Après, rien n'empêche que ce débat soit aussi amené dans les tomes suivants. Ouais, en soi, ouais, sauf qu'encore une fois, on sait clairement que le mec était un salaud qui, si on le laissait agir une heure de plus, il tuait deux personnes. Justement, pour moi, ta double ambiguïté, elle est déjà installée, justement. Parce qu'on sait pas, on sait pas si on doit lui donner une seconde chance, et en même temps, on sait qu'il est en train d'épier la fille et sa femme, et qui compte leur faire des choses. Bah du coup, faut pas lui donner une seconde chance. Le message est clair. Ouais. Si le mec dans sa pensée il dit je vais. Oui, mais je veux dire, après tu sais pas cette personne. Si tu dois agir ou pas, si tu dois le purger ouais, toi-même. Tu ouais, vois. Quelque part il a pas encore agi, même si il allait pour agir. Il a pas commis le crime, tu vois. Ouais, parce mais que... il en a déjà commis un. Oui, d'accord. Ouais. En fait, connard, je l'appelais connard. Connard c'est, premier. C'est pas le perso. Enfin, c'est pas le truc principal. Parce que là, on est dans le tome 1, il est cané. C'était vraiment une impulsion qui fait que justement les personnages principaux se retrouvent dans une situation où c'est eux finalement les criminels qui cherchent à cacher quelque chose. Le fait qu'il ait buté les personnes qui tentaient de l'aider, qui commencent à voler des trucs dans la caisse à peine arrivé, qu'il foutent le bordel et tout ça, c'est juste pour poser un personnage effectivement manichéen. Oui, je suis d'accord. Et c'est bien ça, mais je suis entièrement d'accord. Mais hein, je pense que la suite est beaucoup moins manichéenne. C'est, tel que ça part, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins manichéen. Je pense que ça va être moins manichéen au niveau des personnages principaux, pas, ouais. au, niveau ouais. de ce, pas au niveau de cet ennemi. Ah non, lui c'était c'est, un. C'est ça ma... Mais, ma réserve, mais c'est voilà, c'est un choix de l'auteur, une sorte de facilité. Ouais, après, voilà, un prétexte, ouais, pour. C'est quand on lit de toute façon déjà dans Prophétie, la conclusion de Prophétie était clairement orientée vers, enfin le mec, il est pas de gauche quoi. Non. De toute évidence, la fin de Prophétie c'était. C'est la justice soi-même. Ouais, c'était déjà très orienté vers une défense de vigilante. C'est pas gênant. Hein, c'est juste, voilà, j'aurais bien aimé un traitement différent autour de cette problématique, mais c'est comme quand Alex exprimait des réserves sur The Promised Neverland, c'est des réserves sur ce que l'œuvre aurait pu être, ce que t'aurais bien aimé que l'œuvre soit, mais ça remet pas en question ton appréciation de l'œuvre en elle-même. J'aurais voulu que ce soit plus sanglant, c'est pour ça. Lui, il voulait voir plein mais de gamins. Ça m'arrivait, putain. Il voulait voir, enfants, lui, il voulait voir les gamins mourir dès le début. Ah, moi, je voulais mais il y a une petite fille qui meurt dès le début, là, elle se fait planter par une rose et tout. Genre, c'est dans le premier chapitre. Attends, c'est une mort et encore, ça reste poétique parce qu'elle a une petite fleur. Ouais, ça reste poétique, elle se fait bouffer quand même. moi, j'aurais voulu qu'on voit qu'elle se fasse bouffer. Et on voit les images après. On voit les morceaux. Enfin, tu vois, tu as le morceau. Ce soit bien. Elle se fait cuisiner. Attends, mais après, il y a même des pages de chapitre où tu les vois tous morts et tout, c'est trop stylé. Lui, il voulait une page interchapitre avec la recette. Une bonne petite fille à l'aïolée. Alors vous prenez une petite fille bien grasse de 5 ou 6 ans, plus vieille que la viande, comment c'est un peu trop faire. Maïté, elle bouge encore la Maïté. Hein. Prenez un bon hachoir bien aiguisé et vous donnez quelques coups, et c'est délicieux comme dans le sud. Mais confort. Ça me parle, ça dit donc. Maïté, elle bougeait encore. Hein. Découffrant. Alors, on a ce mot la gamine. Faut pas hésiter. Est-ce que vous avez honte à un moment? Non. Mais jamais, il faut assumer ses conneries jusqu'au bout, sinon c'est pas drôle. Alors, moi j'ai jamais lu d'autres. Je reviens sur Noise hein, avec Totoy là. Merci. J'ai jamais lu d'autres mangas de Totoy, donc Prophétie. Moi je dis Totoy, j'aime bien dire Totoy. Est-ce que dans ses autres œuvres, il arrive à donner ce sentiment qu'est-ce que j'aurais fait à la place du héros? Bah pour moi non. Parce que dans Noé, je me suis tout le temps c'est dans Prophétie, posé cette question là en fait. Non, tout à fait pareil. Bah, pareil. Pas du héros. Oui, d'autres personnages. Dans Noise, j'étais tout le temps là à me dire qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Ouais, j'aurais peut-être fait ça aussi, tu vois. Dans Manhole, pour moi, ça avait marché. Ouais, un peu plus, ouais, dans Manhole. Et dans Manhole, le mal est pas exactement pareil. Ouais, le mal est. C'est très différent. Voilà, le mal n'est pas vraiment caractérisé par un humain. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, on peut pas dire c'est, que c'est. C'est la qualité de Manhole. Voilà. C'est pour moi dans Poison City, mais encore une fois, c'est parce que ça rejoint des thématiques très artistiques qui forcément me touchent. Pour ce que c'est toute l'idée du. Ça fait extrêmement présomptueux, mais de la création artistique, et vu que c'est un peu ce dans quoi je veux me lancer, forcément les thématiques m'ont touché. Donc je me suis senti à la place du héros, mais oui, pour moi, il y a un. Ok. Celui où il y a le moins ça, pour moi, c'est Dodd's Hunt, mais encore une fois, c'est volontaire parce que Dodd's Hunt, tu suis un connard en fait. C'est ça. Et puis c'est un one shot, t'as pas tellement le temps de développer. Mais je le trouve vraiment génial. Mais par contre, on peut préciser, c'est que c'est un auteur qui fait que des petites séries. Poison City c'est 2 tomes, Prophecy c'est 3, ouais. Pareil pour Manhole, et Dot Hunt et Reset c'est des one-shots. Et façon, normalement Noise est prévu pour être sur 3 ou 4 tomes. Ouais, d'accord. Vu comme l'histoire est partie, ça m'étonne pas, parce que déjà à la fin, il y a. Ils vont pas faire des tomes à se frapper à UT, ouais, c'est sûr. C'est ça. Donc oui, c'est prévu pour être une petite série aussi, Noise. Cet auteur ne fait que des petites séries. Bah, c'est bien aussi, franchement. Oui, clairement. Tout édité par Kiyun Shin. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a bien plu là-dedans. C'est, tu te poses la question, qu'est-ce que j'aurais fait Et puis même juste en question de rythme et de découpage, c'est incroyable. Il y a un rythme très lent et à la fois très prenant, parce qu'on est dans une sorte de coin reculé du Japon, donc ça fait très... isolé. Isolé, etc. Et pourtant, tu finis le tome et tu l'as pas vu passer, quoi. C'est vrai. C'est ça. Alors, et t'as toujours cet aspect un petit peu huis clos de ce auteur, alors que là par contre t'es dans un village donc tu pourrais penser que c'est pas tellement huis clos, mais si, il a une ambiance très huis clos, très refermée. Presque à donner le côté claustrophobe, claustrophobique. Mais à chaque fois il fait ça parce qu'en fait il n'y a aucune de ses œuvres qui est en vrai huis clos, c'est toujours à l'échelle d'une ville ou quelque chose. Mais et pour toi t'as toujours cette impression de refermer. D'ailleurs, la partie la plus importante, le moment le plus important se passe dans une pièce sombre. Le moment du crime. Où là t'as vraiment le huis clos qui se referme complètement avant que justement il reparte à l'extérieur pour essayer de camoufler ça. Moi, en fait, au niveau de cette idée d'un truc criminel dans un petit village un peu isolé, j'ai trouvé que ça faisait vachement coréen, en fait. C'est un truc qu'on retrouve énormément dans le cinéma coréen. Memories of Murder. Même J'ai rencontré le diable, finalement, se passe quasiment entièrement en périphérie. Ouais. Et même le personnage du flic un peu débutant, un peu idiot, c'est un gros archétype du cinéma coréen. C'est assez rigolo. Le boy aussi a beaucoup... côté cloisonné. Oui, bah, 15 ans, ouais. On va en parler un jour. Teaser. L'archiviste du cinéma, ça se passe en Corée, les prochains épisodes. Ça se passe en Corée, carrément. Ça se passe en Corée, il va enregistrer en Corée. Il a lancé son Tipeee. La YouTube monnaie. Alors, tu cours pas de Corée quand tu prends tes tickets. Non, il a lancé son Tipeee, donne argent. Donne argent. Et après, je fais un scooter pour l'archiviste. Et une tonne de café pour l'archiviste. Ouais. Nous aussi, on va lancer notre Tipeee. Des batteries pour l'archiviste, c'est comme ça. Une bombe à mine pour l'archiviste. Oh putain. Mon dieu. Bon, qu'on peut dire que Noi, ça serait pas la sortie manga du mois? Je pense clairement que oui. Mais... Pour moi, avec Kingdom. Une des bonnes sorties du Kingdom, mois. Kingdom, c'est une sortie du mois dernier. Non. Ah, si tu vois pas ça. Ah, si, c'est ça. Si t'es pas abonné, ça sort. Ah, oui, c'est vrai. Si t'étais abonné, c'était en juillet, et sinon c'était. Si t'es pas abonné, c'est début septembre. Non, pas non, début septembre, Kingdom. Non, c'était cette semaine. Oui, monsieur. D'accord, je vérifierai. Je sais que tu vas vérifier. Je suis pas sûr parce que je crois que t'es. Je crois, c'est la semaine dernière. Au moins la semaine dernière. Le planning que je regarde est pas bon. Ouais, je l'ai vu. Tu vas sur quel site? Si ce n'est il y a 2 semaines, je pense. Faut pas aller sur Notichon. Mais vraiment en plus. Les plannings Notichon et Manga Sanctuary, c'est de la merde, faut pas. Je connais quelqu'un qui n'est pas abonné justement et qui les a eus il y a à peu près 2 semaines. D'accord. Ouais. Autant pour moi alors, pardon. Sinon, je pense qu'on peut passer à la reco. Non, j'ai pas envie. Ah okay. Ouais, trop cool. Moi, bon, il est l'heure de terminer ce podcast. Hein, au revoir, salut. Et ben. C'est la reco. Non. Bah vas-y. Non, c'est bon, ça va. La reco de Sally. C'est ça. La première reco. Je stresse énormément. C'est toi qui vas ouvrir le bal des recommandations pour cette saison 2. Alors, de quoi reco, tu vas. Ça se passe toujours de la même manière. T'essaies de parler d'un truc et les autres parlent d'autre chose. Voilà, mais parfait, très bien. Donc elle veut me parler de Monster Musume. Ah oui, non, pas du tout. Alors de quoi vas-tu nous parler, Sally? La Rampi, elle a fêté son 12e anniversaire dans le dernier temps. Ouais. Bon gueule. Donc ma recommandation de ce mois-ci, de tous les autres mois, parce que ça va devenir un running gag, c'est tout simplement Radiant de Tony Valente. Donc oui, ce n'est pas un nom japonais, c'est un nom français, Cocorico. Wasaf. Cocorico, Wasaf. Donc voilà, donc Radiant qui a sorti son tome 10 là, il y a quelques jours, vendredi pour être précis, donc fin septembre, pour ceux qui auront le podcast après. Ah oui, bah oui. Donc Radiant, ça parle de quoi? Donc c'est un univers magique, c'est un shonen déjà de base, publié par Ankama, qui parle donc d'un univers de sorciers qui pourrait être classique, mis à part le fait que les sorciers en fait ne naissent pas avec des pouvoirs. Ouais. C'est quand ils rencontrent des créatures tombées du ciel, qu'ils appellent des némésis, en fait quand les humains touchent des némésis, ils ont 99% de chances d'en mourir. Et le 1% restant, en fait, a la faculté de pouvoir malaxer le... C'est pas du fantasia, c'est pas du mana. mais c'est tout comme les terres. Voilà, c'est tout comme, c'est un, quelque chose comme ça, mais je crois que c'est du Fantasia. Et en fait, mais via toujours des gants ou des accessoires magiques. Et on suit le personnage principal qui s'appelle Seth et qui a des petites cornes. Et en fait, c'est un des seuls sorciers à pouvoir utiliser le Fantasia à main nue. Mmh. Et donc du coup, ça va créer toute une sorte de problématique autour du personnage sur ses origines, pourquoi est-ce qu'il peut faire ça. C'est... On va dire que déjà, les sorciers, c'est les seuls qui peuvent se battre contre les Némésis, mais la population, on les craint, parce qu'ils ont aussi des pouvoirs qui, du coup, sont difficiles à... Ils peuvent être des armes contre la population, donc du coup la population commune les craint un petit peu, donc ils sont mis à l'écart, et pourtant ils sont appelés en renfort quand il y a des attaques de Némésis. Donc il y a aussi cette espèce de sous-thème sous-jacent de genre un peu de racisme ordinaire, etc. C'est pour ça que même si c'est un shonen et qui démarre de manière assez classique, les trois premiers tomes c'est vraiment du shonen pur et dur où ça castagne et où ça parle pas de grand chose d'autre, il aborde quand même des thèmes après au fil des tomes où Tony Valente a pu justement un peu plus se libérer. Et la thème, il aborde des thèmes assez forts et on va dire un peu originaux pour un shonen, quoi. Plus mature, quoi. Plus mature, ouais, c'est ça. Ouais. C'est par moment même, ce serait presque du seinen, sans spoiler, parce que ouais, y a des personnages tout simplement qui meurent, quoi. Donc, Quoi, mon dieu! Des gens qui meurent! Voilà. Mais c'est trop bien! Oui, c'est vrai! Et donc voilà. Y a... Déjà, après, pour situer un peu plus le truc, Tony Valenti travaille tout seul dessus, c'est-à-dire qu'il dessine tout seul, il fait le scénario tout seul, etc. Donc c'est juste. Et le dessin, en fait, est incroyable dans le sens où si jamais on sait pas que c'est français, à la base, c'est ce qui est arrivé, j'ai pris le premier tome et je me suis dit, oh, le graphisme est cool et tout ça. Mais il n'y a pas justement cette patte française, un petit peu comme on peut retrouver dans les Dreamland ou même dans Everdark, qui est fait par le cousin de l'auteur de Dreamland. Et c'est vraiment. Le dessin est juste magnifique. Ouais, j'aime pas au premier coup d'œil. J'aime vraiment, vraiment beaucoup la patte graphique de l'auteur. Voilà, je pourrais dire du bien encore pendant bien 10 minutes de ce manga. 20 minutes, 30 minutes, voilà, c'est extraordinaire. Mais voilà, donc juste essayez, enfin, achetez le tome 1, achetez le tome 2, achetez le tome 3. Non, mais voilà, et franchement, c'est vraiment, vraiment cool, la trame est chouette. Et même le gros avantage en fait du manga qui est fait par un français, c'est dans les relations humaines entre les personnages. C'est pas aussi, je suis désolée, c'est pas aussi cucu que dans un shonen de base où les héros sont là et puis genre on les revoit 10 ans après avec un gosse et c'est jamais rien passé entre eux. Non, si les personnages ont des relations vraiment humaines, c'est-à-dire qu'ils vont se faire des câlins, ils vont avoir vraiment un côté beaucoup plus, ils vont se toucher, pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, mais genre, ils n'hésitent pas à avoir des contacts physiques les uns contre les autres. Vas-y. Dis-moi en plus, vas-y. Sur des relations moins fermées et moins codifiées, du shonen japonais, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, c'est pas genre, ils vont se toucher la main et ils sont mariés et ils vont avoir des enfants. Ouais. Non. C'est vrai que. Attends, putain. Ah mon dieu, vas-y, touchez-vous. Non, mais c'est vrai qu'au Japon, déjà les. Avant des mains, le jet d'eau de ton. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, a fait tomber ton verre et l'a cassé. Ah ouais, non. C'est toi qui l'a cassé, ouais. L'eau du robinet qui coule a fait tomber un verre et l'a cassé. Voilà, un robinet de merde. Putain, il a pété un verre, il veut pas. Désolé. Le verre Perrier. Celui qui était dans les Non, c'est le London, c'est un verre moutarde. Oui, c'est un verre moutarde. Et genre, tu l'as laissé casser dans l'évier. Ah oui? Bah, je savais pas où le jeter. Il va pas nettoyer ça quand même. Et tranche-toi la gorge avec. Qu'est-ce que ça parlait de se tripoter. Oui, ça parlait de se tripoter parce que. Il y a du mana, grosse bite en mana. Oh là. Oh oui, vas-y. Oh, tu salis tout ou quoi? Oui, vas-y. On voit que c'est la rentrée, on voit que c'est la fin du podcast. Regarde quoi. Je disais qu'effectivement, au Japon, tu retrouves souvent des rapports très. Très grosse bite en mana. Des rapports très codifiés entre les gens et finalement quelque chose qu'on trouve aussi chez nous, quoi, le fait de pas connaître son voisin, tout simplement. Oui, mais là, pourquoi justement, ça, c'est... Nous, en Moi, Europe, on a quand même... Là, ça m'étonne. Rencontre flic. En Europe, c'est quand même vachement moins compliqué. D'ailleurs, ce qu'il a tendance à faire, on est beaucoup plus ouvert. C'est plus codifié chez eux au niveau même des amitiés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des codes, des façons d'appeler les gens aussi. Il y a même limite trop de codes en fait chez eux. C'est ça, c'est beaucoup c'est de codes de politesse et de protocole. Enfin, attention à ce qu'ils disent, etc. Enfin, bon. Voilà, et ce qui est pas du tout. Justement, on ressent vachement cette patte occidentale dans les rapports humains entre les personnages, quoi, qui est beaucoup plus ouvert et c'est agréable aussi. Oui, aussi, petite précision aussi, quand ils touchent les Némésis, c'est qu'ils, du coup, peuvent malaxer le Fantasia. Ah oui, vas-y. Il leur arrive une petite contrepartie, c'est-à-dire qu'ils ont des effets négatifs. Arrête-toi, là voilà. Donc, du coup, chaque personnage a un petit effet par rapport au fait qu'ils peuvent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément des malus, des fois, c'est des trucs un peu cocasses. Voilà. Un peu cocasse. Donne des exemples. Par exemple, dans les personnages principaux, il y a donc la personnage principale qui s'appelle Mélie, qui a une double personnalité en fait. Comme toi. Elle peut être très gentille et très choupie, et paf, d'un coup, ça devient une meuf chouette. Je vais être mal axé là maintenant. Ah oui, vas-y, vas-y. Le Fantasia. Qui va se mettre à casser des culs et être vraiment méchante et violente. Je vais te casser le cul. Grosse bite en Fantasia. Ah oui, vas-y, mets-moi la grosse bite, vas-y. Grosse bite à Thanos. Oh, je veux malaxer la bite, vas-y. Oh, donc voilà, après je peux pas en dire plus parce que ça spoil. Si, il y a par exemple un autre personnage qui vomit et qui a de la morve violette, donc des fois ça peut être des trucs complètement débiles et inutiles, et, oui, et des fois ça peut être vraiment. Comme si ça génère un bug en eux, quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est ça. C'est une sorte de contrepartie, ils sont. C'est désinfecté en fait, ils les appellent comme ça. Les moldus appellent les sorciers désinfectés. Donc. Tu parlais du côté graphique tout à l'heure qui faisait plutôt japonais et pas français. Est-ce que tu penses que c'est à l'origine de son succès ? Au Japon en tout cas oui, même en France. C'est que c'est quand même le premier manga français qui va être adapté au Japon. L'animé sort en octobre, voilà. Ouais. C'est ça. Et coup, même genre adapté tout court au Japon, il sort en tome relié au Japon. Ils en sont, ce mois-ci, il y a le tome 9 qui est sorti, donc ils nous ont rattrapé très très très très vite, et je pense que c'est dû au fait que le style est quand même assez japonisant, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est un peu triste de se dire qu'on est obligé de se calquer sur un style, non ? Non, je pense pas que c'est. On n'est pas obligé de se calquer sur un style, c'est juste. En tout cas, pour que ça fonctionne chez eux, quoi. Ouais, mais parce que, après, bon, c'est que mon avis personnel, mais pour moi, Dreamland, c'est pas super joli, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a des œuvres qui pourraient très bien marcher au Japon sans pour autant adapter, genre, la patte japonaise à fond. C'est, ça a quand même un côté un peu, même si c'est très japonaisant, un peu en kama aussi, tu vois, dans le style. Ouais. Est-ce que, dans pas mal de cas de manga français, est-ce que le fait que ça marche pas au Japon, c'est pas parce que c'est dans une sorte de vallée dérangeante, c'est-à-dire pas assez japonais pour être identifié vraiment à du japonais, mais en même temps, c'est plus vraiment français. Exactement. À l'exemple de Head Trick, par exemple. Ah ouais, non, mais là, tu vas loin. Hein. Je prends un exemple radical. On sent que ça essayait d'être japonais, de faire japonais. C'est exagéré. Mais ça y arrivait pas. On sentait que c'était français. Alors que je pense qu'au Japon, il y a peut-être des BD purement françaises qui marcheraient très bien. Non, mais c'est ça. Et qui marchent très bien. Bah, attends. Mais c'est juste qu'après, il faut dire ce qu'il est. Radiant, français, il est vraiment très bon. Enfin, pour un shonen, il marche très bien. Il commence aussi à. Les combats, ils sont dynamiques, les personnages sont intéressants. Il y a vraiment, je te dis, le sous-texte en fait est vraiment intéressant dans le sens où ça parle de sujets matures, quoi, de sujets adultes. Avec. Du racisme, avec les gens qui modifient un petit peu les médias pour faire passer des idées, pour que les gens se tabassent entre eux, quoi, tu vois, ce genre de petits. Enfin voilà, l'histoire est vraiment cool. Tu veux dire, genre un média qui ferait passer notre président pour un champion du monde, non, oui, pour le champion de la Terre. C'est pas réaliste. Comme il y va. Mais il y va. C'est la première fois qu'on aura parlé beaucoup de Macron, tout que c'est la première fois qu'on aura prononcé autant de fois le mot bite. Ouais. C'est vrai. Il aura fallu qu'on attende une présence féminine. Je pense qu'il ça va rien dire. Comme quoi ça va rien dire. Et je pense que tu peux faire un personnage qui a la tourette et qui le prononce plein de fois. Tu t'émerdes bien, tu peux le prononcer au moins 100 fois par podcast. Arrête, tu vas lui donner des idées pour une troisième personnalité. Enfin, pour une quatrième personnalité. Non, mais sinon. Non, retire-toi ça de la tête. Non, mais je vais garder la personnalité cuisinière déjà. Ah oui! C'était trop bien. Pas mal, jamais. Au Japon, ils commencent à accrocher par exemple au style comics américain. Donc c'est pas forcément, faut pas forcément que ce soit japonais, japonisant pour leur plaire. Oui. Par contre, effectivement, le style français s'importe pas forcément. Les comics américains, si, ça fait longtemps que c'est adopté enfin, par eux. Hein, ouais, mais c'est. Maintenant, ça commence à être. C'est un pays assez fermé. En fait, t'as un truc que tu retrouves au Japon, c'est la réappropriation. Quand quelque chose leur a plu, t'as une sorte de réappropriation qui font que maintenant, ils font des. Chez eux, ils ont fait des animés Marvel et DC. Ils sont très très bons et respectueux, bah, et là tu sens qu'en gros ils ont compris l'essence du truc. Donc, il y a un manga Batman Ninja fait par. Les gars, My Hero Academia. Oui, ouais, voilà, juste My Hero Academia, One Punch Man. De la reprise des personnages qui existaient déjà. Et là, ouais, justement, sur cette très bonne version, c'est un bouffeur de comics comme jamais. Bah, ça se sent. Pour moi, ça a aussi des influences sur certains mangakas. On a déjà vu, il a déjà montré son studio, l'auteur de My Hero Academia, des comics partout, avec une énorme Batmobile. Non, mais c'est franchement, et je trouve ça cool ce mélange des cultures parce que ça fait des choses vraiment bien. C'est-à-dire qu'on sort du genre des trucs de ninja à la Naruto ou des Shinigami à la Bleach et on arrive vraiment sur du cross-culturel avec My Hero Academia qui est très comics et qui reste très quand même japonisant dans son essence. Et c'est vraiment cool quoi. Vraiment, ça fait des beaux mélanges. Vivement un manga Louis de Funès du coup. pour prendre une mangaka dont on a parlé il y a pas longtemps, celle qui fait l'atelier des sorciers, elle fait pas mal de couvertures de comics aussi. C'est vrai. Donc, pour pareil, pour Star Wars. C'est trop stylé. Une sorte de pont entre les deux cultures. Et c'est Marvel qui l'a repéré. L'auteur d'Aria 51 est influencé aussi par les comics. L'auteur d'Aria 51 est influencé par la culture occidentale. Son style, c'est surtout Sin City. Grosse influence Sin City. L'auteur de Destroyer. Dans Jabberwocky, t'as une super référence à Sherlock Holmes. J'étais trop content. Ah, il n'en faut pas beaucoup, hein. Non, mais j'ai pas fait gaffe. Bah, à un moment, dans la mission qui se passe à Londres autour de Jack l'Éventreur, ça t'évoque que le plus grand détective du monde est actuellement en train de se battre contre son pire ennemi du côté de Reichenbach. Et tu veux savoir pourquoi Sherlock Holmes, il est pas terrible? Parce qu'il sait pas masser des grosses bites en Fantasia. Malaxé. Parce que masser, c'est une autre définition. Tu sais, mais c'est très bien aussi. Mais après ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais, Sherlock Holmes, quand tu dis à Watson, c'est un problème à trois pipes, Watson. Je ne sais pas de quoi il parle. Ça me fait beaucoup rire, en tout cas, des blagues sur le zizi. Sachez-le. Mais ça nous fait beaucoup rire aussi, hein. On est un petit peu des gamins pour ça. Ouais. Bon. On est tous des gamins. C'est ça, on est tous des gamins au fond de notre cœur. C'est un peu triste. J'ai repensé à Karim Debache qui m'a fait une voix de eh, c'est une blague au zizi, on adore les blagues au zizi. Ah oui. Bon, ça va, on a des blagues un petit peu plus fines aussi des fois. Ouais. Hein, oui. Ouais, oui. Ça va, ça me rassure. Tu en as fini avec ta recommandation? Non. Acheter Radiant, voilà. C'est bien. Il y a 10 tomes, et genre, c'est bien les 10 tomes. Il n'y a pas un moment où la tension redescend. Il y a des arcs scénaristiques. Déjà, c'est coupé en plusieurs arcs, et c'est bien parce qu'ils se répondent, il y a des échos. Le héros n'est pas toujours en mode « Ah, j'ai sauvé la planète », etc. Il passe aussi par des moments de doute où il ne sait pas s'il agit pour le bien, pour le mal. C'est pas un personnage manichéen, même s'il est un peu con et comme un peu. Bah c'est vrai, en général, les personnages de shonen à la base, ils sont un peu cons, et ils bouffent beaucoup. Et c'est vrai qu'ils pourraient tomber dans cet archétype-là, mais c'est pas le cas. Il y a aussi des moments où ils se posent des questions. Et voilà. Ils avaient sorti un coffret, non? Oui, il y a deux coffrets. Il y a un coffret collector avec les 4 premiers tomes, un deuxième coffret collector avec les tomes 5 à 8. Ah. Et du coup, là, ils ont sorti aussi une édition collector pour le tome 10 avec une couverture réversible et une petite keychain. Donc, c'est pas non plus obligatoire. Et le coffret te permet une réduction ou pas du tout? C'est juste pour J'ai pas regardé parce que j'avais déjà les tomes à cette époque-là. Mais par contre, l'édition collector du tome 10, elle est pas beaucoup plus chère. C'est-à-dire que le manga doit être à 7,95 et l'édition collector est à 9,95, un truc comme ça. Et ça permet quand même d'avoir une double jaquette. Je préfère la jaquette de l'édition collector où il y a vraiment le personnage principal, 7, entouré des autres personnages. Alors que l'édition de base, c'est une des inquisitrices, donc qui fait partie du côté des méchants, entre guillemets, si on peut distinguer ça comme ça. Et qui, je trouve, est un peu moins... j'aime beaucoup moins le lighting, en fait, sur Ulmina, sur le personnage du tome 10 normal, que sur la couverture. Voilà. Et puis le kitchen, quand même, super mignon. Pour faire la petite... la petite fanboy. Ouais, c'est ça. Oui, c'est quel éditeur qui faisait des coffrets, mais en fait, ça t'apportait rien? Ah bah il y en a plusieurs. C'est pas Kurokawa qui fait cette banane là? Si. Mais en tout cas, j'ai été vachement déçu par le coffret collector de Silent Voice. Kiyun aussi. Okay. Après, il est super beau le coffret collector de Silent Voice. Ouais, mais franchement, pour 3€ entre acheter les tomes simples et 3€ d'écart entre le coffret et acheter juste les tomes un par un, bah je trouve que ça vaut pas le coup. Je crois même que c'est exactement le même prix. Hein. Non, non, j'avais calculé la dernière fois, c'est aux alentours de 49 et quelques si jamais t'achètes les tomes un par un. Et le coffret, il est à 45,95€. Ah non, mais le donc, coffret vaut juste pour la déco. C'est juste un beau coffret. C'est... Ouais, mais je... après, en général, moi, je les enlève. Le coffret gun, je crois. Ah oui, tandis que moi, ouais, là, c'est... je trouve vraiment qu'il fait beau. D'accord, ok. Bah... okay. Alors, tant qu'on est sur Silent Voice, bon, d'ici que le podcast sorte, ça sera pas encore mais... que l'affiche. Mais l'adaptation ciné est vachement bien. C'est, ça adapte vraiment super intelligemment. Visuellement, ça adapte certains trucs du manga et ça rajoute plein d'idées visuelles. Très original, les doublages sont géniaux. Quel doublage Commence. On commence pas avec ce doublage. Fais pas du Randall, d'accord. C'est pas très radicalement Sam. Du Randall, ouais, il a pas donné son avis là-dessus. La musique est excellente et assez atypique, donc vraiment grosse recommandation. Vous voyez Silent Voice et faites-le voir surtout, parce qu'encore une fois, c'est un manga qui brasse plein de thèmes importants. C'est vrai. Ben oui, enfin, que ce soit le manga papier ou le film. Oui, c'est ça. On l'a déjà dit, Silent Voice, ça devrait être dans tous les CDI de France, quoi. C'est vrai, parce que pour une fois, c'est un manga qui est pas juste. C'est ça. C'est pas de bagarre. Au même titre que Kadam. Pas mal. Voilà, oui, quoi. Mais c'est pas que ça. Là, ça fait un peu le message de Ségolène Royal sur les mangas. Le Zemmour. Hein. Eh oui, mais attends, il faut bien. Bing, bam, blam. Il n'y a pas que de la bagarre. C'est ce qu'il avait dit. Je crois que Ségolène Royal, on aurait réussi à lui faire croire que, par exemple, Princesse Sarah, c'est une production française. En montrant le truc. Vous voulez vraiment terminer ce podcast en parlant de Ségolène Royal? Ah oui. Moi je retiens plutôt qu'il a dit deux fois Zemmour dans le podcast. Et c'était déjà deux fois de trop. Ouais. Moi je trouve que ce nom c'était est une insulte à la race, ça me donne envie. Moi je trouve que le nom Zemmour. Il change de sujet. Laissez-moi finir. Petite anguille. Moi je trouve que le nom Zemmour quand même est une insulte à la République française. Puis on a quatre fois qu'on le lit. Ouais. Au bout d'un moment on les fait. Bah si vous faites répéter, c'est normal. Il sort bientôt son nouveau livre. Tais-toi. Un énorme pavé de quasiment 600 pages. Il est déjà sorti, il est à la Fnac. Hein? Sérieux? Ouais. Je tends des cocktails Molotov, il est temps. Et je suis un peu mitigé parce que je serais presque curieux de le lire pour saisir toute l'étendue de la connerie, mais en même temps c'est trop long pour être vraiment à la Fnac. Envie de perdre 600 pages. J'ai vu la vidéo d'un mec sur Twitter qui collait des stickers de pute approved sur les bouquins. J'ai bien envie d'écouter le prochain CD d'Evangeli et Francky Vincent. Ah oui. Ouais, rien que la couverture m'a refroidi. En fait, là, vous voulez vraiment faire le podcast le plus long qu'il y a sur table. C'est ça, en fait, votre. Non, mais déjà, que t'achètes le CD, ça me dérange pas. Mais je vais pas acheter le CD, tu déconnes. Ça va, Torrent. Ça va, DL. Ouais, non, DL. Sinon, tant qu'on est parti pour allonger, j'ai acheté le tome 4 qui est sorti de. My Hero Academia. Non, putain de chat. Oui, là, on est vraiment sur un. C'est quoi le truc? Putain de chat. Putain de le chat. Le quatrième tome qui devait pas sortir. Tu les avais jamais montré à la boutique? Ah non. Ah, c'est génial, putain de chat. Ah bah écoute. C'est les chats qui se cognent? Non. Ah d'accord. Ah non, ça c'est. Non, ça c'est pas bien en plus. C'est rigolo, mais non, putain, le chat c'est de la bande dessinée traditionnelle sous forme carré. C'est français, ouais. Pas très épais. Ah si, tu veux. Et normalement au début, l'auteur voulait faire un tome. Finalement, ça a plu. Il en a fait 3. Normalement, il devait s'arrêter au 3ème. Là, il en a fait un 4ème. J'ai pas compris. Je l'ai pas vu arriver celui-là. C'est pas rigolo. Si jamais ça marche. Avec le chat qui cherche à tuer son maître par tous les moyens. Oh, c'est trop bien. Moi, j'ai acheté le dernier bouquin scénarisé par Boulet, Bolshoi Arena. Ah, il est bien. Vachement bien. En même temps, Boulet, c'est un mendezon. Oui. Ouais. Voilà. Ça me trouve. C'est déjà visuellement, il a l'air magnifique. Ouais. J'ai oublié le nom de la dessinatrice. Moi non plus, je l'ai pas en tête. C'est Izun, je sais plus exactement comment on dit. Des vrais professionnels. Visuellement, c'est magnifique. C'est vachement chouette, ouais. Professionnel de ce podcast. Mais... l'élite. Incroyable. Bref, on recommande Radiante, c'est ça? Oui, donc Radiante de Tony Valente. Il n'y a que 10 tomes pour l'instant. Donc, c'est même chez Ankama, du coup. Oui, édité par Ankama. Dans toutes les bonnes librairies, indépendantes. N'arrive pas à sortir de cette reco. Bon, attends, c'est normal, c'est la meilleure reco du monde. Oh là là! Non. Ah. Ah non, la mienne était mieux. Non, sur quoi? Oui. Sur Nozokena? Bah, Nozokena. Parce que ça malaxe de la bite. Et Sunstone, voilà, il n'y a rien de mieux. Parce que ça malaxe. Azein, c'est l'illustratrice. Voilà. On s'en fout, on veut elle du radiant. Fait sortir du mouchoir. Moi je comprends, je comprends. Ça m'est pas arrivé, mais je peux comprendre. Oh menteur. Oh, oh. Oh mytho. Oh, oh. Oh. C'est très bien que tu sais très bien que tu sais lire avec une seule main. S'il te plaît. Elle joue le vibreur à la lecture. Voilà. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de dire au revoir? Oui, on sombre dans la vulgarité la plus crasse. Voilà, on va se faire insulter là. Au revoir. Attendez, on n'a pas fait de message à la patate, donc est-ce qu'on le traite de connard pour le premier épisode de la saison 2? Non, bah voilà. J'ai fait un message d'amour. Bisous la patate. Est-ce qu'il mérite cet intérêt? Surtout qu'en plus, il paraît qu'il aime toujours faire punch, c'est dire. J'ai lu le dernier tome hier soir et pas mal. Merde. Moi aussi je les ai lus ces derniers temps. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre pour cette saison 2. Où peut-on se retrouver? Sur Twitter. Ta chaîne n'intéresse personne. Ouais, bah, c'est ça. Mais, moi je viens juste pour faire ma pub. Ils savent où on peut te retrouver. Sur la chaîne L'Archiviste du cinéma, on parle de cinéma asiatique principalement. J'espère très bientôt des nouvelles vidéos. Il y a des gros trucs en prévision. Voilà, il y a une vidéo qui a été tournée avec... Sally n'était pas encore dans l'équipe, mais avec tous les autres de l'équipe sur Dragon Ball et Kenshin le Vagabond. Alors si vous avez l'impression qu'on a déjà vu, c'est normal, il avait dit la même chose à l'heure. C'est ça, mais je martèle. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver? Twitter, Necronomicon. Sally, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter aussi, je suppose. Le Salibou, je pense. C'est toi qui normalement dois connaître. Je suis pas du tout sur Twitter, mais hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir, je ne vous répondrai pas. Comme moi sur Facebook, quoi, tu passes une fois trois ans. Voilà. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Twitter, GreenSuro. Mais est-ce que tu y es vraiment? Plus ou moins. Ah, mais bravo. Ça. Et on peut préciser que tu as fait un blog. Un super blog où il y a déjà deux articles en ligne. La merde. Putain, l'enfoiré. C'est pas vrai. Est-ce que tu les as lus? Oui. C'est vrai? Ouais. Pour l'instant, moi j'ai lu les titres. Je suis arrivé sur le blog et j'ai dit que je lirais quand j'aurais plus. Mais regardez, il a plus rien, ça pue. Moi je les ai lus, ils sont très bien comme article. Hein? Ah oui, bon. Moi je les ai lus, ils sont très bien comme article. Merci beaucoup. Alors ça vaut pas un épisode de l'archiviste. Mais c'est très bien quand ouais, même. Ouais, mais au moins ils sont là, ils existent. Alors que des épisodes en Corée, là, on les attend. Voilà. Oui, bah, c'est un peu plus long de faire un épisode d'une demi-heure que d'écrire un article de 10 lignes. Oh, oh là là, on peut écrire en 3 en 8 mains. Non, j'ai même pas envie. Mais donc, oui, vous pouvez me retrouver sur Au Gré des Bulles sur Twitter. Ouais, c'est ça. Et sur le blog Au Gré des Bulles. C'est le Salibou sur Twitter, je viens de vérifier. Et puis voilà. Et puis maintenant, il est vraiment temps de dire au revoir et on se retrouve. Ouais. Si vous avez des plaintes, des reproches à nous faire, c'est sur Twitter. Le Salibou, du coup. La patate masquée. La patate masquée, merci. Et son blog. Menace c'est quoi, de c'est... mort, vous envoyez là-bas. Jagai Manga, ouais, c'est ça. Voilà. Allez, on lui fait un petit peu de pub pour le fiston. Il écrit pas trop mal. Allez voir son blog, c'est pas mal. Il écrit pas trop mal, le fiston. Il ira loin, le petit, il ira loin. Allez, salut. Donc vous pourrez nous retrouver pour la rentrée également de la guerre des claps, qui entamera sa saison 2 tout bientôt. Soon. Bientôt. D'accord. Tu m'as bloqué. Tu l'as stumped. Et on se retrouve pour le prochain épisode du coup de Casse sur table. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bye. Ciao.